15 juin de l'année 2023. C'est la date où est produit cet enregistrement avec Mona. Donc ici, David au micro que vous entendez et Mona que vous voyez à l'écran. Donc bonsoir Mona, ça va bien? Bonsoir tout le monde. Oui, ça va bien, merci. Excellent. Donc, ça fait presque 6 mois qu'on s'est parlé. Depuis ce temps, il s'est passé plusieurs choses, notamment dans le domaine de l'actualité à la fois québécoise et internationale. Donc, j'ai plusieurs sujets en ce sens de prévu. Sinon, sur le plan de la métaphysique, je voulais aborder avec toi le phénomène de la réincarnation. Parce que tu avais déjà dit que pour toi, la réincarnation, c'est réel en s'appuyant sur ton vécu. Donc, on pourra explorer ça. Là, je propose de le faire là, en début d'enregistrement, puis par la suite, on pourra aborder différents sujets en lien avec la couverture de l'actualité pour la commenter. Mais juste avant... je veux mentionner aux gens qui nous écoutent que si vous découvrez Bouddha pour la première fois, eh bien, c'est quelqu'un qui donne des cours de yoga et également de pilates thérapeutique depuis plusieurs années. Donc, toi, tu as toujours ton école là, à Montréal? Pour l'instant, oui. Ça fait déjà 24 ans. Exactement. Donc, écoute, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient faire des cours de yoga, soit en présentiel avec toi, donc à Montréal, au Canada, ou également d'un peu partout dans le monde, parce que tu donnes également là, des cours en ligne encore? Eh oui, sur Zoom. Alors, mais sur Zoom ou en privé aussi, sur Zoom, même à Montréal, des gens autour qui ne veulent pas se déplacer, ça se fait bien sur Zoom, en privé. Mais c'est thérapeutique, hein, j'ajoute. Yoga et pilates thérapeutique, c'est pas un yoga de performance, puis ce n'est pas un yoga spiritualisé non plus. Je peux même pas vous parler de la mentalité yogini, je la connais pas, puis ça m'intéresse pas. C'est bien correct. Donc, c'est sûr que c'est intéressant pour les gens qui veulent vivre une expérience de yoga déspiritualisée, là, c'est-à-dire sans les croyances, là, à caractère mystico-pété là, qui peuvent être associés à ça. Là. C'est un travail d'alignement des corps inférieurs que je fais à travers la technique somatique du yoga et du pilates. C'est ça mon travail. Parfait. C'est sûr que par rapport à ça, donc pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir un petit peu plus, je vais mettre naturellement là, les coordonnées là, à l'égard de ton site web. Et aussi, je veux mentionner aux gens que tu fais également du coaching d'individuation. Oui, mais je veux faire une petite parenthèse ici, David, parce que c'est devenu plus clair. D'un, j'en fais pas beaucoup, je prends pas beaucoup de monde. Et je travaille, moi je pars du principe, il faut que la personne ait déjà compris, intégré, c'est une autre histoire, que la pensée vient d'ailleurs. Je travaille pas sinon avec quelqu'un si les gens n'ont pas ça dans leur mental. Dans leur tête, là. Je dirais même d'intégrer. Parce que même si on sait que ce n'est pas nous autres qui pensent, toute la job est à faire, à préparer. Il y a une job de nettoyage. En tout cas, je voulais juste faire une petite parenthèse. Si les gens croient encore qu'ils peuvent... que la pensée vient d'eux-mêmes, je pense qu'ils sont mieux de consulter un psychologue que moi. Non, exactement. Donc, c'est sûr que tu t'inscris dans une dynamique qu'on va appeler post-matérialiste, dans le sens que quelqu'un qui est matérialiste, qui a une conception que le cerveau sécrète les pensées comme l'estomac va sécréter les sucs gastriques pour procéder à la digestion des aliments, là, t'es vraiment pas là, là. Non, j'allais dire, si tu penses, je pense donc je suis, je passe à votre tour. Donc, tu t'adresses pas aux gens qui sont cartésiens, dans leur façon d'appréhender les choses sur le plan intellectuel ou des gens qui sont dans le réductionnisme matérialiste ou que pour eux, la seule chose qui existe de l'être humain, c'est la dimension physique puis les pensées seraient le produit de l'activité du cerveau. Tandis que toi, c'est le contraire. Le cerveau, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, le réceptacle de la pensée, un petit peu comme un radio, va capter des ondes cellulaires. Oui, puis Bertolt, je pense, dans le dernier livre, il a fait une belle distinction entre le mental inférieur et le mental supérieur, là. Que la base de l'énergie dont on parle, qui descend dans notre corps, part, elle atterrit dans le mental supérieur. Ça ne peut pas aller plus bas. C'est énergétiquement trop faible en bas. Donc, Bertolt, en passant, pour les gens qui nous écoutent, bien, c'est quelqu'un que j'ai interviewé là, à plusieurs reprises au fil des ans sur YouTube, en plus de mon nom, parce que ça fait quand même plusieurs années, que de manière ponctuelle, on va produire ensemble des enregistrements où on va aborder des sujets à caractère parfois métaphysique, occulte, croissance personnelle, et aussi de commentaires sur l'actualité sur le plan, entre autres, géopolitique. Donc, avant de débuter l'enregistrement de mon côté en termes d'annonce, ce que je veux faire, en fait, ce que je veux faire un enregistrement intéressant avec toi ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y en a parmi vous qui appréciez au fil des ans tous les enregistrements que je rends disponibles, parce qu'il y en a plusieurs centaines, et si vous ne me croyez pas, bien, vous pouvez aller sous le lien web en bas de l'enregistrement présent. Pour avoir accès à ma banque de données d'enregistrement qui est entreposée sur le site archive.org. Et là, vous allez voir tous les enregistrements que j'ai faits qui sont disponibles en format MP3. Donc, si vous appréciez ce travail colossal d'enregistrement que je produis au fil du temps, eh bien, ou que vous pouvez entendre des choses là, que vous n'entendrez nulle part ailleurs, là, dans le sens que Mona ou Bertolt, que j'ai interviewé à plusieurs reprises, vous ne les entendez pas là, à TVA ni à Radio-Canada, là. Donc, ici, on présente des perspectives, des points de vue qui vont au-delà du narratif officiel, que ce soit par rapport à la pandémie, la guerre en Ukraine, ou ce qu'on nous dit être aussi des changements climatiques provoqués par l'homme. Donc, on se permet d'adopter d'autres choses. Et le fait précisément que je ne suis pas financé par le gouvernement, à la différence de Radio-Canada ou de TVA qui ont reçu des millions là, en termes de publicité pendant la période qu'on a dit de pandémie, ben, me donne une indépendance d'esprit que vous ne retrouverez pas dans les médias de masse. Et sinon, avec les invités que j'ai, ben, je vais souvent aborder des sujets en lien avec la conscience supramentale. Donc, en plus de commenter l'actualité locale ou internationale, donc ça amène un éclairage différent que la vision du monde matérialiste auquel je faisais allusion tantôt, qui est souvent présentée comme étant encore aujourd'hui le paradigme officiel, là, Donc, tout ça est dit, c'est que si vous appréciez tout ça, vous êtes toujours les bienvenus pour faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion sur le web. Et ce sujet, vous allez retrouver en bas de l'enregistrement présent les informations là, pour me faire une contribution financière, donc avec les moyens sécurisés que sont PayPal et également Interac. Et pour les gens qui m'écoutent, qui m'ont déjà acheminé de l'argent au fil du temps, ben c'est sûr que je vous remercie et j'ai beaucoup de gratitude pour vous. Donc, ceci dit, on peut commencer à proprement dit à présent. Ah oui, il y a une autre petite chose que je veux mentionner aux gens, c'est que probablement que la première partie de l'enregistrement avec Mona, où on va parler de réincarnation, vous allez le retrouver sur YouTube, mais par la suite, si on aborde certains sujets en lien avec l'actualité un peu plus délicat, eh bien, vous allez retrouver ça sur Odyssey, qui est un espace qui est propice à l'expression de la liberté. Et c'est sûr qu'en tant qu'intervieweur, je vise à permettre à mes invités de parler librement. Donc, ne soyez pas surpris que si vous écoutez l'enregistrement, puis à un moment donné, ça coupe, ben, regardez en bas de l'enregistrement, il y aura peut-être, là c'est sûr, s'il y a une partie sur Odyssey, vous allez avoir le lien web pour pouvoir continuer à l'écouter, là. Parce que c'est sûr que mon objectif en discutant avec Mona, c'est pas de respecter à la lettre, dans le fond, le politiquement correct tout le temps, parce que sans ça, on n'apportera rien de nouveau. On va juste faire répéter les discours officiels, puis ça va être ennuyeux. Il n'y aura rien de créatif qui va ressortir de tout ça. On va remâcher du vieux mémoriel. Donc, tout ça étant dit, ce qui est très possible que l'enregistrement présent, l'essentiel se retrouve sur Odyssey, une petite partie au début là, sur YouTube, là. Et si c'est le cas, ben, vous allez avoir le lien web là, par rapport au d'ici en bas de l'enregistrement. Donc là, c'est vrai, là, je vais commencer pour le vrai avec toi là, à parler. Là, les annonces sont faites de mon côté. Donc, le premier sujet que je voulais aborder, c'est la question de la réincarnation. Parce que de ce que je comprenais là, par rapport à toi, c'est que la réincarnation, pour toi, ça serait quelque chose de réel en s'appuyant sur ton vécu. Mais je vais mettre en contexte, premièrement, pourquoi j'ai dit que je pense, pas que je pense, que la réincarnation, pour moi, c'est réel, c'est que avant même de connaître les mots qu'on parle, Oui. j'ai eu des expériences plus jeunes, dont je donne un exemple, j'ai entre 25 et 30 ans maximum, là. J'ai commencé à parler le langage qu'on a aujourd'hui, j'ai à peu près 30, 28, 30 ans. Donc, je savais pas, mais le moi astral n'existait pas. J'étais juste dans ma vie sans conscience de tous ces mots-là, mais on vit pareil, là, c'est pas important, les mots tant que ça. Puis un jour, j'ai rencontré un homme qui venait du Sénégal. Quand je l'ai croisé, lui, il faut mettre en contexte encore, musulman pratiquant. Donc, un musulman pratiquant n'a pas de croyance, il n'a pas le droit de croire à la réincarnation ou cette affaire-là, ou, t'sais, pour eux, ça n'existe pas. Et on s'est regardé, puis il m'a regardé, puis il avance la tête comme s'il voyait quelqu'un qui. Il dit, on se connaît-tu? Est-ce qu'on se connaît par hasard? J'ai dit non, mais moi, je vous reconnais. C'est la première fois que je prenais conscience de connaître quelqu'un dans cette vie-ci que je connais pas, mais que je connais. Tu as eu une impression de déjà vu. C'est plus qu'une impression, c'est tout le corps qui a bougé, c'est tout le corps. Ça a fait, hein? Beaucoup plus tard, j'ai compris, parce qu'on a même lui, on a parlé, on a échangé. À un moment donné, c'est une longue histoire, là, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais je travaillais dans Hydro-Québec International, puis je servais d'intermédiaire un petit peu entre les Africains de l'Ouest, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, et Hydro-Québec International, je servais de lien, en fait. Et puis, ben, je connais un peu la culture de l'Afrique de l'Ouest en ayant eu différentes expériences. Mais quand on s'est croisés, c'est clair qu'on se connaissait. Et lui, ça l'a fatigué parce que quelques temps plus tard, il est venu vers moi. Bon, on échangeait déjà par le fait du travail. Puis à un moment donné, il me dit, mais Mona, il dit, j'ai vraiment l'impression de te connaître. J'ai dit, ouais, moi aussi, j'ai le même feeling. Et c'est parti comme ça. Ça, c'est la première expérience. Et plus tard, j'ai entendu, ça m'expliquait, moi, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais ça me répondait, parce que j'ai toujours, je te l'ai déjà dit, j'ai un contact, moi, ça me parle. Ça m'a, ben, ça a été ton mari dans une autre vie. Bon. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? C'est pourquoi je le croise aujourd'hui, par exemple. Il y a quelque chose à compléter. Et on a gardé le lien pendant 25 ans. Il est décédé aujourd'hui, là. Mais on n'a pas eu à revivre un rapport amoureux. Mais ce que je veux dire, c'était très, très clair que je le connaissais sans le connaître. La même chose m'est arrivée avec Thaï, mon nouveau conjoint d'aujourd'hui, qui est vietnamien. Fait que moi, je me Mais promène ça. juste avant de passer une autre expérience, Oui, vas-y, pose des ah, questions. oui, ben c'est ça, ben c'est intéressant de ce que tu abordes, là, ton vécu, puis je pense qu'il y a plusieurs gens qui peuvent nous écouter, puis ils rencontrent quelqu'un pour la première fois et ils ont l'impression de toujours l'avoir connu. Parce que c'est sûr que, dans le fond, comme explication, l'une des possibilités, c'est que la personne invoque inconsciemment quelqu'un qu'on a déjà connu dans le passé. T'sais, ça peut être une figure paternelle ou des gens qu'on a déjà connus sur d'autres traits. Donc, ça, c'est l'interprétation psychanalytique, dans le sens que quelqu'un a l'impression que l'autre le reconnaît, mais en réalité, c'est des informations que l'inconscient de l'enfant a accumulées par rapport à des gens, significatifs dans sa vie similaire. Oui, je comprends, mais là, il est noir comme un fond de poêle, puis moi, je suis blanche comme un. Ça peut pas avoir un lien avec mon enfance ancrée quelque part. J'avais jamais vu un noir de ma vie ou à peu près, tu sais, avant. Je Sans viens de parler de l'être. la couleur de la peau, ça peut être au niveau du comportement psychologique. Pardon? Sans parler de la couleur de la peau, ça peut être lié au niveau du comportement psychologique. Ah oh non, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas m'expliquer ça. Non. Sinon, l'autre hypothèse qui est plus flyée pour expliquer ça, ça pourrait être de dire tu t'es fait implanter, parce qu'on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, tu t'es fait implanter l'idée que tu as déjà connu cette personne-là dans une vie antérieure et l'autre vice-versa pour créer une connexion par rapport à vous deux. Donc, un peu comme deux personnes qui sont téléguidées, comme deux auto-téléguidées en leur en implantant l'information, mais ça ne veut pas dire pour autant que si une information à l'effet que vous êtes déjà connu, que c'est réel, parce qu'on peut créer des faux souvenirs de vie antérieure. Ben, autrement dit, tu n'as rien qu'un âme. Comment t'expliques que les âmes ont 4 000 ans, 4 000 vies en moyenne sur la planète? Comment t'expliques ça si on n'a jamais rien vécu avant? Que tout est un Ben, je programme? dis pas qu'on n'a jamais rien vécu avant. Ce que je Ouais. dis, par contre, c'est qu'on peut être connecté par plusieurs entrées de mémoriel, puis des fois, c'est à notre insu. Ça, je suis sûre que c'est mémoriel, mais mémoriel d'où? C'est ça la question. Parce que moi, je sais que la moyenne d'âme, la moyenne d'incarnation sur la planète, c'est 4 000 ans, 4 000 vies, là. Mais par rapport à ce Et ça veut chiffre-là, dire une mémoire qui se transporte à travers les... L'âme évolue, c'est pour ça qu'on vient ici, c'est pour évoluer et manifusionner fusionner avec d'autres choses que rien que ce qu'on se tape, oui, là. l'âme peut évoluer, sauf le point qui devient délicat par rapport à la question des vies antérieures, c'est la possibilité de connaître une désinformation à caractère occulte pour induire dans notre esprit qu'on a eu certaines vies antérieures pour nous manipuler par la suite. Pour, par exemple, se sentir coupable, vivre différentes émotions par une forme de parasitage astral. C'est drôle, hein, mais ça me dit absolument rien ce que tu dis. Je suis désolée, là, Non, je sais non, mais pas c'est vers correct. quoi, mais ça résonne rien. C'est comme si les mots passent dans ma tête, puis comme je ne sais pas quoi te répondre. J'ai l'impression qu'on mélange bien des affaires. Dans le sens que moi, je parle de ce que j'ai pu percevoir, parce que je n'ai pas la preuve de ça à part ce que j'ai vécu, là, mais. Pour moi, ça avait rapport avec la mémoire de l'âme. Mon âme, qui a peut-être plusieurs milliers de vies, comme beaucoup d'humains, il y a eu quelque chose qui a été reconnu. C'est de reconnaître quelqu'un. C'est pas connaître quelqu'un, c'est reconnaître quelqu'un. Puis c'est vibratoire, fait que c'est difficile à expliquer. J'essaie de vous l'expliquer. Je peux être démolie rationnellement, ça peut se démolir en 2 minutes, là, mais moi, j'ai rien à prouver à part ce que j'ai vécu. Puis ça ne m'est pas arrivé une fois, ça m'est arrivé 4 fois. À un moment donné, c'est beau les hasards, mais j'ai de la misère à le voir autrement que la mémoire d'une âme qui s'incarne plusieurs centaines de milliers de fois. Puis dans ces affaires-là, il y a des gens qu'on retrouve. Il semblerait qu'on se réincarne aussi dans les mêmes cercles souvent. Tu sais, il y a tout cet aspect-là. Mais est-ce que ça répond à ta question? Je ne le sais pas, Non, David. non, mais c'est correct, on est là pour explorer le sujet. Parce qu'à un moment donné, j'avais fait un enregistrement là, avec Bertolt où on avait parlé de la réincarnation. On parlait de karma, me semble, mais non pas de réincarnation. J'ai déjà abordé le karma aussi avec lui, là. Ouais. Mais en fait, pourquoi que j'en parle, c'est que pour être honnête, moi, je suis rendu à 42 ans et j'ai jamais eu d'informations clair à l'effet par rapport à mon vécu, à moi. Là, on a chacun notre vécu, puis c'est sûr que c'est la beauté, c'est de l'explorer par rapport à des vies antérieures. Puis, dans le fond, je me méfie beaucoup des plans, que ce soit le plan astral ou le plan mental, à cause notamment de la notion de mensonge cosmique que Bernard a amené là, à travers ses enregistrements là, où il abordait ce concept fondamental dans son instruction supramentale. Parce que je pars du principe que on peut être informé ou désinformé par l'occulte, notamment par le mensonge cosmique, la désinformation, et il y a la possibilité de se faire induire des idées en lien avec des vies antérieures ou des vies parallèles pour nous manipuler dans une direction plutôt qu'une Peux-tu autre. m'expliquer le mot induire? Parce que tout le monde utilise ça, puis moi, ça. Suggérer, suggérer, faire croire, suggérer. Ben, suggérer comment? Bien, je vais te Hypnotiser? donner un exemple concret qui est documenté. Il y a eu des documentaires par rapport au cas. C'est un jeune garçon aux États-Unis. Et lui, il vient d'une famille que les gens ne croyaient pas du tout à la réincarnation, là. Et en bas âge, j'avais des terreurs nocturnes, puis il y avait des visions comme de quoi que il était mort dans un avion là, qui a crashé là, lors de la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Et ce jeune garçon-là avait des détails techniques très précis par rapport à l'avion. Et son père, il n'était pas aviateur, là. Les gens de son environnement, ils n'ont pas transmis l'information. Et son cas a été enquêté. Et en lien avec les informations, ils ont pu retracer, c'était à Iwo Jima, je ne sais pas, je le prononce comme faux, mais un endroit au Japon. Puis tout par rapport à l'escadron qui faisait partie du type d'avion, les faits ont été corroborés. Sauf que comme Bertol, quand j'en avais discuté avec lui, puis il avait pas tort, il dit, c'est pas parce que l'enfant a accès à ces informations-là, même si sont très précises, sont vérifiables, que, puis l'enfant, il a, tu sais, je veux dire, s'il a accès à ces informations-là, puis ça vient pas de l'environnement immédiat, c'est parce que quelque part, il a capté quelque chose d'occulte, mais ça peut pas dire autant que cet enfant-là a vécu dans une vie antérieure. Ça peut être un ego qui est sensible à cette information-là, Ben qui là, est... ouais, OK. Mais c'est pas de ça que je parle. Je t'ai dit dès le départ que moi, c'est un senti. Ça n'a rien à voir avec. Je suis pas en train de dire j'ai les réponses une fois que je vis l'expérience. J'ai demandé c'était quoi cette affaire-là que je vivais. Mais moi, ça part d'un senti. Ça part pas de j'ai eu peur de quelque chose, comme le jeune homme, là. Ouais, ben lui, c'est des peurs traumatiques par rapport à le fait que l'avion a crashé, puis il revivait ça, puis le jeune enfant était traumatisé. Fait que quand tu regardes ça, bon, l'ego de l'enfant, c'est pas lui qui a vécu ça, mais ça serait une autre partie de lui-même dans une vie parallèle. D'ailleurs, il peut avoir eu l'information, je comprends l'idée, C'est il peut ça. avoir l'information, l'occulte, ça peut être l'astral, ça peut être d'autres plans. Exactement. Je comprends, mais moi, c'est pas de ça que je te parle. Moi, j'arrive devant quelqu'un, puis le corps casse, là, t'sais. Taille, les deux jambes m'ont scié. Quand je l'ai vu, je suis tombée à terre, t'sais. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. Je porte pas. Ça peut être induit, mais c'est induit bizarre en ciboulot. Puis quand je l'ai vu, ça m'a dit c'est ton chum pour le reste de ta vie, puis c'est exactement ce qui se passe 19 ans plus tard, tu sais. Mais ça, c'est Et intéressant comme ça expert. avant, ça a été mon maître d'art martial avant. Ben, c'est là qui peut être intéressant à aborder. C'est que maître d'arts martiaux avant, dans le sens que dans une vie antérieure, il t'aurait enseigné, là. Ouais, mais c'est quand j'ai vu. En fait, c'est un ami à moi qui m'a. J'ai 40 ans, là. Puis à un moment donné, j'ai un ami, là, c'était la période de une initiation solaire solide. J'étais 2 ans profondément incapable de travailler. Puis après 2 ans, mon ami Johnny, il me dit, mon ami, il dit, pourquoi tu viens pas voir un cours d'aïkido? Parce qu'il me parlait de l'aïkido, puis j'écoutais, puis je trouvais ça juste très intéressant. Mais je connais pas l'aïkido, là. J'écoutais. Puis là, ah ouais, c'est intéressant. Puis j'écoutais. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, il dit, t'es la seule personne qui, après 3 minutes, me dit pas time out, parle de d'autres choses, tu sais. Il dit, ah bon, OK. Ben, je dis, je peux bien aller faire un tour. Fait que j'étais à côté de chez nous, le dojo était pas loin de chez moi. Je rentre dans le dojo, puis les deux jambes me scient, puis je tombe assis sur le banc. Je vois un petit monsieur passer en avant de moi de 5 pieds 4, là, qui s'appelle Tai. J'étais de même. J'étais plus capable de bouger. C'était une vibration, c'était un senti. Ça a monté dans le corps, ça a descendu, appelez-le comme vous voulez. Et là, j'ai fait, mais c'est quoi cette affaire-là? J'ai vraiment, les deux jambes m'ont coupé, là, scié, là. C'est comme paf! Tombé assis sur un banc, de chance qu'il y avait un banc derrière. Puis là, j'ai regardé ça, puis je suis restée comme ça, j'attendais. Puis là, j'ai demandé, c'est quoi? Là, j'étais déjà un petit peu en contact avec tout ça. J'ai 40 ans, là. Tandis que l'autre fois, c'était 26, 27 ans. Mais j'ai dit, c'est quoi ça encore? Là, ça me dit, c'est quelqu'un que tu as connu, ça a été ton mari. Voyons que non, j'en connais rien que des maris, moi. Non? C'est comme si je complète des cycles, en fait. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que tu as un vécu intense par rapport à ça qui... Très fort, tu peux pas l'éviter. C'est comme un coup, pour les Français, excusez l'expression, c'est avoir un coup de batte de baseball en arrière de la tête, ça frappe, hein? Ben, c'est dans le corps, c'est un choc électrique. C'est électrique. Non, non, mais je comprends ce que tu as vécu. Écoute, j'ai vécu avec quelqu'un que j'ai fait il y a plusieurs années là, des enregistrements, une connexion télépathique intuitive mutuelle. C'est une expression très technique pour décrire la chose, là, mais je vais t'expliquer. C'est que j'avais été à une conférence. Le gars, il était dans la salle de conférence. Tous les deux, on s'est vus. Il y a comme une énergie qui a passé, puis il a dit, toi aussi, ça a connecté, ça a connecté. Ensuite, on a connecté ensemble dans le sens qu'on a fait des enregistrements, on en a fait plusieurs, il m'a fait rencontrer des gens. Fait qu'il y a eu comme une énergie qui nous a comme amené à collaborer ensemble là, en lien que de la diffusion de conscience. Et moi, la façon que j'ai vécu ça en tant qu'ego, c'est comme, bon, c'est l'esprit de chacun qui nous pousse l'un vers l'autre, là, parce qu'on a quelque chose à vivre. Mais T'avais-tu le sentiment de le reconnaître? non. T'as-tu le sentiment de le reconnaître? Non. Parce que moi, j'avais le sentiment de reconnaître quelqu'un que je connais pas. C'est ça qui me gossait. Au début, plus jeune, je cherchais, je disais, mais non, je ne peux pas reconnaître quelqu'un, je ne connais pas, mais c'est pas reconnaître, c'est pas connaître. C'est pas pareil. Oui, bien, c'est connaître de nouveau, dans le sens que tu t'en rappelles, mais à partir d'une mémoire qui pourrait être liée à ton esprit qui est au-delà de ton ego, là. Pour moi, c'est de l'âme. C'est pas nécessairement de l'esprit, mais c'est de la mémoire d'âme. OK. Que je vois ça comme ça, en tout cas. Vous pouvez être pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup les désaccords, mais. C'est une mémoire d'âme pour moi que j'ai connectée à... C'est pour ça que je dis qu'il y a... T'sais, si on s'incarne des milliers de fois, je pense qu'il y a des mémoires qui... Pourquoi ils se reproduisent, ben ça, c'est individuel, là. Mais d'après moi, si j'ai reconnecté avec ces personnages-là aujourd'hui dans ma vie, c'est qu'il y avait des choses à compléter ou à terminer, tout simplement, pour passer à autre chose. Alors, pas encore passé à autre chose avec mon chum, mais à un moment donné, j'ai posé la question parce que je trouvais que ça m'arrivait sous quelques. C'est relié à des anciennes, des chums que j'ai eus, même mon conjoint Rommel, que j'ai été 12 ans qu'un Haïtien. Encore la même histoire. C'est une histoire qu'on se serait battu puis qu'on s'était fait la guerre puis avait réussi à même. Je t'ai jamais conté ça. Ça, c'est weird. Moi, je vous parle d'affaires que j'ai vécues, mais j'ai pas une connaissance intellectuelle pour l'expliquer facilement. Rommel, à un moment donné, ça allait pas très bien entre nous, puis j'étais allée voir une voyante, ça fait sauter, que Bernard avait parlé, qui disait qu'elle avait une marge d'erreur de 30 % qui est extraordinaire. Parce que semblerait que la meilleure clairvoyance qu'on peut faire, c'est que la marge d'erreur de 30 % à peu près, parce qu'il faut pas qu'ils nous prédisent tout notre avenir et nos affaires. Mais elle était très, très. Quand j'étais allée vers elle, elle s'est mise à me dire des affaires sur. Juste le prénom de quelqu'un, par exemple. Quand j'ai dit Rommel, elle me dit Ah! Elle s'est mise à sauter partout. Elle dit, C'est en danger! C'est un serpent dans votre lit! Elle n'arrêtait plus. Je lui ai dit Ah, c'est drôle, vous dites ça. Ça va pas bien entre nous, mais ça s'arrête là. J'ai juste dit ça. Puis elle me dit, à un moment donné, elle dit cet homme-là, elle m'expliquait que cet homme-là m'avait capturé. Il voulait ma puissance. Il essayait d'avoir ma puissance. Mais on s'est fait la guerre. On était des guerriers de l'époque. Puis il semblerait qu'il m'a mis dans une petite cage dans un village et je suis morte dans une cage dans mon village affamée. Et écoute bien, c'est là où j'ai. Moi, elle me dit ça me passe par-dessus sa tête jusqu'à ce que je réalise que je disais à Rommel pendant des années, Hey, chose, tu ne me mettras pas dans une petite cage comme Tweety Bird. Hello? Excusez, pour les Français, encore une fois, pas d'excuses, mais je vous explique, c'est un personnage, c'est une bande dessinée qu'on a au Québec. C'est un oiseau. Qui est dans la cage, puis il y a un chat qui essayait toujours de l'attraper, en fait, puis de le manger. C'est une histoire entre un chat et un oiseau. Mais je lui disais ça à Rommel, je disais, Hey, parce qu'il essayait de me contrôler, de me Oui. dominer, puis je ne suis pas contrôlable ni dominable. Fait que je me disais tout le temps, Hey, excuse-moi, tu ne me mettras pas en cage comme un Tweety Bird, toi, là. Et la voyante me dit que je suis morte dans une cage. Tu sais, je suis comme, OK. Quelle coïncidence significative, ou certains vont dire du hasard, mais bon. Ben, si le hasard, c'est un méchant hasard dans ce cas-ci, là. Puis, je peux donner, c'est pour ça que je dis, je pars de l'expérience que j'ai vécue pour après questionner ces choses-là. Bien, cette voyante-là était très, très, très puissante parce qu'elle m'a dit des choses incroyables. Mais elle pouvait lire le passé très clairement. L'avenir, quand elle m'a donné mon avenir, je savais qu'elle se plantait. Mais bon, ça, c'est Mais une histoire. l'avenir, tout peut bouger dans le futur, dans le sens que même Bernard de Montréal a fait des prédictions en lien avec l'avenir, puis ça ne sont pas nécessairement réalisés. Ou qui sont décalés. Oui, exactement. Le temps et ce monde, le monde, tu sais, le monde mental, ce plan mental, là, le temps. Quand Quand ils donnent des dates, moi, je mors de rire, je me dis tout le temps, c'est ça, niaise-moi. Non, c'est ça, mais moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que tu nous partages ton vécu en lien avec des expériences concrètes. Puis je pense que c'est sûr la meilleure chose, c'est de partir de son vécu plutôt que naturellement d'essayer de le comprendre rationnellement, là. Ben moi, ça vient. L'explication vient après. Mais c'est toute ma vie qui est comme ça, là. Je l'ai déjà dit dans tes lives. Au point de départ, l'occulte, j'en ai rien à cirer. Je suis pas sensible à l'occulte comme je le suis devenue, mais ça, j'ai pas eu le choix. Mais c'est ma vie qui m'a amené à ça. Et non, je m'intéresse à L'inverse, l'occulte. Ouais, c'est c'est ce ça. qui m'apparaît beaucoup plus sain, c'est-à-dire que tu as vécu des phénomènes, mais tu n'as pas couru après. Non, je courais après ma vie, mais surtout pas après ces Non, non, c'est phénomènes-là. ça, mais c'est parce que tu as des gens là, qui sont à la découverte là, de l'extraordinaire, puis ils veulent rencontrer des extraterrestres et faire des contacts télépathiques avec eux. Toi, c'est plutôt le contraire. Tu as vécu des phénomènes, puis par la suite, à ce moment-là, tu t'es intéressé à ça, mais c'est pas un mouvement de l'ego, c'est le phénomène qui est venu à toi. C'est ça, exact. Taille, c'est la même chose. Mon conjoint d'aujourd'hui, quand je l'ai croisé, je l'ai dit, j'ai eu un choc électrique dans le corps. Ça m'a dit, ah, c'est ton chum bientôt, ça a pris 2 ans. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu l'aïkido, là. Il y a le monsieur, je trouvais intéressant. Il était joli, il est quand même mignon. Mais moi, j'ai aucune attirance pour les Asiatiques. Je trouvais ça bizarre de me voir comme attirée par un Asiatique. J'en connais aucun d'autre que lui, là. L'aïkido, j'ai trouvé ça beau, mais je viens de la danse. Je sais pas si le monde connaît l'aïkido. En France, c'est très connu, mais au Québec, beaucoup moins. C'est un art martial de toute beauté. Et moi, comme je venais de la danse, je trouvais le mouvement magnifique, puis que j'avais comme plus rien à faire de ma vie. Ça fait 2 ans que j'étais immobilisée à regarder le plafond. Je me suis dit, ben, tiens, je vais venir m'entraîner. Puis j'ai eu la vibration de le faire. Fait que j'ai commencé à entraîner en aïkido. En 5 ans, j'étais ceinture noire. J'ai jamais vu. Puis c'est pas mon chum qui me donnait la ceinture noire, il peut pas la donner. C'est un sensei en France. C'était du jamais vu Donc, tu pour avais un talent naturel pour ça, là, si tu as une pu mémoire. gravir aussi rapidement les échelons, là. C'est une mémoire. J'en ai fait, je le savais, je le sentais que je l'avais fait, particulièrement avec un bâton. Ce qu'appelle en aïkido le jo. Mettons qu'on fait il y a des katas qu'on appelle, là, c'est comme un enchaînement de deux mouvements avec Une un grand bâton. chorégraphie de mouvement d'art martial, oui. Avec bâton. Puis, mettons que Thaï donnait une séquence, moi je regardais ça, je refaisais. Puis à un moment donné, il venait me voir et il me disait, j'ai pas tout à fait ça, mais ça existe. Ah bon? Ah bon? Puis il me dit, ouais, ça existe, mais moi ce que je te demande, c'est ça. Ah, OK. Je faisais ça souvent. Je pensais que je reproduisais ce qu'il me faisait faire, mais en fait, je reproduisais quelque chose que lui avait jamais montré dans la Donc, séquence. à ce moment-là, tu avais peut-être accès à une forme de science intuitive ou une connexion de ta conscience avec les archives mémorielles. Peut-être. Mais Parce je pense que que... si je connectais à ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me. Tu sais, je connecte pas à tout. Mettons, je me mettrais à pratiquer, je sais pas, le jogging. Ben non, c'est pas un bon exemple. Karaté, j'ai aucune vibration au karaté. J'ai pas d'intérêt à même à faire du karaté. Qu'est-ce qui fait qu'on a une attirance, tu sais, vers quelque chose? C'est même pas une attirance, c'est une vibration. C'est un mot dur, c'est le seul mot que j'ai. Ça faisait 2 ans que j'étais assise dans une chaise, hein. On peut pas l'oublier, là, j'étais en dépression profonde depuis 2 ans, là. Je me rappelais même pas de mon nom par bout, là. Puis me veux-tu pas que je me mets à bouger dans l'aïkido. Ça m'a sorti de la dépression, surtout. Ben, c'est une bonne chose. C'est sûr que des fois, ce qui amène à sortir justement du volet plus passif, c'est de se mettre en activité quelque chose qu'on aime ou on a une impulsion interne à faire. En tout cas, ça peut avoir eu cette utilité-là. Mais par la suite, j'ai questionné et j'ai eu des réponses. Pour moi, c'était relié à une mémoire. Cet homme-là, je l'ai connu. C'est clair. Pour moi, c'était clair, je l'avais connu dans une autre vie. Puis ça m'a même dit à l'époque. Puis moi, j'ai un katana. Fait que c'est comme assez clair que c'est relié au samouraï. Même Daniel Ménard, on parlait de samouraï souvent ensemble, des mémoires de samouraï. On avait comme cette facilité. Mais bon, est-ce que j'ai des preuves de ça? Non, mais pour moi, c'est assez évident. Je suis assez à l'aise avec. J'écoute des films en noir et blanc, puis je trouve ça passionnant de voir des samouraïs, tu sais. Non, non, ben c'est correct, c'est que t'es comme Ouais, mis en c'est vibration moi. là, par rapport à ça. Et il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses, tu sais, si je pense entre autres, il y avait une jeune fille là, qui était très talentueuse sur le plan du piano, là, tu sais, que tu as des enfants, là, ils ont 4-5 ans, puis ils jouent du piano comme des professionnels adultes, là. Donc c'est sûr que l'hypothèse, la possibilité que l'enfant soit connecté à une mémoire qui l'amène à performer sur le plan musical, à mon avis, là, ça doit être pris en considération, là. Ben, je sais que la voyante que j'avais vue, moi, j'avais une formation en danse professionnelle jusqu'à 25 ans avant mon accident d'auto. Elle m'avait dit, vous avez 6 vies d'incarnation de danseuse, puis dans cette vie-ci, vous ne serez pas professionnelle en danse. Pas encourageant. Mais non, c'était bien correct. OK. Mais l'accident est arrivé quelques temps après. Ben, elle l'avait vu. Parce qu'elle va lire ça, elle connecte ça où? Mais même en Ben les danse, c'est un phénomène ouais. particulier aussi. J'ai fait une formation en danse à une vitesse 3V aussi. J'étais très bonne. Pour moi, c'est des mémoires d'âme. Là, on parle juste C'est des correct. mémoires d'incarnation, d'âme, d'anciennes vies. Je ne parle pas de karma encore, là. Le karma, ça, on peut l'élaborer plus tard, là, Oui, mais. exactement, mais le phénomène de la réincarnation, ce qui peut être Pour moi, intéressant. c'est clair. Comment? Pour moi, c'est clair que ça existe, mais. Ça ne veut pas dire qu'on est pogné à vie de faire ça, là, pour l'éternité. C'est pas ça que je dis. Je veux juste dire que pour l'instant, je pense Ben, qu'on. c'est ça, c'est parce que en lien avec ça, si on pense entre autres au Dalai Lama, Oui. Cody, qui est la réincarnation du Dalai Lama précédent, bien à ce moment-là, c'est comme ça serait la façon que c'est présenté là, en lien que les croyances associées au bouddhisme tibétain, c'est comme une roue sans fin dans le sens que le Dalai Lama meurt, là ensuite les moines tibétains se mettent à chercher le jeune enfant qui est la réincarnation du Dalai Lama, puis ils présentent par exemple des objets qui auraient appartenu au Dalai Lama que l'enfant reconnaîtrait. Parce que des objets qu'il aurait déjà eu dans la vie passée, mais moi je regarde ça puis je trouve ça pas intelligent dans le sens que pourquoi qu'une âme se réincarnerait toujours d'un Dalai Lama à l'autre, puis à un moment donné c'est la 18e réincarnation, puis tu sais ça arrête pas là, sans fin, là. Il me semble que ça doit être plate sur le plan évolutif, tout le temps Ouais. à revenir dans le rôle d'un chef spirituel, je sais pas, là, tu sais. Oh, mais ouais, non, je comprends. En passant, je connais moins le bouddhisme que Bertholdt lui-même parce que je vous l'ai dit, j'ai aucun intérêt. Moi, pour moi, le Dalai Lama, j'ai jamais. Premièrement, je sais pas, c'est une vibration. Il m'énerve. Il m'a toujours énervé. Moi aussi. Et Il m'a toujours il m'a énervé. davantage énervé récemment là, par rapport à l'incident qu'il y a eu avec un jeune garçon là, qui a embrassé sur la bouche puis il a demandé de sucer la langue, là. Ouais, je sais pas quelle idée qu'il a eu de faire ces conneries-là, là. C'était quoi son objectif, mais moi, ce qui m'énerve, c'est l'esprit de travailler comme des forcenés puis vivre pauvre. Allez, veux-tu bien aller chier, excusez-moi les Français, là. J'ai pas cette mentalité-là. Moi, c'est pas vrai, là, qu'on va être heureux et pauvre et tout va bien, puis on va manger des crottes de cheval puis des petits vers de terre sautés dans le beurre, là. Ça m'intéresse pas. Moi, La pas du mentalité, tout non plus. c'est la pauvreté, puis vivre dans la pauvreté. Mais je suis désolée, moi, c'est l'opposé de la pauvreté que je vise, parce qu'être pauvre, c'est idiot. Exactement, Quand je suis. t'es pauvre, t'as faim, puis quand t'as faim, tu penses rien qu'à survivre. Fait qu'en fait, c'est une mentalité de survie continuelle juste pour rester dans la survie. Voyons donc. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, en fait, j'ai un cousin qui est moine bouddhiste. Ah. Puis, lui a fait, bon, toutes les vœux, là, pauvreté, chasteté, obéissance. Obéissance en plus, mais Ben j'imagine oui. que. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y avait pas d'argent. Il était dans un autre pays asiatique, là. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle le Myanmar. Myanmar, oui. C'est ça. Parce que le pays a changé de nom il y a quelques années, là. Oui, je pense qu'il y a 3-4 ans. C'est ça exactement. Et lui, quand il a été là-bas, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il était malade, puis il avait besoin d'une radiographie, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Fait qu'il est obligé de trouver quelqu'un dans ma famille qui paye ça. Qu'est-ce Qu'aider quelqu'un. Ben, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il est à la merci des autres. Même chose pour avoir le billet d'avion pour revenir au Canada. Tu sais, ça le garde dans un état de dépendance totale par rapport aux gens. Tu sais, en tout cas, c'est son expérience, puis bon, je le respecte là-dedans, là, tu sais. Mais le point que je voulais faire par rapport à ça, puis je pense qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde, c'est que, à quelque part, l'endoctrinement amène l'individu à être extrêmement limité, tu sais, vu de pauvreté, puis de chasteté, puis de soumission, là, ouais. Peu importe l'endoctrinement, le dogme, tu sais, on a des dogmes religieux, mais ça n'est un dogme. En passant, ce Dalai Lama-là, présentement, il n'est pas fin pantoute, là. C'est pas vrai qu'il est fin. Il fait la guerre. Grosso modo, j'en connais pas grand-chose, là, mais je sais qu'il essaie d'éliminer un groupe de bouddhistes au Tibet qui ne croient pas en lui. Fait que lui, il tue du monde sous prétexte qu'il ne croyait pas à lui. Puis il tue, puis il divise les Tibétains en deux gangs, un peu comme il se passe ici. Mais Ah, mais pourquoi qu'il n'en le Dalai parle Lama pas dans les divise médias de son masse propre de peuple. ça? Pourquoi qu'il n'en parle pas? On va parler de Juste lui en disant que c'est un homme. Il a eu le prix Nobel de la paix, mon nom. Il Ben oui, ferait mais pas de Barack la... Obama aussi, puis il a fait sa guerre, Oui, dis. je sais. Je fais un peu d'ironie avec toi, là. Mais souvent, dans la perception des Occidentaux, c'est que le bouddhisme, c'est une religion de paix. Il prend de la compassion. Oui, des cons, surtout des cons de passion, oui. Ben oui. Mais Non. bon, c'était une ancienne, c'est sûr, au Tibet, avant que les Chinois arrivent, c'était une ancienne dictature théocratique basée sur des croyances religieuses. Là, ils en ont fait une dictature là, communiste, mais le point que je voulais faire, c'est que, par rapport à revenir au sujet de la réincarnation que je voulais explorer avec toi, c'est que, par rapport à la réincarnation, il peut y avoir du dérapage, dans le sens que la personne, elle se fait dire que dans une vie antérieure, bon, c'est sûr, si c'est le Dalai Lama, ben, il est au pouvoir, mais si la personne se fait dire dans une vie antérieure que c'était une esclave, puis il faut qu'elle, dans sa vie présente, elle se comporte comme une esclave, puis il y a comme, comment dire, ça garde la personne extrêmement limitée, là. Ben, c'est pour ça que je dis que ça part pas de l'intellect, mais de l'expérience. Parce que moi, si ça partait de l'intellect, j'aurais eu des doutes sérieux. Mais de par l'expérience que j'ai vécue, puis premièrement, c'est pas des histoires, c'était pas des histoires. Ce que j'ai vécu, c'était pas, comment dirais-je, c'était agréable. C'est pas compliqué. C'est juste, j'ai senti des choses, Mais moi, la façon que je le perçois, c'est une forme de mise en vibration. Vas-y avec ça. Je vous le Mais dis, je suis un peu perdue dans le sujet parce que non, non. l'occulte n'est pas facile. Mais c'est parce que on peut, en lien avec une mise en vibration, la colorer de croyances, de notre imaginaire aussi, ce qui est délicat. Ouais, mais tu sais, quand tu n'as jamais eu d'attirance pour un art martial puis un asiatique, puis tu tombes sur le cul à 40 ans parce que tu en vois un, c'est assez étrange, tu sais. Je suis d'accord avec toi. J'ai jamais fait d'arts martiaux avant ça, je m'intéresse à rien de ça, puis d'un coup je rencontre ce petit monsieur-là, puis je suis le même qui se met écrasé à terre. C'est un choc électrique dans le corps, c'est pas. Puis j'ai fait, mon Dieu, c'est donc bien cute ce petit monsieur-là, mais c'est par la suite que j'ai comme fait des liens comme je vous parle aujourd'hui, mais sur le coup, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'était très fort, lui. Non, non, mais en lien avec ce que tu dis, j'ai vécu des choses intenses. En fait, ça me fait penser quand que Bertol était entré en contact avec moi la première fois. Je vais m'en rappeler là, sans doute longtemps. C'était à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août. C'était pendant les vacances de la construction lors de l'année 2016. Il m'avait écrit un message. Puis, il était passé une grosse vibration, OK, par rapport à lui. Assez intense. Puis bon, par la suite, j'ai fait des enregistrements avec lui là, depuis plusieurs années. Mais c'était passé quelque chose là. Le contact énergétique, quand que j'avais vu son courriel dans ma boîte, ça avait été très intense. Puis j'ai vécu d'autres choses avec d'autres personnes. Prenons par exemple, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit, il voulait que je l'interviewe. C'était un Européen. Puis la vibration était vraiment pas bonne là. Puis je sentais que le gars orgueilleux, là, c'est comme, il me dit, ça revenait à dire, ben, je suis prêt, là, toi, t'es un intervieweur, interview-moi, Chris. Je traduis en québécois, là, mais c'est comme, c'est comme si j'étais un service public, puis vu que j'interviewais d'autres personnes, ils voulaient que je l'interviewe, là, c'était assez arrogant, puis baveux. Puis cette personne-là, je l'ai vu faire une vidéo ensuite en solo, puis il était très baveux, puis j'ai bien fait de suivre mon intuition puis de pas donner suite là, à sa demande. Mais il y a des gens que je capte, puis la première impression que j'ai par rapport à eux, à se maintenir dans le temps, celle que j'ai eue avec Berthold, c'était ça. Ensuite, Marc de la Salle, à qui j'ai collaboré quand je l'avais rencontré la première fois en conférence, c'était assez intense. Mais le point que je veux faire, c'est que j'ai vécu des... Comment? C'est intéressant, ça peut être autre chose que ce que je dis, là. Non, mais c'est correct aussi ce que tu dis, là. Il peut y avoir des liens avec des vies antérieures. Par rapport à les expériences auxquelles j'ai fait allusion, dans mon cas, il n'y a pas eu de flash d'image de vie antérieure ni rien, là. Mais ce que je voulais te dire, c'est que par rapport aux vies antérieures, il y a des gens qui vont faire des séances de régression hypnotique parce Ah qu'ils ouais. désirent prendre contact avec leur vie antérieure. Et le danger que je vois par rapport à ça, c'est que l'hypnothérapeute peut induire à la personne, donc lui suggérer qu'il a déjà vécu, par exemple, en Atlantide, sur le continent de Mu, pour des choses assez exceptionnelles pour avoir son attention. Puis quelque part, à travers ça, Ça, c'est provoquer un événement, tu comprends? oui, par l'ego, ce qui est très différent de ce que tu Très as différent de ce vécu, que parce que je toi, pense. tu n'as pas couru après. Non, puis tu le sais, je l'ai souvent dit, je n'ai pas couru non plus après une initiation solaire. Faut vraiment être maso solide. Moi, les événements viennent à moi. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas d'intérêt pour le culte d'aujourd'hui. Je parle avec, j'ai un contact mental, puis Mais tout. ça, c'est très bien ton attitude que tu as par rapport à ça, parce que ça ne va pas colorer de l'ego du désir. Parce que si un ego de désir se fait parler des vies antérieures, puis l'autre qui donne l'activité de régression hypnotique auprès d'elle, il capte ça, ben, puis comment dire, il veut se faire de l'argent, mais ben, il va raconter une belle histoire, puis il va s'organiser que ça dure sur plusieurs séances, puis l'autre, l'ego va être fasciné par ça, puis lui va empocher de l'argent, puis il va dire, t'en veux de l'Atlantide, on va t'en aborder des vies en Atlantide, première, deuxième, troisième, la destruction de l'Atlantide, les ci, les ça. Fait que là, l'ego, il sort de tout ça, puis il est captivé, comme quand on écoute un film de science-fiction, mais en réalité, objectivement parlant, il évolue pas à travers ça, au second niveau, il reste dans la curiosité subjective. Ouais. Mais moi, je vois un danger par rapport aux croyances des vies antérieures, dans le sens que ça peut amener des gens à avoir une fascination par rapport à des formes passées, puis finalement, au lieu de vivre leur vie présente, avoir l'attention tout simplement tournée vers le passé, là. Ben moi, pour moi, tout sert à tout. Fait que s'il y a des gens qui vivent ça, c'est parce qu'ils ont ça à vivre, là. Je pense pas qu'on perd notre temps dans la vie. Je pense qu'on vit nos vies, puis que l'évolution de tout ça dépend pas de la volonté intellectuelle, là, tu sais, dans le sens. Moi, je pense que ça sert à tout. Tu sais, les gens qui ont des. Tu sais, il y a plein de gens qui ont des croyances religieuses, puis moi, je respecte ça. J'en ai aucune, puis je trouve ça même assez surprenant de voir à quel point les religions reprennent un certain poids ces dernières années. Mais ça me dérange pas. Tout sert à tout, David. Dans Il y en un a sens, besoin. tout. S'ils sont là-dedans, c'est parce que c'est un besoin, ça répond à un besoin. Oui, mais c'est parce qu'il y a des besoins évolutifs. Je devrais dire, il y a des désirs de l'ego, puis il y a des besoins de l'esprit, puis c'est très différent, là. Parce que ça peut être Comme tu très. dis, c'est quelque chose qui se décide selon ta volonté. Les besoins de l'esprit s'imposent comme le besoin de l'ego s'impose. Ça s'impose par dans nos vies, par les événements qui viennent à nous. Moi, là, j'ai pas demandé à avoir un contact avec mon esprit. C'est lui qui m'a affalé. C'est pas pareil, là. Exact. Et puis que je comprenais pas c'était quoi, puis je pensais que j'étais schizophrène, puis j'étais allé consulter en psychothérapie, puis je pensais que j'étais schizophrène, mais Ben, j'entends quoi quoi? que techniquement, pour un psychologue ou un psychiatre matérialiste, si on prend la Bible des psychiatres, c'est-à-dire le DSM, qui sert à faire une évaluation à partir de critères, si la personne est atteinte ou non de schizophrénie, l'un des critères, c'est si la personne dit entendre des voix. Une voix, tu sais, moi j'entends une voix, je suis sûr que je suis schizophrène. Ben, techniquement, si j'entends une voix puis d'autres personnes, ou Bernard de Montréal, ben, tous les gens qui disent ça pour un psychiatre, là, très matérialiste, prenons par exemple le Doc Mayou, qui n'a aucune ouverture d'esprit, va dire, monsieur ou madame, vous êtes atteint de schizophrénie. C'est un symptôme clair de la schizophrénie. Ouais. Mais moi, je suis tombée sur une psychothérapeute, une psychologue était un peu intelligente probablement parce que je suis jeune, j'ai 19-20 ans. Puis elle me dit, après deux, trois séances, ça n'a pas pris de temps. Elle dit, vous n'êtes pas schizophrène. Elle dit, je dirais que vous avez la voix du sage qui parle en vous. J'ai aimé ça. À 20 ans, j'ai dit, bon, c'est bien, j'aime bien cette appellation. Mais c'est une voix, c'est clair. Quand je pose une question, c'est toujours clair. Oui, bien, ça nous répond à l'intérieur de Ça, soi. pardon, je voulais juste dire, Oui. ça répond à mes besoins, à aucune curiosité. Si j'y demande, il y a combien d'étoiles dans le plafond, là, dans le ciel, il ne répondra pas, il va dire, puis il ne m'achale plus non plus, là, mais dans le sens, c'est plus comme avant. Avant, c'est le contact qui cherche. C'est ça, je dis, je n'ai pas cherché à être en contact avec l'esprit. Premièrement, je ne savais même pas que ça existait. Moi, je faisais une petite vie bien ordinaire, les amis, là, tu sais, dans ça. Ben, j'étais encore ordinaire, si vous voulez mon avis. Mais je cherchais rien de tout ça. Ça m'intéressait pas. J'allais pas à des conférences de ci, puis de ça. Puis je faisais de la danse, j'étudiais en psychologie. Je rêvais d'aller faire des voyages, j'en ai fait. C'est tout, là. Mais c'est à travers ces années-là que le contact s'est mis à fonctionner solide, à se coller à moi, puis de plus en plus, puis à me faire vivre des affaires. Mais sinon, j'aurais jamais passé ma vie avec ça, là. Non, non, ben, je comprends très bien. Et c'est l'authenticité de ton vécu, puis le fait que ton ego n'a pas cherché avec des expériences paranormales qui m'amènent entre autres à aborder ça avec toi, puis trouver ça intéressant là, quand tu en parles, là, parce que, à quelque part, le danger, c'est que si des gens ont de la curiosité, c'est qu'ils vont vouloir avoir des informations, puis là, c'est là qu'ils peuvent se faire désinformer ou mentir là, par des êtres là, mal intentionnés ou pas, là, qui vont parler de leur vie antérieure, puis vont donner des détails La spectaculaires. curiosité est un gros défaut. Exactement. Ça vient de me revenir, là. Bernard disait, la curiosité, c'est pas une qualité. Probablement qu'il faisait référence à ce que tu dis, là. T'sais, des gens qui, t'sais, je vois plein de gens s'intéresser au tarot, puis tirer les cartes, puis savoir l'avenir, puis parler avec les entités, puis je sais pas pourquoi qu'on s'intéresse à ça. Mais toi-même, tu t'es intéressé au jeu de cartes de tarot à un moment donné, Le tu. tarot, je l'ai utilisé pour développer ma parole sous le conseil de Daniel Ménard, c'est tout. J'ai fait du tarot pour développer ma parole parce qu'aujourd'hui, je parle librement, mais si vous m'aviez connu entre, mettons, 12 ans et 25 ans, j'étais timide, je parlais peu. Quand je voulais parler, je pleurais. En tout cas, c'était pas drôle, pas tout. J'étais vraiment. Ça. Mais ça t'a Et amené à j'avais peur de débloquer me la prononcer un communication. mur aussi, j'étais peureuse. OK. Mais c'est ça, c'est que le jeu de tarot a été un prétexte pour débloquer la communication chez Parler toi. dans le vide. Oui. Parce que j'ai aucune connaissance du tarot, à part Daniel Ménard nous donnait comme un mot par carte, là. Un mot par carte, une définition très rapide. J'ai jamais lu le document complet de toute façon. Il disait pratiquer la parole dans le vide pour débloquer le contact. Mais c'est pas facile, c'est facile à dire, vous essayerez ça, c'est intéressant. Ça peut être un jeu d'utiliser le tarot, puis là, les gens posent des questions. T'es pas obligé de connaître les cartes, c'est un prétexte. Tu te sers d'une carte, tu mets un tac sur la table, puis t'attends ce que ça dit. Tu dis ce que. Faut laisser passer l'information. Ça C'est peut être ça. stupide ou pas, t'as pas à le juger. Et tranquillement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, cette affaire-là. Moi, j'expérimente plus. C'est Ménard m'avait dit, développe ta parole, essaye le tarot. J'ai aimé ça, puis à Hydro-Québec, je faisais ça. Je travaillais à Hydro, je faisais pas du tarot à Hydro, mais les gens venaient me voir, « Hey, ton tarot, ça te tente-tu de me poser une petite... Ouais, viens, petite question? » Moi, ça me faisait développer ma parole. Non, Donner... exactement. Bien, les images du tarot peuvent amener un état de transe induite qui est propice à l'expression de la dimension intuitive ou créative de l'individu. Oui, tout à fait. Parler dans le vide, tu sais, c'est intéressant. Oui, parce que c'est créatif, mais pour ce qui est de la réincarnation, est-ce que tu avais d'autres expériences significatives que tu as vécues par rapport à ça? Ben, un exemple, ben, c'est peut-être pas. Non, grosso modo, c'est trois hommes de ma vie, en fait. OK. Ben, le premier, c'est pas l'homme de ma vie, c'est le premier contact là, que je parlais d'un Sénégalais. Mais les deux autres, c'est Rommel, j'étais 12 ans avec, puis Thaï, 18-19 ans maintenant. En dehors de ça, une fois, ça m'est arrivé avec une femme, c'est vrai, qui est ma prof de chant aujourd'hui, mais quand on s'est croisés, je suis rentrée chez elle, on se connaît pas, là. Je rentre chez elle pour mon premier cours de chant. Puis là, je rentre, puis elle me dit, je t'attendais. Pardon? Elle dit, je t'ai demandé. Puis je venais de dire que je travaillais le Pilates. Elle dit, je t'ai demandé. Mais quand elle m'a dit ça, je l'ai regardée, puis j'ai eu un lien très fort avec elle. Un peu, c'est une vibration plus douce, mais depuis ce temps-là, c'est comme si c'était ma sœur. Mais quand elle dit qu'elle t'a demandé dans le sens est-ce qu'elle avait fait une commande à Elle l'univers? a mal au dos. Elle a mal au dos. Elle avait Oui. 50 ans quand je l'ai croisée, Annie, puis elle avait mal au dos de tout ce qu'elle se souvient même pas de pas avoir mal au dos. On parle de 13-14 ans. Fait qu'elle avait demandé à la vie quelqu'un pour régler son problème ou une solution. Puis moi, je suis arrivée dans son cours comme prof de chant, mais elle me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ben, j'ai dit, je donne des cours de pilates et de yoga pour dos sensibles. Mais ça a sorti tellement spontané, je t'attendais, je pensé à vous, je t'attendais, c'est tout. Je ne sais pas trop comment elle le dit, mais j'ai senti le lien entre nous très fort. Puis elle me le dit jusqu'à maintenant. Elle dit, non, on ne se parle pas souvent, mais quand on se parle, on se connaît. Mais c'est pas aussi fort qu'avec les messieurs, là. Mais pour moi, c'est un peu comme toi, c'est un peu comme avec Marc de la Salle, là, ce que tu disais que tu as connecté, c'est Une une connexion vibration. psychique instantanée, là. En fait, c'était pas avec Marc de la Salle, pour être plus précis. J'ai vécu quelque chose aussi avec lui, mais c'était une autre personne que c'était intense. On s'est regardé dans les yeux, on se connaissait pas. Et ça a connecté, puis par la suite, j'ai fait des entrevues avec lui, là. Ben, on Mais... pourrait dire la même chose de nous deux quand on s'est croisés d'abord. On s'est vu. Moi, je t'ai vu. J'ai fait, non, Dieu. On était dans un party avec 40-50 personnes. Moi, je me souviens. J'ai fait une tête chercheuse. Ah, il est là. Ah, c'est lui. Ah, oui. Mais je savais pas que tu fais des lives, rien. Là. Je te connaissais même pas. Ah, pas des lives. Mon nom, comme Des je enregistrements. dis. Ben, ces enregistrements que je fais présentement sont pas devant le public. Mais j'ai une démarche particulière avec des invités comme là avec toi. Tu sais, je prends le temps d'aborder le sujet de la réincarnation de long et en large. Ben, si on serait devant le public, c'est correct, c'est une autre dynamique. C'est-à-dire que quelqu'un va nous poser une question sur un sujet, ensuite un autre sujet. C'est du coq à l'âne, mais c'est correct, c'est très varié. Mais moi, ce que j'aime, c'est un petit peu l'approche du pitbull, c'est-à-dire qui lâche pas sa proie ou son os, c'est-à-dire que je prends un sujet puis je l'aborde jusqu'à temps qu'on ait fait le tour. D'accord. Mais à un moment donné, c'était tanné, c'est correct, là, on peut changer aussi de sujet, là, mais c'est parce qu'il y avait des. Je pense que c'est quand même assez fondamental, le sujet de la réincarnation, parce que si la réincarnation est réelle, ça a beaucoup d'impact sur la vie de l'individu. Ça voudrait dire que, par exemple, nos interactions avec certaines personnes sont préprogrammées en relation avec un destin. Ben, moi, je pense que nos vies, quand on s'incarne ici, sont déjà programmées. Fait que je vois pas pourquoi ce serait différent pour les autres, là. Je comprends pas, je pense. Quand on vient ici, notre plan de vie est déjà prédéfini, là. Moi, j'ai toujours dit, on choisit notre plan de vie. Mais encore faut-il avoir un libre arbitre pour pouvoir choisir. Ben, quand t'es pas ici, là, t'es de Oui. l'autre bord, là. Tu choisis ta vie. Ils peuvent pas. J'ai toujours. Quand je pose la question, est-ce qu'on nous impose un plan de vie? C'est non. Non. Mais On en peut même pas. temps, il y avait Bernard de Montréal dans son instruction qui disait que l'individu n'a pas de libre arbitre. Ben là, je sais pas. Moi, de même, là, lancer de même un individu présentement ici, j'ai pas de libre arbitre parce qu'il s'exécute ce que j'ai choisi de vivre. Mais un individu, pour moi, c'est un être charnier et non pas dans une autre dimension. C'est l'esprit. Pour moi, on est de l'esprit. Tu sais, dans le sens que les gens disent souvent, oh, on est de la lumière, on est ici. Pour moi, on est des incarnes, on est de l'énergie, on vient d'un monde créatif. Même si on descend dans la forme, avant qu'on descende dans la forme, moi je pense qu'on choisit nos plans de vie pour justement amener autre chose. Le but là, de tout ça, c'est quoi la fusion? C'est d'amener de l'intelligence dans la forme. Ici-bas. Pas nécessairement sur la Terre, là, c'est pas ça que je veux dire. Il y a d'autres formes de vie que la Terre, là. Il y a d'autres formes qui existent. Ça, c'est C'est certain, parti là. dans d'autres choses. Oui, mais pour en revenir au concept de réincarnation, c'est que ça peut servir de manipulation, dans le sens que si, par exemple, des moines tibétains vont violer une femme en disant, ben, c'est pour équilibrer ton karma, dans une autre vie, tu étais personne violeur ou je sais pas trop quoi, fait que là, il faut que tu acceptes d'être violé. Et bye-bye. Ben, non, non, mais je veux dire, ça peut être récupéré pour amener des gens à subir des comportements qui sont inimaginables, puis créer une forme d'acceptation de ça en disant, ben, ton karma, c'est d'être pauvre, fait que c'est normal que tu vives dans un dépotoir, tu sais. Ouais, OK. Mais à ce compte-là, on peut dire la même chose de la religion catholique qui nous disait qu'on était né pour un petit pain puis rester un petit pain, hein, tu sais. Oui. Ça a l'air à faire partie de pas mal tous les dogmes spirituels et religieux que de nous faire croire qu'on est né pour être des esclaves. Parce qu'on revient toujours à l'idée qu'on est des esclaves quand ils nous parlent d'affaires de même, là. Bien, ça revient à ça, mais c'est parce que ça peut servir à rationaliser quelque chose que, vu de l'extérieur, si on laisse tomber la croyance, on dit ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, la personne est en Inde, elle vit dans un dépotoir, puis comme elle s'est fait induire l'idée qu'elle faisait partie de la caste des intouchables, parce qu'il y a différentes castes en Inde, il y a des brahmanes, et ainsi de suite. Bon, bien, c'est en bas de l'échelle. Elle, ben, à ce moment-là, elle pourra jamais monter les échelons de la société, puis elle va être pauvre toute sa vie, puis c'est une fatalité. Ouais, je comprends. Mais ça, pour moi, c'est des dogmes spirituels et religieux dans lesquels on programme les humains. Chez les musulmans, c'est un peu des croyances qui sont programmées. T'sais, quand tu vas à l'école coranique à 4 ans, hein, réciter le Coran à 4 ans, si ça s'appelle pas programmer quelqu'un, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Non, non, exactement. Mais il y a de l'ingénierie sociale qui peut être faite en utilisant le support de la croyance à la réincarnation pour amener des gens à accepter des conditions de vie là, abominables là, quand on regarde ça de l'extérieur. Puis si la pensée vient d'ailleurs, je peux comprendre l'idée aussi qu'on nous envoie comme pensée qu'on est fait pour un petit pain aussi, là, tu sais, Ben, c'est pour nous garder bas ou nous caler. ça. Mais on Donc. est tellement puissant, on n'a aucune idée. Aucune crise d'idée. Même aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de. On voit que la spiritualité se développe. Là, j'entends ça. On est de la lumière. Mais si tu es de la lumière, tu es de l'ombre, tu es encore dans la polarité. Je suis désolée. On n'est pas de la lumière. Nous ne sommes pas de la lumière. Nous sommes de l'énergie. Pas pareil. Parce que si tu dis lumière, il faut que tu dises ombre. Là, on est encore dans une crise de polarité de merde. Non, non, je comprends ce que tu veux dire, là. C'est un petit peu. On a l'énergie qui descend Ouais. en forme, qu'on essaie qu'on appelle l'énergie Mais encore intelligente. là, je préfère l'avocat du diable pour dire, Oui. ben, si on dit qu'on est d'énergie qui descend de la forme, ben, c'est une polarité. On pourrait être d'énergie aussi qui monte et qui s'élève vers le plan éthérique. N'y a pas de fusion possible sans rentrer dans la forme. C'est que c'est dur à comprendre, ça. Ce qu'ils veulent créer, là, comme race d'homme, parce que nous ne sommes pas encore la race de l'homme, nous sommes encore la race humaine. On rentre dans le début de la race de l'homme, la sixième race Avec un sociale, grand H. avec un grand H, oui. Important de le préciser, puis il faut être inclusif parce qu'on est à l'époque du l'ère de LGBTQ+. Donc, toutes ces lettres pour te dire que on est Toute la dans. famille que vous voulez inclue, là. Ouais, incluant la lettre Q pour les queer. Non, je pensais que tu voulais dire Q dans le sens Q17. Ou Hey, QAnon, là, mais bon, je fais des blagues, là. Mais disons, dans le grand homme avec un grand H, un mais grand pour H. pas que ça soit interprété comme étant un propos transphobe, on peut dire que c'est le grand transgenre non-binaire aussi en même temps. Mais là, tu vas me faire perdre le fil solide avec les. Moi, ces affaires-là, je trouve ça hilarant. Je suis tellement morte de rire. Mais je Il y a pense un que je veux être gay qui se fait traiter inclusif, mon d'homophobe une or. fois. Il est gay puis il se fait traiter d'homophobe. Ah, t'es mort de rire. Ben oui, il est homophobe. Ben, c'est juste parce qu'il défend pas l'agenda de l'alphabet complet, là. Fait qu'il s'est fait traiter d'homophobe. Puis il dit, ben oui, je suis gay, mais je dois être homophobe. Mais ça fait penser à un incident qui court dans le quartier gay de Montréal, où il y avait des gens qui avaient le drapeau arc-en-ciel. Puis le nouveau drapeau par rapport au mouvement LGBTQ+, qui est trans, là, où c'est des couleurs plus violacées, là, ils veulent enlever le drapeau du mouvement gay arc-en-ciel pour le remplacer par l'autre. Il y a comme une guerre de clochers, là. Oui, j'avais vu un reportage à TVA en lien avec ça. Puis, dans les deux cas, le drapeau vise l'inclusion. Puis là, t'exclus, au nom de l'inclusion de, entre guillemets, plus de monde, tu veux exclure le drapeau du mouvement gay. T'en exclues une gang pour inclure d'autres, ça Ça va fait pas. partie du paradoxe, là. Tu sais. Mais vous voulez-vous une anecdote? Vous allez rigoler, ça a un lien avec le sujet. Je suis allée voir mon médecin aujourd'hui. Moi, parlant de coïncidence, regardez bien comment ma vie se passe, moi. J'ai eu un amoureux sénégalais. Je vous l'ai dit, je l'ai marié pour le faire immigrer, puis ça a été mon conjoint pendant 3 ans, d'origine sénégalaise, qui s'appelle Mohamed Diallo. Je perds mon médecin il y a 3 ans. Mon nouveau médecin s'appelle comment vous pensez? Mohamed Diallo. C'était pas la même personne, là. C'était Mais pas. non, c'est pas la même personne. C'est ça. Là, tu vas me dire que le Diallo, Mohamed Diallo, c'est comme les Tremblay au lac Saint-Jean. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que moi, je crois pas au hasard. Fait que deux. Mais là, je suis allée voir ce médecin-là, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Je suis allée le voir pour une deuxième fois. Mais je trouve ça toujours drôle de me retrouver devant Mohamed Diallo, le docteur. Et là, je suis dans sa clinique. On vient de parler d'inclusion. Oui. Ben, il y a à peu près tout dans cette clinique-là, sauf des blancs. Alors, Mona qui observe la chose, dit, ah, c'est intéressant. Une chance qu'on est inclusif. Il n'y a plus de blancs ici, il y a rien que des noirs. Ben, c'était par rapport à des images. Non, non, je suis dans le bureau de OK, médecin, là. des gens qui attendent dans la salle. Le service à clientèle. Non, non, ben, les clients, c'est moi, je suis blanche. Oui, mais je veux dire, Tout le c'est... monde qui nous sert, les OK. infirmières, la réception, c'est noir, indien de l'Inde, asiatique, aucune blanche, puis aucun blanc. Mais j'ai de l'humour, fait que je débarque dans son bureau. Puis il est très gentil, on se met à parler, règle mes affaires. Puis là, je pars à rire, je dis, vous savez que vous avez un bureau raciste? Il me regarde de même. Hein. Pardon? Ben, j'ai dit, je sais pas, moi, vous... J'ai dit, il n'y a personne d'autre ici. Tout le monde est représenté comme culture et race, sauf les Blancs. Mais moi, je trouve ça raciste. Je pense à rire. Il restait bête, mais pensons-y 2 secondes. Tu es dans un pays, en principe, où la majorité est blanche. Puis là, où tu t'en... Ici, à Montréal, tu t'en vas dans une caisse, dans une banque, il n'y a à peu près presque pas de Blancs. C'est rien que des cultures et des races de d'autres pays. Mais je suis désolée. Moi, ça me dérange. Je le dis. Ça me dérange pas. Je viens pas folle avec ça. Mais je vois bien que ça n'a aucun sens. Dans les inclusifs. En fait, c'est pas des inclusifs. C'est qu'ils veulent qu'on se sente mal d'exister et blanc. Ben, je suis désolée. Ben, L'esclavage n'a pas été je inventé par les Blancs. Vous ne connaissez pas l'histoire. Toutes les cultures et toutes les races ont utilisé l'esclavage. Alors, sacrez-moi patience avec l'histoire des Noirs et Non, c'est l'esclavage. ça, mais moi je vois plus l'immigration massive qu'on a connue au fil des ans. C'est comme une volonté gouvernementale en lien avec le multiculturalisme, puis de, comment dire, comment? L'immigration massive au Québec, à 70 000 immigrants par année, c'est pas une multiculturaliste qui favorise, c'est l'éteindre le Québec. Pas pareil. L'objectif de l'immigration massive qu'on vit au Québec pour au Canada, c'est que le Québec n'existe plus comme on l'a Ben, connu. c'est-à-dire que tu parles du Point d'appui. Canadien français blanc, là. Oui, ils veulent nous Moi, éliminer. Ça fait 350 ans qu'ils essayent d'éliminer le je Québec. verrais pas ça Non, nécessairement on comme ne une peut pas. volonté d'extinction du Canadien français. Par contre, plus une volonté qu'il y ait des électeurs qui sont issus de différents pays qui vont voter pour le Parti libéral parce qu'il est plus tourné vers le multiculturalisme, l'inclusion des différentes cultures que le Parti conservateur, par exemple. Ah, mais ça, c'est ce qu'ils disent officiellement, puis comme ils mentent tout le temps, mais l'objectif, c'est de noyer le Québec, entre autres. Un des Ben, c'est objectifs. d'appauvrir le nationalisme qui était associé aux Canadiens français catholiques Ah. blancs d'origine. Non, non, ça va, non, David, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est la superficie. Ce que nous sommes comme culture et historiquement, on est comme des Gaulois, les Québécois, on résiste À l'envahissement de l'Empire l'envahissement. américain, donc on est des irréductibles québécois comme les irréductibles gaulois. Exactement. Puis le but, c'est de nous noyer. Éliminer la résistance du Québec, c'est tout. Ben, la façon qu'en réalité nos visions se rejoignent, parce que c'est de relativiser le Canadien d'origine catholique, blanche, pour que, vu qu'il y a plusieurs cultures, ben finalement, le nationalisme, avec le temps, s'éteint de plus en plus, puis l'indépendance du Québec se fera pas parce qu'on baigne de plus en plus, puis les gens à Montréal, ben vous levez plus que les gens en région, là, c'est-à-dire dans un contexte où le Québécois blanc devient minoritaire. Fait qu'à travers ça, c'est une forme de, j'appelle ça, de génocide culturel doux Voilà, qui se exactement. fait pour un appauvrissement voire une extinction du nationalisme là, québécois. Puis en plus, c'est que en plus, ces types d'immigrants, parce que je vous donne un truc qui est réel, là, c'est que j'ai des amis français. J'ai beaucoup de gens en France, de Français ici dans mon studio, puis ça se parle, là. Des Français qui essaient d'immigrer ici, qui ont des métiers, là, présentement, se font dire non. Mais, ben, ceux qui parlent français, c'est plate. Ça vient au Québec, on ne veut pas de ça. Mais ils vont faire des immigrations massives de Syriens, de toutes sortes d'origines, mais qui ne parlent pas français, mais qui en plus sont musulmans. Ah! J'ai hâte de voir ça, le multiculturalisme avec les musulmans, Ah, moi. ça va être Ils explosif. Écoute, vont ces gens-là, faire tu les... cacher la guerre solide parce Ben, qu'ils ont de la misère avec l'homosexualité, mais jeune avec l'alphabet au complet, c'est toi. ça, les transsexuels et tout, là. Donc, en réalité, moi, ce que je vois, c'est que c'est une préparation de tensions sociales entre des gens de cultures qui sont difficilement compatibles. Donc, si on prend des gens qui sont musulmans, intégristes, qui sont très stricts dans leur pratique, fermés par exemple à l'homosexualité. Puis là, t'es mis à côté du quartier gay à Montréal avec les parades, là, puis les Ça drag serait très drôle. queens. Ben, c'est ça va créer des chocs de civilisation. Puis c'est la même chose en passant en Europe, là, que ce soit en France, puis des pays du nord de l'Europe. Donc, l'ingénierie sociale cherche à créer de la discorde entre des gens. Il y a un adage qui dit d'ailleurs diviser pour régner. Pour faire en sorte que pendant que les gens sont en train de chicaner, par exemple, sur la place des drag queens en société ou des choses comme ça, ben eux autres, ils réussissent à tirer profit de la division pour dominer les gens puis les manipuler. Du divertissement, dirait Bertolt. Je suis assez d'accord avec lui. Ça, c'est une façon d'envoyer, diviser pour régner. Comme ça, les gens chicanent entre eux. Puis pendant ce temps-là, tu te fais enculer sans vaseline sur d'autres choses. Tout va bien. Ils sont en train. Tu sais, ben là, je sais pas si tu veux pas changer de Non, non, c'est chaîne. correct. On a changé de chaîne là, à présent, là, je te confirme. Donc, tu peux parler librement. D'accord, me censure. Mais en tout cas, là, j'ai perdu le fil, pardon. Bien, Qu'est-ce on se fait sodomiser sans vaseline dans un sens, là. Je vais être censurée, c'est un mot, un gros mot. Mais c'est parce que je trouve que c'est ça, c'est des stratégies de communication, d'ingénierie sociale de communication pour diviser les gens. Donc, on s'occupe à ça de nous diviser. Mais pendant ce temps-là, ils mettent le faux Québec, ils vendent nos ressources. Le Québec Inc., le siège social du Québec à New York. Québec Inc., ça ne vous dit rien, personne ne connaît ça. Je parle dans le vide quand je parle de ça. Mais c'est réel, le Québec est une incorporation. Depuis quand? C'est qui a décidé d'incorporer le Québec? On n'a jamais voté pour ça, nous autres. On n'a jamais voté pour vivre ces affaires-là. C'est du n'importe quoi, mais ils nous divisent pour qu'on se divertisse. Mais pendant ce temps-là, ils vendent tout. On va être sous domination de qui bientôt? Je sais que ça n'arrivera Ben, pas, on là. est déjà dominé, mais si on en revient au ce que certains appellent le grand remplacement. Donc, on prend un peuple pour créer progressivement un génocide culturel en douceur, là. Donc, tu sais, c'est pas comme avec les Amérindiens, ce qu'ils envoyaient dans les pensionnats pour... C'est un peu comme la guerre aujourd'hui. Les gens s'attendent à avoir une bombe sur la tête. Mais ça fait déjà 4-5 ans qu'on est en guerre, Troisième Guerre mondiale, qui est une guerre de désinformation et d'ingénierie sociale. Ah, ben moi, je te dirais, la guerre de la désinformation, on le court depuis le début de l'humanité, là. Oui, non, je suis d'accord. Mais là, on parle de qu'on est conscient qu'il y a une guerre de désinformation, mais c'est parce que ça fait peut-être 2000 ans qu'on se fait, depuis qu'on peut-être qu'on existe, qu'on est désinformé, on peut Ben en fait, aller depuis voir. la genèse du cosmos, si on part du principe qu'il y a eu un mensonge cosmique, c'est-à-dire depuis la création de l'être humain, qu'à quelque part les sphères l'ont désinformé. Même le plan mental nous ment, tu sais, regarde. Ben c'est ça, parce que s'il n'y aurait pas eu ces mensonges-là, il n'y aurait pas eu le phénomène de comment on appelle ça, l'involution. L'évolution, c'est le corollaire du mensonge. L'individu qui est désinformé, il habite pas pleinement sa conscience. Il ne peut pas être libre, mais pour en revenir au peuple québécois, ça vient de me passer en tête il y a quelques secondes. C'est qu'en réalité, la façon que je vois ça, nos ingénieurs sociaux implicitement, ce qu'ils veulent faire, c'est amener l'individu qui était autrefois majoritaire, l'individu blanc, catholique, de langue française au Québec, à être éventuellement minoritaire pour que le nationalisme diminue au profit d'une vision mondialiste, parce que les gens qui viennent de différents pays, ils vont être plus, dans le fond, ouverts sur le monde. Ils sont en contact avec des gens, que ce soit leurs membres de famille ou parenté, un peu partout ailleurs. Donc, on cherche à amener une mondialisation des gens, et ça s'inscrit directement dans l'objectif du Forum économique mondial, puis ça visait que partout, que tu sois au Québec, que tu sois en Chine, aux États-Unis, tu vas avoir des gens de toutes les couleurs, partout, en tout temps, qui vont fonctionner à l'unisson avec l'agenda mondialiste. Je me vois sur une gondole à Venise qui est le rameur et sénégalais. Puis qui te raconte Venise, mais il vient du Sénégal. Mais tu sais, ça peut être aussi aberrant que ça, là. Je sais pas si tu l'avais pogné, là, mais c'est une belle image. Mais ça arrivera pas, ça sera pas possible. Parce que justement, je comprends l'idée d'une certaine. À un moment donné, je pense que l'humain va devoir réaliser qu'on est tous des humains, là. Mais présentement, les cultures sont trop fortes. Leur plan, c'est pas de de Nous permettre. amalgamer. Moi, la façon que je vois ça, là, c'est que je suis en contact avec une personne en Chine, aux États-Unis. Toutes les personnes vont avoir les mêmes codes culturels, la même langue, la même idéologie LGBTQ+ woke. Ils vont toutes parler en anglais, soit la langue principale ou la deuxième langue. Mais c'est impossible, David. Impossible. Ça, là, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, mais la réalité, c'est pas ça. C'est de foutre la mort pour créer le chaos, pour prendre le contrôle. Bien, il y a le volet divisé pour gagner Impossible aussi, que mais il y a quand même une volonté aussi en même temps derrière ça d'uniformiser les gens. Ben oui, mais c'est dans le but de contrôler, pas dans le but d'échanger les cultures. Il implante des cultures pour créer de la division. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mon Oui, raisonnement. vas-y. C'est ça, fait immigrer plein de musulmans ici, là, on va prendre un recul de 50 ans. Voyons donc. Les Québécois que nous sommes, on n'est pas morts demain matin, là, quand même, qui essaient de nous tuer, là. Y a-t-il quelqu'un qui va accepter ça? Non. Ça va créer quoi? Rien que la division entre les gens. Ça va pas faire d'union puis d'échange facile les cultures. Puis en passant, allez parler. Moi, j'ai un chum chinois vietnamien, là. Oubliez ça, vous autres qui n'ont pas de culture. Ah, ils vont apporter leur culture ici. C'est nous autres qui n'existera plus, ça, c'est clair. Donc, non, c'est trop tôt. Dans 3000 ans, on reparlera, là, quand les gens seront moins culturels puis plus intelligents. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le but réel de leur plan 2030 qu'on parle. C'est les belles paroles de multiculturalisme, puis ils en mettent donc des beaux mots raffinés pour nous faire chier, puis nous prendre le cerveau, là. Mais la réalité, c'est de foutre la merde pour qu'on puisse se pogner entre nous, puis pendant ce temps-là, ils vont prendre le Bien, il y a le contrôle. volet, comme je te disais tantôt, divisé pour régner, C'est toujours ça. qui peut s'opérer, dans le fond, C'est que ça, implicitement. David. C'est que ça, diviser pour régner présentement. Peu importe ce qu'il amène, c'est toujours de la division. Ça crée toujours. Depuis qu'il nous parle de ça, ça va pas bien, hein? Il y a de plus en plus de guerres, mais on est dans l'inclusion. Ah bon? L'inclusion? Ben oui, puis il y a Est-ce des gangs de rue à Montréal, il y a le crime à Montréal, j'avais jamais organisé. vu ça, moi, comment on appelle ça, là, les malades mentales, là, qui sont payés par du monde pour attaquer les autres, là, Des terroristes? Ben, c'est du terrorisme, là, mais ils ont un. Ben, il y a des tueurs, là, des tueries. qui ont cours à Montréal. Attaqué à Ma... Les gens qui ont attaqué Maléga, François Maléga, c'était pas des terroristes, là, c'est des... Le mot m'échappe, les amis, je suis désolée, j'ai pas de mémoire phénoménale. C'est un phénomène très, très fort aux États-Unis, là, quand il y a eu le 6 janvier. Des antifas, bon, on finit par le dire OK, en France. les antifascistes qu'on dit. Les antifascistes qui sont fascistes, c'est le hein? S'attaquer à François Maléga au Québec. François Maléga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lanceur d'alerte d'origine camerounaise qui vit au Québec depuis 24 années, puis qui a pris la parole, qui s'est levé ouvertement contre certaines choses ou des mesures sanitaires. Et puis qui s'est fait attaquer par des antifas sortant de chez lui il y a à peu près un mois. Mais moi, je trouve idiot, c'est qu'il attaque un noir. Ça passe pas bien au Québec, attaquer un noir en passant. Non, exactement. Puis surtout s'ils sont antifascistes. Normalement, c'est des gens qui vont être solidaires du mouvement Black Lives Matter. Puis ils sont supposés être plus à gauche, puis dans l'ouverture culturelle. Mais bon, ça, en théorie, c'est des antifas, mais en pratique, c'est peut-être des gens qui sont infiltrés ou payés Pour par venir. une autre force, puis ils utilisent le chapeau antifa comme, dans le fond, comment dire, face apparente, là, mais dans les faits, c'est peut-être carrément des agents du gouvernement qui cherchent à l'intimider, là. Clairement. Clairement. Parce que quand on parle d'opposition contrôlée, ben, ça peut être aussi une pseudo-opposition d'un mouvement antifasciste qui peut s'exprimer, là. Moi, pour moi, l'opposition contrôlée, là, parce que c'est un sujet qui est sur les bouches de beaucoup de personnes, c'est la division. Peu importe, la pensée vient d'ailleurs, oublions-le jamais, c'est une division. Pour moi, à partir du moment que tu crées de la division, tu fais partie de l'opposition contrôlée. Que ce soit dans le supramental ou dans le spirituel ou dans la politique ou dans notre économique, division égale, pour moi, ça, là. Ben, J'ai c'est-à-dire aucune. que la notion de division peut amener une forme de contrôle, surtout si tu contrôles ton opposant. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, si, dans le fond, je t'explique, j'avais vu il y a quelques années un film mettant en vedette Matt Damon, que j'ai trouvé très intéressant pour illustrer le concept d'opposition contrôlée. Donc, l'histoire se déroule dans une petite ville des États-Unis, où des prospecteurs se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel d'exploitation de gaz de schiste. Et il y a une rencontre qui est faite avec les résidents de la ville, sont réunis dans l'école pour voir si la population était ouverte au projet d'exploitation de gaz de schiste. Et quand ils ont sondé la population, il y a un monsieur qui s'est levé, il était opposé. Puis là, à ce moment-là, ils ont dit il va y avoir un vote qui va être fait dans les prochains jours, là, vu qu'il n'y a pas l'unanimité. Et ce qui est arrivé après, c'est que par la suite, mystérieusement, une association d'écologistes a débarqué dans le village en disant: Bon, monsieur, on a entendu parler de vous dans les médias, on vous supporte. Un peu comme Greenpeace. Et là, dans l'histoire, ce qu'on apprend, là, c'est sûr, je ne voulais pas avoir le punch, là, aller voir là, je ne me rappelle pas malheureusement du titre, là, mais c'est avec Matt Damon. Fait que si vous tapez son nom sur Google, vous allez pouvoir le retracer. Mettez-le sur pause. Mais le punch, c'est que. Dans l'histoire, c'est que l'organisme écologique, en réalité, était contrôlé par l'entreprise pour orienter l'individu qui C'est était ça. sincèrement opposé, dans le village, dans une voie sans issue, pour que par la suite, puis c'est tordu, fasse un faux pas, l'association écologique, quelques jours avant qu'elle le vote, pour que les gens, dans le fond, votent pour le projet. En disant qu'écoutez, la session écologique est impliquée dans un scandale, ça n'a pas d'allure. Puis l'individu qui serait rallié à l'association, qui sincèrement était opposé, bien, il aurait perdu toute crédibilité comme l'association qui a été créée de toutes pièces par la multinationale qui voulait exploiter le gaz de schiste. Ben, ouais, mais c'est divisé pour régner, c'est ça, c'est ça l'opposition. Oui, Ils ont mais. divisé le mouvement algérien de la même façon lors de la révolution algérienne quand ils ont sorti les Français. La résistance était tellement bonne et forte qu'ils ont infiltré le mouvement, puis ils l'ont divisé, puis se sont mis à se battre entre eux, puis ça a fini de travers. C'est ça, mais ce qui est intéressant dans le concept d'opposition contrôlée, C'est que tu pourrais avoir des gens comme le monsieur de la ville qui était sincèrement opposé, qui aurait une possibilité de bloquer le projet, mais comme tu l'amènes à l'associer à un mouvement écologique, à ce moment-là, si le mouvement écologique fait des faux pas, bien, vu qu'il est associé, il perd toute crédibilité, puis à ce moment-là, il est mis en échec et neutralisé par la multinationale. Mais je comprends ce que tu dis, mais pour moi, ça revient à toujours diviser pour régner tout pareil, peu importe. Exactement, mais c'est quand même intéressant à étudier parce que, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec la période qu'on a dite de pandémie là, depuis mars 2020 jusqu'à tout récemment? La même chose. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont été pointés du doigt par rapport aux médias officiels. Prenons par exemple Alexis Cossette-Trudel. Qui a été, entre autres, interviewé par Radio-Canada. Bon, on a pris des passages de lui hors contexte, mais Oh, c'est un montage carrément. exactement pour le discréditer, mais en même temps, on l'a pointé du doigt, mais Alexis Cossette-Trudel, récemment, quand il est venu le temps, là, parce qu'il y a eu une commission d'enquête en lien avec la gestion de crise sanitaire, il n'en a pas parlé. Alors que, comme Berthold disait, puis je partage un petit peu le même regard par rapport à ça, alors qu'il se présentait comme étant opposé aux mesures, Non, non, non, non. Non, là, je suis désolée, mais je connais bien Alexis, là, puis c'est pas... Lui, Alexis, là, il se présente pas... Les mesures sanitaires, tout ça, il en a parlé parce qu'on était tous dans un moment. Mais lui, sa spécialité, c'est la géopolitique et Oui, ça... mais ce qui était curieux, c'est que pendant plusieurs mois, j'ai écouté comme toi, là, ces web journaux, là. Il faisait allusion à la crise sanitaire, comment dire, c'était un coup du gouvernement pour implanter des mesures de dictature, de ce que je comprenais de son propos. Puis là, quand il est venu le temps, il y a quelques semaines, d'avoir une commission d'enquête qui s'est déroulée un peu partout au Canada, silence radio, puis il nous parlait des drag queens comme Éric Duhaime. Ouais, puis ça veut dire quoi, ça, d'après toi? C'est grave qu'il n'ait pas parlé de ça. Il ne parle pas du Québec en général. Je vois pas c'est quoi le problème, ni du Canada. Ben, moi, je La trouve ça. pandémie, c'est un contexte particulier, là, mais Mais moi, je trouve ça curieux, dans le sens que on nous a parlé, oui, de la pandémie à l'international, mais aussi qu'est-ce qui se passait au Québec, les drames dans les CHSLD et autres, il en parle beaucoup. Là, il y a une commission d'enquête pour faire la lumière sur le sujet, puis qui pourrait apporter, à mon avis, un changement au second niveau, puis il n'en parle pas, puis là, il va parler des trucs internationaux, là, Donald Trump. Oui, mais c'est ça, je te dis, c'est ça qui l'intéresse. Il l'a toujours dit. Lui, s'est mis à l'étude de la stratégie de Trump en 2016. C'est son dada, là, Mais tu moi, sais. je C'est trouve que, on n'est pas obligé d'être en accord, là, mais moi, je trouve personnellement qu'il draine de l'énergie des gens qui sont frustrés par le système actuel vers une voie sans issue, dans le sens que Trump, il n'a pas été élu aux dernières élections, puis je suis très sceptique à l'effet qu'il va être élu en 2024, là. On va avoir des petites surprises bien avant, vous allez voir. On verra. Écoute, ça Il fait. revient au pouvoir, c'est sûr, mon chéri, en Ben. 2023. Moi, ben, 2024, là, tu veux dire, pour les prochaines élections? Aura pas d'élection en 2024 comme vous le pensez. Bon, en tout cas, on en reparlera si tu veux, là, mais Mais ce que je peux pas dire. d'accord avec Trump, c'est pas ça que je dis, on est mieux de rester sur. Ben, en tout cas, bref, on peut avoir des différences de perception, mais quoi qu'il en ait, c'est de mon côté, Alexis Cossette-Trudel n'a pas nécessairement livré la marchandise dans le sens que quand Joe Biden avait été élu, il a dit, regardez, là, d'ici un mois, l'armée va le destituer parce qu'il y a eu fraude électorale aux États-Unis. Les hauts responsables militaires sont au courant de la situation. Or, ça n'a pas été fait un mois après. Puis aujourd'hui, au moment où on se parle, au mois de juin de l'année 2023, ça va faire bientôt 3 ans qu'il est en poste, Joe Biden, puis il n'y a pas eu encore de destitution, là. Oh, mais c'est parce que là, en tout cas, je vais me taire. C'est trop complexe. Ça se résume pas à ça, là. Il y a tellement de jeux. C'est un show, hein? Un show. C'est des comédiens. Il y a des shows là-dedans. Il y a Trump qui dit des affaires. Tout le monde ment. Ils utilisent la même stratégie que le Deep State pour défaire le Deep State. C'est très complexe. Fait qu'on ne peut pas résumer ça en une phrase. C'est trop complexe. Mais on verra Mais parce moi, ce que que. je peux te dire dans le concret, Ouais. c'est que Trump a pas repris le pouvoir aux États-Unis. Tu peux quand Mais même il n'a pas jamais nier quitté ça. le pouvoir, c'est ça que vous ne comprenez pas. Il mène. C'est Ben, encore Chris, lui. c'est Imen, pourquoi qu'il n'y ait pas à Maison-Blanche? Oh, mais c'est ça. On fera un live là-dessus, juste là-dessus. C'est complexe comme problème. Ça s'appelle justement la dévolution. Il a laissé le pouvoir à Biden volontairement pour. C'est pas lui. Trump, c'est un pion comme d'autres pions, là. Dans un plan de l'armée américaine et d'autres armées dans le monde pour défaire le deep state du monde, OK? Il n'y a pas rien qu'aux États-Unis qu'il y a des trous de cul, là. Il y en a un petit peu partout. Il y a des piliers, l'Angleterre, l'Italie. Bon, c'est complexe, son histoire. Puis Trump, pour moi, il y a un jeu à jouer. C'est ça, je veux dire. Il y a un rôle à jouer, il y a Ben, une c'est un fonction. personnage médiatique flamboyant, là, avec des déclarations à l'emporte-pièce, mais Mais c'est Trump. un show, il fait c'est exprès, Ah, il y a juste. écoute, il est bon pour avoir l'attention. Ça, je le nie pas, sauf que le point, c'est que présentement, il ne dirige pas. Et Mais c'est ce que tu penses, mais il dirige, c'est ça que vous allez découvrir, mais on en reparlera quand ça sera tout dévoilé, parce que pour l'instant, ça donne rien. ben, c'est Mais parce ce que sera. moi, ça fait plusieurs semaines que je donne la chance aux coureurs, là. En fait, c'est-à-dire qu'au début, bon, Alexis Cossette, tu sais, il disait ça, je vais laisser la chance aux couleurs. Puis finalement, il y a un mois qui est passé, 2 mois, 3 mois. Puis un moment, moi, Même présentement, 2 ans. Même 2 ans, tu ben c'est dirais. ça, ça fait plus que 2 ans, là, je veux dire. Il a été élu en 2020, là, Joe Biden, là. Ben oui, mais David, si on avait. C'est parce qu'il faut qu'on. On est en guerre. C'est une guerre d'informations, je viens de le dire. Il n'y a personne qui connaît le plan, à part quelques-uns, là. Fait que si on savait le plan, il ne s'exécuterait pas parce qu'on en parlerait. Je comprends ce que tu veux dire à ce niveau-là. Par contre, à un Une autre niveau. stratégie, c'est ça que j'essaie de dire en arrière de ça, qui est très grosse. Puis Trump, c'est un acteur comme d'autres acteurs. Ils disent que c'est un plan progressif aussi. Ça avait été expliqué par le général Flynn que tout n'est pas écrit, que ça va dépendre des actions de ces gens-là pour du deep state. Mais regarde, là, je sais pas combien, il y a quelques années, je t'ai dit. Il n'y aura pas de guerre civile aux États-Unis. Il n'y en a pas eu. Il n'y en aura pas. Puis c'est pour ça que c'est lent. C'est peut-être pour ça que c'est beaucoup plus lent que ce qu'on voudrait voir, que ça s'exécute très lentement. Pourquoi? Parce que les Américains sont armés. C'est pas une gang de mauviettes, pas de couilles comme nous autres. Excusez-moi, là, mais il y a quelque chose de différent là-bas. Ils ont des armes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous intelligents avec des armes, mais ça ne veut pas dire non plus que tout le monde va se tirer dessus. Mais s'il y a trop d'abus du deep state, puis que les gens se révoltent, il y a une guerre qui va poigner solide, puis il y a des patriotes. T'sais, dans tous les mouvements politiques, économiques, il y a toujours des gens qu'il faut que tu contrôles qui sont plus extrémistes. Trump, c'est considéré comme modéré, mais il y a des extrémistes dans sa gang. Mais tout ça pour dire que même lui, il dit, il représente ni les républicains, ni les démocrates, parce que des deux côtés, il y a des pourris. C'est infiltré. Il a dit, le pays est infiltré, the swamp is very deep. C'est que tout est infiltré. Même ici, en passant, ce qu'on dit des États-Unis, si on s'intéressait vraiment à la politique américaine, on pourrait l'appliquer à tous les pays qui sont noyautés, dont le Canada. Fait Oui, que, exactement. on Mais est c'est sûr que comme tout, à quelque part, les pays sont infiltrés par l'astral ou des ben, oppositions contrôlées, là, pour en revenir au concept qu'on abordait. Mais le point que je veux dire, c'est que ce que je trouve déplorable par rapport à Alexis Cossette-Trudel, c'est que je trouve qu'il draine trop d'énergie, d'attention du public vers Donald Trump, qu'on nous présente comme étant le sauveur, un peu comme Richard Glenn va nous parler abondamment des extraterrestres. Mais pour moi, c'est comme un surinvestissement d'attention sur un individu que, présentement, officiellement, en tout cas, il n'est pas au pouvoir. officiellement. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, là, T'es pas mais, obligé d'être en accord avec moi, là, non, ouais. mais je respecte ton point de vue. Mais si tu te souviens des entrevues qu'on faisait au début, moi, je t'ai dit, Trump, il a une fonction. Ça peut être que ça vienne du monde occulte ou que ça vienne d'ailleurs, il a une fonction, c'est de défaire le deep state, c'est terminé. Après, on verra ce qui en suit, là, parce que là, c'est pas parce que le deep state. Ce qu'on appelle le deep state, c'est moi ce que j'appelle les intérêts financiers qui veulent mondialiser, prendre le contrôle mondial. Puis c'est un plan qui a été pensé, qui s'exécute présentement. Et la liberté de la plupart des pays va dépendre du résultat des États-Unis. Je l'avais dit il y a 3 ans, ça me revient, parce que la Constitution, je t'avais parlé de la Constitution américaine. La Constitution américaine, c'est la première Constitution et non celle qu'ils ont modifiée puis qu'ils ont massacrée là, avec le Deep State. Cette Constitution-là, si vous la lisez vraiment, prenez le temps de la regarder, c'est la base d'un début de démocratie réelle dans le monde qui n'a jamais existé. On vient de découvrir qu'on ne vit pas dans des... Ben, on vient de découvrir. Il y a encore Pour bien du certains, monde il qu'on vit dans une démocratie, là. y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui savent depuis leur moment de leur naissance qu'on n'a jamais été dans une démocratie réelle ou effective, là. Oui, mais ça reste une minorité de gens. Exactement. Je suis d'accord avec toi. J'avais 19 ans quand j'ai compris que ça n'existait pas, tout ce qu'on nous disait ici, là. J'étais en sciences politiques, j'ai pris un an, j'ai compris tout de suite. Mais j'étais tout seul, mais on me traitait de paranoïaque. Fait que, aujourd'hui, on me traite de complotiste. Ouais, c'est au plus léger. Mais il y a un mouvement qui a d'éveil sur le collectif qui se fait de prendre conscience qu'on s'est fait bourrer solide. Puis d'ailleurs, dernièrement, il y a un lanceur d'alerte aux États-Unis qui est très, très intéressant, c'est 107. Il attendait 80% d'Américains conscients de ce qui se passe aux États-Unis pour faire des moves. C'est pour ça que je te dis, dans les prochains mois, que ça va d'avoir du fun. Parce qu'ils l'ont atteint, là. Pour éviter une guerre civile, il fallait qu'ils touchent 80% des Américains qui comprennent ce qui se passe dans leur pays. Puis fait qu'il fallait attendre. Donc, il fallait voir Bidon faire toutes ces niaiseries, voulait voir toute cette gang de gens-là qui ment, qui manipulent l'Ukraine, tout ça. Il fallait que ça se fasse. Et c'est fait. Là, les gens sont sensibilisés aux États-Unis. Bon, on va voir la suite. Mais moi, je suis profondément convaincue qu'on est... C'est pour ça que je m'y intéresse, moi. Parce que je sais que ça passe par eux. Le début de d'autres choses. Moi, je suis plutôt Puis c'est pas qu'il pessimiste. peut changer ça en Oui. passant, là. Tu sais, comme c'est gros, c'est des grosses affaires. Le Deep State, là, c'est pas le 1% du 1%, là. C'est des banques mondiales, c'est des milliards. Ils ont les moyens de nous écraser. Toi, puis moi, tout ce qu'on peut faire, c'est fumer une cigarette, puis toi, tu fumes pas, là. Mais, tu sais, puis regarder ça passer. Quand les gens me disent qu'est-ce qu'on peut faire? Absolument rien. Nous. Mais c'est ça que je dis. Là, il y a un mouvement, ce qu'ils appellent les chapeaux blancs. Puis c'est pas rien que l'armée américaine, vous allez découvrir qu'il y a d'autres armées en arrière de ça qui ont Moi, travaillé je suis depuis. plutôt, dans le fond, pessimiste par rapport au changement, dans le sens que il y avait Alexis Cossette qui disait, regardez, là, Joe Biden va être destitué suite à son élection, il y a eu fraude électorale, en réalité, c'est Trump qui Scalise, devait être élu, puis Scalise. finalement, il n'y a rien qui s'est passé. Mais David, si t'es honnête, là, il l'a admis plus tard il s'était planté là. Mais c'est quoi se planter? Tu sais, si tu regardes son travail, Oui, mais moi, il a mis c'est ça qui l'emphase me gosse. beaucoup C'est qu'on se là-dessus. base sur le 1% d'erreur de quelqu'un. Mais je Sur regrette, c'est 98, comme... 99... Attends, laisse-moi Oui. terminer, là. 80, mettons 95% de ce qu'il dit sur ce qu'il dit, là, même s'il ne touche pas à la commission puis tout ça, c'est pas mal ce qui se passe. Il y a un petit jeu de, mettons, 5% de marge d'erreur. C'est rien. Ben, je serais d'accord avec toi s'il n'y en Comparé aurait à pas ce qu'ils ont parlé fait autant. dans C'est parce que les pays. Trump a été le sujet quand même primordial de plusieurs de ses web journaux. Oui, Donc, quand mais c'est un... c'est ça, David. Ben là, j'aimerais ça changer de sujet parce que ça me tente pas de OK. parler de lui, là. Mais c'est ça que j'essaie de dire. C'est qu'il le dit, mais je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps. Son plaisir, c'est l'analyse de la stratégie des White Hat puis du mouvement trumpiste. Est-ce que, tu sais, on va-tu. Le Québec l'intéresse pas. Il a le droit. Puis en passant, moi non plus, la commission, j'ai rien écouté. Parce que ça m'intéresse pas ce qui se passe au Québec, parce qu'il se passe rien. Ben, attends une minute. La commission d'enquête, j'ai trouvé intéressante, puis elle parlait pas juste du Qu'est-ce que tu fais Québec. avec ça pareil? Je veux dire, il y avait des gens un peu partout du Canada, de Ouais. d'autres provinces, de l'Ontario, entre autres, qui ont témoigné. Donc, c'est un mouvement national dans le sens du Canada, pas juste la nation québécoise. En as-tu entendu parler à TV de Non, ça? zéro puis Non. une barre. entendu parler d'un journal, zéro. Exact. Fait que c'est pour ça qu'il ne se passe rien ici, parce que les gens qui sont conscients ne disent rien. Mais moi, ce que je te dirais par rapport à ça, pourquoi que ça attire mon attention encore plus la commission d'enquête, c'est que si on en parle, c'est qu'on donne de l'importance, puis les gens qui pourraient être opposés aux mesures pourraient se rallier à eux, donc on leur fait pas de publicité. Ce qui fait que c'est une opposition, à mon avis, qui ne cherche pas à contrôler dans le sens d'orienter les gens parce que c'est une voie sans issue. Un peu comme Éric Duhaime. Pendant la pandémie, il était interviewé par différentes stations de radio et lui se présentait comme la personne qui ferait des Québécois des gens libres chez eux, avec son slogan, là. Puis qu'à quelque part, par rapport aux mesures, il y aurait une gestion différente là, de la pandémie. Mais bon, on a parlé de lui dans les médias, puis à quelque part, ça a été une voie sans issue. Il n'a même pas parlé de la commission d'enquête, puis il ne nous a pas sorti, là. Duhaime, bon, en tout cas, moi, Duhaime, parlez-moi pas de lui, je viens bleu marin. Je trouve ça très ennuyant, la politique au Québec. Franchement, il est un. Premièrement, ils font comme un. Lui, pour moi, Duhaime, puis toutes les 125 plantes vertes au Parlement du Québec, là, c'est la même crise de gang. Duhaime, il a jamais. Tu l'as-tu vu, là, lors des élections à Radio, quand il passait avec les autres chefs, là, du parti. En Il a jamais débat, là. parlé de rien. Il disait rien d'intelligent. Il y avait plein de choses qu'il aurait pu dire. Il n'a rien dit dans le débat des chefs. Une ballonne dégonflée serait mieux que ça. Mais il a pu servir à rallier sous son chapeau les gens qui étaient opposés au système pour les mener dans une voie sans issue. Le gars, il n'a pas été élu. Il a contesté la gestion de crise du gouvernement où ce que plein de morts dans les résidences de personnes âgées sont mortes. Ensuite, les élèves privés de l'école, des sports, des ci, des ça. Il y avait quand même des dossiers intéressants à contester, mais... Les données, il y avait des données qu'il aurait pu amener pour apporter son point. Il n'a jamais rien fait de ça. Fait que... Mais moi, j'en viens à la conclusion qu'à quelque part, il a servi le système dans le sens que tu ne pouvais pas avoir mieux comme opposition contrôlée pour permettre au système de se maintenir, c'est-à-dire une opposition qui n'amène pas de changement au second niveau. Exact. Ça, on pourrait dire que c'est de l'opposition contrôlée. Je ne sais pas s'il sait qu'il est contrôlé, là, mais en tout cas, il a divisé. Ça a divisé le monde. Il a drainé, comme tu dis, du monde. Au début, il disait des choses intéressantes. Je l'ai suivi au début, mais à un moment donné, je l'ai vu déraper solide. En fait, il n'a pas les couilles d'un Trump, justement. Il Ouais. prendrait une grippe de testicule. Bon, là, mon tailleul, c'est pas des testicules. C'est M. Bercoff en France qui dit ça pour les Français. Il dit que les Français manquent il y a des Français qui devraient avoir une greffe de testicule. C'est vrai, ce que je dis, c'est Barkov qui disait ça en fin de semaine. Ben, comme les hommes féminisés du Québec, là, les hommes mous, là. Ouais. Mais on parlait de aujourd'hui, encore une fois, la clinique, ça a un lien avec ce qu'on parle. Oui. Quand je dis qu'au Québec, il ne se passe rien puis que le monde sont comme dans un dôme endormi. Écoute, je suis assise dans la clinique. La dame, moi, je n'ai pas porté le masque, mais c'est les consignes, c'est de porter un masque. Mais moi, je sais que ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi de porter un masque dans une clinique. Donc, C'est une en passant, directive. c'est ça, c'est une directive. Présentement, c'est plus obligatoire le port du masque. J'ai Exact. même un peu été voir ma grand-mère sans porter le masque. C'est ça, mais dans la clinique, c'est marqué dans l'entrée, portez votre masque. Prenez un masque à l'entrée. Fait que les gens le font. Mais là, je suis assise à côté d'une dame qui a un masque d'en face. Qui est asthmatique, puis que je suis assis à côté, puis j'entends, écoutez bien le son, là. Moi, je me tourne, tu sais, je suis comme. Mais je dis, madame, avez-vous de la misère, avez-vous un problème? Elle dit, j'ai de la misère à respirer, je suis asthmatique. Mais je dis, enlevez votre masque, madame, vous n'êtes pas obligé de le porter. Oh non, c'est trop dangereux. Dangereux de quoi? Elle est brainwashée, Ah oui, madame! c'est fait laver le cerveau. Solide. J'ai dit, mais madame, il n'y a plus de danger, c'est fini, là. Puis même le danger, c'était pas réel, c'était rien qu'une grippe. Ah non, non, c'est dangereux! Ben c'est ça, l'hypnose de masse. J'ai fait récemment un enregistrement là-dessus sur l'hypnose des collectifs. Puis il y en a qui ont pas été libérés du charme de l'envoûtement psychologique de la propagande publicitaire, dans le sens que il n'y a pas eu Non. le, comment dire, l'hypnotiseur qui a dit vous pouvez sortir là. Mais non, mais c'est parce que les gens aussi s'informent pas. C'est ça qui me gosse, moi. Est-ce que les gens au Québec sont au courant qu'en 2000, quand il y a eu, premièrement, en 2022, il est sorti des statistiques. Il y a 10 % au Québec, c'est ce qu'ils disent, 10 %, mais d'après moi, c'est plus que ça parce qu'ils nous mentent tout le temps. Mais 10 % en 2022, plus de morts au Québec qu'en 2022, dans la catégorie 60 ans et moins, en Ah, 2022. comment ça qu'il y aurait une surmortalité? Quel facteur Dans pourrait tous les expliquer pays ça? vaccinés, il y a une surmortalité qu'on ne vous parle pas. Au Québec, puis encore ben, dans d'autres pays non plus, mais au Québec, c'est sûr, vous n'entendrez jamais ça. Mais ils ont les chiffres, l'INSPQ, c'est 10 % de plus de morts en 2022 de la catégorie 60 ans et moins. Étrangement, les statistiques de 2021, où il n'y avait pas de vaccin, il y a moins de morts. Hein? Il y a même moins de morts que la grippe H1N1. Ah ben, elle est maudite, Marthe, elle va pas bien. Donc, ils veulent pas vous en parler parce qu'ils vont être obligés de prendre comme, de réaliser qu'en fait, les morts, c'est dû à quoi? C'est quoi le point commun? C'est les vaccins. Non, que c'est donc pas fin. Ben, en lien avec ça, dans la commission d'enquête, il y en avait un qui a fait l'analyse statistique parce qu'il y a un nombre de Pierre décès aux Chaillot? États-Unis. C'est Pierre Chaillot, le français Pierre Chaillot, non? Non, c'est un Ah non. autre monsieur. Mais en tout cas, OK. bref, ce qu'il disait, que ça se trouve aux États-Unis, à différents pays, l'Inde, ben lui, pendant la période où les gens étaient vaccinés, il montrait la courbe de mortalité qui augmentait en parallèle. Il y avait comme une corrélation par rapport à ça. J'ai pas suivi, excuse-moi, j'ai manqué un petit bout de repète dans ça. Oui, lorsqu'il y a eu des périodes de vaccination en lien Oui. avec la COVID, En Inde? en Inde, puis il y avait aussi les États-Unis, puis différents pays, et lui, ce qu'il observait, c'est qu'il y avait une corrélation au niveau statistique entre le nombre de décès et les gens dans les vagues de vaccination Ah oui, OK. par rapport aux différentes doses. Oui, je pense que j'ai vu un. Oui, il y avait un. C'est-tu un chercheur qui avait fait l'Inde? Oui, il avait été chercher les données dans le pays, parce que c'est par État, non? C'est pas ça? En tout cas, il y avait différents pays qui abordaient, puis la particularité de ça, c'est qu'ils voyaient une corrélation en lien avec ça. Et il y avait, dans le fond, ça fait partie des témoignages qu'on peut retrouver là, sur Internet. Et il y avait Dominique Champagne, qui a sa chaîne YouTube, qui avait, de ce que j'ai compris, partagé la vidéo, puis a été censuré. Puis je peux comprendre, là, même si c'est documenté scientifiquement, parce que ça va à l'encontre carrément du narratif. Si tu dis que les gens sont vaccinés, ils meurent plus, c'est sûr que à quelque part, tout le lobby pharmaceutique seront pas contents. Bien, c'est sûr que c'est ça. Le problème, c'est que si les gens vont pas chercher l'information, ils n'en ont pas. Ils vont croire ce qu'ils nous disent, mais à un moment donné, c'est ça aussi l'enjeu. T'as-tu fini de te faire gouverner? Comment t'as appelé ça, gouvernement, là? Oui, le gouvernement, le maternage qu'on vit au Maternage, Québec, là, là, ouais. t'sais. L'enjeu est gros, là, tu sais, c'est un génocide. Purée, c'est le vrai mot, c'est génocide. C'est un génocide organisé. Puis ils continuent à piquer le monde, à offrir les vaccins, puis à des enfants, puis c'est une horreur, c'est une horreur. Puis moi, j'ai eu la conférence de ce week-end, il y avait Alexandra Orion-Cole qui a écrit un livre, d'ailleurs, son dernier livre, puis c'est une spécialiste d'ARN messager. Mais Et juste pour clarifier aux gens, je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce que tu as été quand même un événement qui t'a amené à rencontrer en personne le Patrick Provost puis d'autres personnes là, en lien avec c'était le congrès là, des ambassadeurs de la liberté du peuple là. Ouais, ça s'appelle la Fondation des droits et libertés du peuple, le FDDLP, si jamais les gens s'y intéressent.org. C'est un mouvement juridique avant tout au départ, c'est-à-dire que c'est, puis on appelle, c'était un congrès, c'était le deuxième congrès annuel, donc ça fait juste 3 ans que la fondation existe, dont 2 congrès, et c'était les congrès des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est des gens qui donnent un montant de, c'est 250 $ annuellement pour supporter la fondation dans ses démarches juridiques, dont un pourvoi qui est encore en cause. Ça, c'est une affaire qu'on pourrait parler. Là, au Québec, il y a une cause qui n'a pas été encore jugée parce qu'ils sont pognés avec, là, c'est assez intéressant, qui est passée en janvier 2022. Mais on en reparlera si tu veux, mais c'était le Oui. congrès ce week-end, puis il y avait beaucoup d'invités internationaux, dont professeur Provost, qui a un combat assez intéressant au Québec, puis selon les chartes des droits et libertés au Canada, les universitaires ont un droit de parole acquis en tout temps, même en temps de guerre. Et étrangement, professeur Provost, qui est un chercheur, d'ailleurs lui-même le dit, il dit, moi, je suis un chercheur qui est devenu un lanceur d'alerte aujourd'hui parce que j'ai pas le choix. Il a fait une sortie, c'est un chercheur spécialisé en microbiologie qui a eu des très bonnes réussites, qui a fait trois grandes découvertes qui ont été reconnues internationalement. Puis, ça avait rapport aussi avec l'ARN. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'est quand au Québec, on a commencé à parler de la vaccination des enfants, lui, il a levé, là. Il a dit là, non, Ben ça, oui, il était opposé à ça. c'était la vaccination des enfants qu'il trouvait très dangereux, puis il a raison, là. Exactement. Puis lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est spécialisé, c'est un professeur de l'Université Laval, dans l'étude des vaccins ARN messagers. C'est Donc, ça. à ce moment-là, il y avait une plus grande crédibilité que les lanceurs d'alerte qui n'ont pas le même niveau de compétence intellectuelle. Tout à fait. Puis même ça, lui, il l'a pas cherché, là. C'est parce que les enfants, lui, il a pensé, il a écrit une lettre pensant que, comme tout bon professeur universitaire, qu'il a un droit de parole, puisque c'est reconnu que les universitaires ont droit de parole en tout temps. Mais c'est ça, en ouvrant en faisant sa publication, là, ils lui ont tombé dessus radicalement, tout ce qui est censuré, comment faire fermer la bouche de cet homme-là parce qu'il est dérangeant. Fait qu'ils ont commencé par l'attaquer. C'est toujours la même stratégie. Ils l'ont accusé d'avoir dit des choses fausses, mais ils n'ont jamais été capables de dire qu'est-ce qui était faux dans son contenu. C'est ça, ils n'en ont pas fait la démonstration. Ça, c'est une des stratégies que les gens devraient être alertes quand on écoute les nouvelles, c'est qu'on entend souvent un jugement sur une personne. Mais on n'a pas les preuves. Jean Powell, là, qui. Ah, en Irak, ils ont tout ce qu'il faut pour nous. T'sais, avec la petite Ben oui, écharpe, Colin Powell, secrétaire des Colin États-Unis en Powell, 2003, sont qui nous partis en disait guerre en que Irak avec ça, là, c'est du ça, il y T-shirt. avait des armes de destruction massive avec des preuves hors de tout doute pour justifier l'évasion de l'Irak par les États-Unis. Ben, il n'y en avait aucune preuve. Non, exactement, c'est basé sur des témoignages, puis par la suite, il y a eu des films qui ont été faits en lien avec ça, et il y a été question notamment que ces témoignages-là avaient été recueillis par les Américains, mais c'était des gens qui étaient torturés. Puis comme ils souffraient beaucoup, puis eux autres peuvent faire des simulations de noyade et autres, c'est sûr que la personne qui souffre, elle va dire à l'autre ce qu'il veut entendre pour que le supplice arrête. Ben, mais, hein, ça fait longtemps que j'aurais dit ce qu'ils veulent. Non, c'est C'est sûr. sûr. La torture ferait parler n'importe qui, là, tu sais. Exactement, mais en lien avec ça, s'il y a des gens qui s'intéressent, vous avez le film qui s'appelle The Report, qui est très bien fait, qui va documenter en fait toute la torture qui a été perpétrée par des membres de la CIA, notamment en Irak, en Afghanistan. Et ce qu'on disait à l'époque, c'est que c'était des techniques d'interrogatoire renforcées. Et comme ça ne créait pas nécessairement des dommages physiques, comme par exemple quelqu'un qui fait faire des multiples simulations de noyade ou privation sensorielle, ça ne brise pas nécessairement les organes du corps, on disait que ce n'était pas de la torture à cause de ça. Que dire? Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est des stratégies de guerre, c'est toujours pour nourrir la même gang, c'est du blanchiment d'argent, c'est toujours dans le but d'avoir des alliés, d'infiltrer des endroits pour contrôler. Tu sais, l'Irak, c'est stratégique en termes de pétrole, la position et tout ça. Tu sais. Mais tout ça pour dire quoi? On Oui, parlait bon, on de. peut revenir avec l'événement que tu as assisté, là, de congrès des ambassadeurs. Tu parlais quelques instants de Patrick Provost et Ben, je pense que... son droit, c'est le droit de parole, mais il a été ostracisé complètement. Il a été coupé de ses revenus. Ils sont graves, hein, parce qu'ils font la même stratégie qu'ils l'ont faite avec les infirmiers dans le temps, infirmières qui ont refusé la vaccination. Suspendre sans revenus. Et suspendre. Fait que t'as pas droit au chômage parce que t'as encore une job. Oui. Mais ils t'enlèvent ton revenu. Cet homme-là, ça fait déjà 8 mois qu'il est sans revenus, là. Mais le plus dramatique, je parlais avec lui en fin de semaine, c'est pour ça que je parle de greffe de testicules, vous allez comprendre pourquoi, c'est que je me mets à jaser un petit peu avec lui en catimini, à part. Puis après sa conférence, j'ai dit, mais je comprends mal. J'ai dit, vous êtes syndiqué? Il dit, oui, le syndicat me défend, mais ils sont mal à l'aise avec moi. Ah, il dit, ça va bien. Mais je disais, est-ce que les professeurs vous soutiennent? Il dit, oui, mais en silence. J'ai dit, il y a combien de professeurs? Écoute ça, ils sont 1370. Puis ils ont toute la chienne au cou. Ils ont toute la crotte collée dans le cul en train de se cacher en arrière de lui. On te supporte, mais on ne peut pas rien dire. On a peur de perdre notre job. Moi, j'étais une main, la face me tombait à terre. J'ai dit, mais voyons donc, ça n'a aucun sens. Non, c'est sûr. Ils ont peur. Exactement. Ben oui, mais les gens n'ont rien compris, là. Qu'est-ce que tu veux que un gouvernement fasse s'il y a 3 370 profs qui se lèvent, qui disent on a un droit de parole, on a des lois, puis la ministre la ministre de l'Éducation, c'est qui ici, une ministre de l'Éducation? C'est une femme ou un homme, je ne sais même pas. Ministre de l'Éducation, Ben, il y a Bernard Drainville qui c'est s'occupe Drainville, ministre de l'Éducation? d'éducation. Ben écoute, faudrait vérifier là. Bertol saurait ça. Ouais, probablement. Mais bref, en ligne, ce que tu Peu dis, importe. ouais. Ce que je veux dire, c'est que le ministre de l'Éducation, c'est là que ça a sorti, c'est lui qui m'a dit ça, je vous répète sa parole. Il dit, le problème, bon, il y a eu les gens qui ont peur, puis là, c'est là, je dis, ça prendrait une greffe de testicules à ces gens-là, ça n'a pas de sens, Chris. Mais le ministre de l'Éducation, il connaît la loi, puis il dit rien. C'est le ministre de l'Éducation qui devrait recadrer Laval, l'Université Laval, parce que c'est l'Université Laval qui poursuit, qui essaie de planter docteur Provost, professeur Provost. Mais l'Université Laval, là, c'est une corporation aujourd'hui, c'est financé par des corporations. En quoi ils ont force de loi sur le ministère de l'Éducation puis notre Charte des droits et libertés? Rien. Fait que le ministre de l'Éducation, c'est un collabo avec eux autres s'il n'agit pas. C'est ça que ça veut dire. Fait que c'est quand je dis qu'on est infiltré, c'est ça qu'il faut voir. On est infiltré par l'intérieur. La justice qui fait Ben, pas par son la travail. pensée, pour en revenir à notre propos du début, on part de la prémisse que la pensée vient d'ailleurs, que tu utilises entre autres en coaching avec des gens. Donc l'infiltration ou le parasitage, d'abord, vient à travers les idées. Mais là, c'est parce que moi, j'ai bien la misère à faire un switch avec la conscientisation individuelle puis le collectif. Excuse-moi, Mais il là. y a des parallèles qui peuvent se faire parce que dans les deux cas, ils sont infiltrés par des idées. Là, si on part du principe, la pensée vient d'ailleurs, que ce soit l'individu ou le collectif, Chris, elle vient d'ailleurs, la pensée. Oui, elle vient toujours d'ailleurs, la pensée, je suis d'accord, mais c'est parce que c'est difficile pour moi de. Je compare bien deux fruits, mais une pomme et une banane, pour moi, c'est différent. Tu sais. Non, je J'ai comprends ce que tu veux dire, mais. de la misère à faire le. La pensée vient d'ailleurs, elle vient d'ailleurs pour tout le monde. Mais c'est quoi le point? C'est quoi que tu veux dire par ça? Ce serait Ben, c'est cool parce que que. dans le fond, l'infiltration, bon, prenons par exemple le lobby pharmaceutique, c'est à un niveau. Mais à un niveau plus occulte, c'est que des gens qui font partie du lobby pharmaceutique qui peuvent être infiltrés par le plan astral ou des forces anti-hommes. Ben, c'est sûr que c'est le plan astral. Ça peut pas être c'est pas intelligent ce qui se passe, là. Ben Faut pas. non. C'est sûr qu'ils sont charriés par l'astral, mais ils le savent pas. Ça sert à quoi de dire ça? En fait, ils sont achetés par de l'argent. C'est des gens qui ont. Restons sur l'aspect plus collectif, là, pour l'instant. C'est des gens qui sont manipulés par l'astral à travers des passions, genre le sexe ou l'argent ou la corruption. Ils sont corruptables, sont achetables, autrement dit, ou astralisés à fond la caisse, si vous préférez. Mais. Si on regarde comment ils infiltrent nos gouvernements, c'est par du chantage. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Exactement. ces gens-là posent des gestes, je ne sais pas, moi, Legault, on pourrait découvrir, ben, tiens, je vais plutôt nommer quelque chose qui est réel, Trudeau, qui a violé une petite fille dans l'Ouest canadien, dans le temps qu'il était prof de théâtre, c'est réel. Ben, c'est réel. Est-ce que à ce sujet-là, Chantage, pas nommé. il y a eu un jugement de la Cour qu'il reconnaît coupable de viol, qui est documenté, qui est traçable? Mais il y en a un autre document qui est pas retraçable et qui est aux États-Unis. Mais c'est pas grave. Ben, c'est parce que Annick Trudeau, à un moment donné, j'en ai déjà parlé avec Bertha, il y a une fausse vidéo qui l'accusait, qui a circulé, mais c'était le travail d'un étudiant. Puis il y Non, a eu toutes non. sortes de. Tu sais, il y a plein de fausses nouvelles, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on fait des accusations par rapport à lui, c'est est-ce que. Parce que si il y a eu un jugement de la Cour ou quoi que ce soit, à un moment donné, il y a des registres, là. Ben, c'est passé ça, l'impact, c'est difficile à. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que ce dossier-là, justement, il a été acheté puis il a été éliminé. Ils ont payé 2 millions, la fille, pour qu'elle se ferme la bouche. Mais bref, ce dossier-là a été récupéré par les Américains. Ça va sortir, tu vas voir, une question de temps. On verra bien, puis on verra bien aussi si Donald Trump va Mais revenir au pouvoir bientôt. c'est le principe que je voulais dire, OK. dans le fond. Le principe, c'est que comment ils infiltrent les gouvernements, les gens qui ont du pouvoir ou qui ont des places stratégiques, c'est toujours en les corrompant d'une façon ou d'une autre. Fait que ça, ce qu'on appelle des blackmail. Moi, je suis sûr que Bidon, c'est un blackmail. Pardon, M. Biden. Oui, ben, Chantage. Il a fait des choses pas correctes, puis il est sous chantage, puis il n'a pas le choix de faire des choses. Ça peut être de même dans plein d'endroits dans la vie. certainement, certainement. C'est sûr que dans le fond, ils utilisent les failles de l'ego pour manipuler les gens, pour en venir à leur fin, là, d'une manière machiavélique, là. C'est sûr, Le là. fond, c'est quoi? Le sexe, puis l'argent. Fait que. En général, il y a beaucoup de personnes que c'est ça, là, c'est clair, là. Oh oui, je vois ça en masse, moi, ces temps-ci. Mon Dieu, que le monde est préoccupé par leur pénis et leur vagin, c'est incroyable. Comme s'il y avait rien que ça dans la vie, pénis, vagin, vagin, pénis. Bon, en tout cas. Mais en même temps, on peut pas nécessairement blâmer les gens, c'est-à-dire qu'ils sont programmés sur le plan biologique avec un instinct de survie, du désir sexuel. Fait que c'est sûr que quelque part. Je veux dire, il y a quand même la dimension animale, l'être humain qui va coloriser ses comportements, là. Et ça, oui, mais c'est là où la démarche de la conscience individualisée prend, ça devient autre chose, parce qu'on en sort de ce mécanisme d'instinct animal ou de passion programmée. Mais on peut en sortir, ça se défait, ça, mais c'est là où on devient individualisé Bien, puis conscient. ça dépend comment qu'on le voit. Dans une perspective de la transcendance, comme par exemple un moine bouddhiste qui fait vœu de chasteté, va dire qu'il faut dépasser les passions inférieures pour accéder à des plaisirs supérieurs. Oui, c'est comme la mépris de la chair, là, comme les religieux en disant c'est pas beau, c'est caca, pour atteindre le septième ciel d'une façon très, comment dire, là, épurée, là, tu sais. Mais en même temps, moi, je suis plus dans la perspective de, bon, il y a une dimension physique, biologique. Si la personne vit ça consciemment, dans le respect d'elle-même puis des autres, d'avoir une vie sexuelle active en dehors de la procréation, pour moi, il n'y a aucun problème, là. Oui, mais quand je dis que ce qui mène le monde, c'est le sexe et Ah, l'argent, moi, oui. je parle du monde qui ont de l'argent. Je ne parle pas de nous autres, notre OK, collectif. c'était pas le monde en général, là. Ben, c'est parce que ça. J'ai effleuré un peu ces sphères-là à un moment donné parce que j'étais mariée, comme je te dis, j'avais un conjoint conseiller en placement financier qui faisait des gros revenus. Puis j'ai eu à côtoyer à un moment donné des gens, des milliardaires, millionnaires. Surtout multimillionnaire, là. Puis là, ça commence à jouer solidement idiot, là. Sexe et argent, là, ça Mais t'as roule. pas été sur l'île de Jeffrey Epstein, Non, je ne m'en ai pas invité, je ne suis pas assez riche. là? Non, non, mais Ça doit être les j'ai pas fait, moi, multi-millionnaires, ouais. c'est en bas de l'échelle des gens qui ont de l'argent, puis j'ai déjà pu voir très bien les mécaniques de toute la corruption possible, c'est incroyable. Mais là, en bas de l'échelle, je ne suis plus dans ces Non, milieux-là, je non, suis je dans un comprends. milieu plutôt low profile. Je vois pas ça du tout, là. C'est plutôt du monde. Je trouve le monde plutôt sain. Mais dans les sphères qu'on parle de corruptibles, des gens qui ont du pouvoir et de l'argent, c'est là que ça se joue. On dirait qu'ils s'ennuient, ce monde-là. C'est assez bizarre. Quand ils ont le cash, là, faut qu'ils se divertissent autrement, puis ils cherchent des sensations fortes de plus en plus, puis finissent par se faire piéger dans des histoires de cons, hein, tu sais. Ben, s'ils cherchent des sensations, ça peut servir à combler un vide. S'ils vivent comment dire, une absence de conscience vibratoire et créative, c'est sûr que, à quelque part, ces gens-là, ben, ils sont pris dans une dynamique de l'âme ou de l'astral. Oui, puis toujours plus, puis on veut tout. C'est un peu comme la violence, c'est le même principe. Si on regarde ça commence avec une petite phrase de travers en un coup, puis à un moment donné, ça gueule plus fort. Une manie, il y a claque sa gueule arrive, et c'est progressif, la Il y a une violence. escalade. Bien, ça me fait penser un petit peu là, avec le conflit qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine, où il y a une escalade qui est en train de se produire au fil du temps, en tout cas en termes de soutien financier, là. Je veux dire, le Canada, il y a un peu plus de 8 milliards de dollars qui ont été dépensés par le gouvernement canadien en soutien à l'Ukraine. Récemment, Trudeau était allé voir Zelensky pour donner un petit 500 millions pour qu'ils s'achètent des missiles puis des munitions. Puis là, il n'y a pas personne qui s'oppose à ça. Tout est normal. On est hypnotisé. On est sur le pilote automatique. Puis on envoie des chars d'assaut. Puis comment tu trouves ça? Ben, comment je trouve ça? Je trouve le show excellent. Premièrement, je trouve ça idiot. On n'a rien à foutre là. Premièrement, le Canada, au départ, c'est un pays qui se disait neutre. Puis ça aurait été intelligent que ça reste neutre. Mais on n'est pas dirigé par du monde intelligent, c'est clair. Comme la Mais Suisse. pour La moi, Suisse, c'est dans la pas si Deuxième Guerre. dangereux, tout simplement. Oui, je t'écoute. Excuse-moi, Non. t'allais dire quoi? Non, en fait, ce que je dirais, c'est que le Canada, ça aurait été intéressant qu'il reste neutre comme la Suisse, qui l'a été pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais non, le Canada n'est pas neutre. Alors, mais l'Ukraine, moi, premièrement, qu'est-ce qu'on va foutre là? Les Canadiens, mais c'est ça qui me. C'est pour ça que je trouve pas ça intéressant ce qui se passe ici, parce que le monde ne se questionne pas. Mais moi, je me questionne, puis c'est Question aux pour ça qu'on se États-Unis, parle. s'il se passe quelque chose, au moins ils viagent. Mais moi, je me questionne, je me suis dit, pourquoi que on dépense des milliards pour soutenir l'Ukraine Ben alors qu'on oui. a plein de problèmes sociaux à régler, que ce soit le Pourquoi? système de santé, le système éducatif, l'état des routes? Ben oui, mais t'as-tu une réponse à pourquoi on fait ça? Bien, moi, j'en ai une réponse, mais pas politiquement correcte, oui, pas vraiment belle. C'est Vas-y. que, en réalité, le but de l'opération, même chose pour les États-Unis où les gens, si nous écoutent, vous êtes en France ou en Belgique, on est toute la gang à les soutenir à coups de milliards. C'est pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est quelque part pour que l'OTAN prenne de l'expansion, puis c'est un rapport de force entre ces forces-là, puis les Russes. Ouais, mais l'OTAN, avant même que l'OTAN existe, ça fait un Christ de bout, excusez-moi les Français, un Christ de bout que la Russie essaie de l'éteindre, hein, bien avant l'OTAN. Mais l'OTAN est un problème, c'est clair. Mais c'est l'OTAN, c'est que des pays qui sont corrompus maintenant. Alors, ce sera. Pour moi, c'est de l'économie de guerre qui leur permet de faire circuler leurs argent puis de blanchir de l'argent. C'est tout. Entre autres. Puis l'économie de guerre, pas l'économie de guerre, mais l'armement, ça nourrit des gros ports en haut, là, tu Le sais. complexe Des gros cochons qui ont beaucoup militaro-industriel. d'argent, mais un peu comme le pharmaceutique, oui, comment t'as appelé ça, c'est Le ça? complexe militaro-industriel. Mais. Qui veut vraiment la guerre? C'est toujours le petit 1% en haut de merdeux. Ben, c'est C'est les toujours banquiers internationaux pression sous chantage, point à la ligne. qui peuvent avoir intérêt à ce que ce soit le camp de l'Ukraine ou de la Russie s'endette massivement pour ensuite saisir les actifs. Parce que si quelqu'un, dans le fond, a un prêt et ne peut pas rembourser, ben, tu saisis ses actifs. Ben, ils l'ont fait avec la Grèce, puis en faillite. Fait que... Le but, c'est de prendre le contrôle des pays, puis d'esclavager les gens. Puis pendant ce temps-là, eux autres font du cash, puis ils tirent le cash vers le haut, puis ils contrôlent tout. Ça permet de C'est légitimer ça l'intérêt. aussi une ambiance de contrôle, dans le sens que s'il y a des attaques, comme on a vu là, par drone, que ce soit l'Ukraine qui est attaquée par les Russes ou vice-versa, ça crée un climat de peur qui justifie un durcissement du ton, puis des mesures de répression sociale que les gens des populations locales n'accepteraient jamais autrement. Oui, puis c'est toujours dans l'idée de diviser pour régner, créer le chaos, faire des guerres, faire peur au monde, comme ça ils sont contrôlables. Mais à un moment donné, il faudrait se demander à qui servent ces guerres-là. Moi, en tout cas, je connais aucun individu humain, là, quand tu lui demandes, là, j'en connais pas bien, bien qui sont d'accord avec une guerre, moi. Parce que c'est qui meurt dans une guerre? C'est pas ceux qui apportent. Mais C'est non. toujours les. Ben oui, mais c'est ça. moment donné, un Ben, humain, quand c'est tu un. regardes, admettons, qui que ça sert, est-ce que tu as entendu parler de Prigogine, qui est le responsable de la troupe armée Wagner? Oui. Bon, c'est ça, son dossier, je le trouve quand même intéressant. Ce gars-là, il est multimillionnaire. En fait, il est milliardaire, là. Regardez, oui. Ouais, c'est un oligarque russe. Il est proche de Poutine. Et lui, ce qu'il fait, c'est assez particulier. Il va visiter des prisons avec des prisonniers russes. Puis il leur dit, si vous servez pendant 6 mois pour la troupe de Wagner qui va faire la guerre en Ukraine, puis vous êtes encore en vie, vous allez par la suite être libre. Mais c'est Ça ça, change deux peines, exactement. Ils se font annuler leur peine. Par contre, dans le fond, comme il dit, si vous vous joignez à la troupe, tu sais, c'est intéressant puis caricatural, mais sa vidéo circule sur Internet, là, c'est assez spécial de le voir. Mais moi, je le trouve assez baveux. Il dit, bien écoutez, si vous vous joignez aux troupes de Wagner et que vous voulez déserter, vous allez être tué. Si, dans le fond, vous buvez de l'alcool, ou si, c'est pas pire, ça, si vous violez, ou si c'est la mort. Puis, tu sais, des règlements très stricts, là. Puis, il dit aux gens, on va vous donner 2 grenades. Comme ça, si vous êtes fait prisonnier par l'ennemi, faites-vous exploser. Ben, je pense que je me ferais exploser avec ce qu'ils font en Ukraine avec leurs ennemis, Mais après ça, il apporte des gens pour qu'ils joignent à Wagner. Puis là, j'ai écouté un documentaire. Puis, ils les envoient vraiment à la boucherie, là. Tu sais, c'est vraiment, là, ils envoient au front, ils sont pas derrière des chars d'assaut, là, ils sont vraiment à découvert pour aller prendre du terrain, là, un peu comme la Première Guerre mondiale. C'est vraiment d'une brutalité, là, qu'est-ce qui se passe, en tout cas, j'aimerais pas être à leur place. Wagner, c'est la même chose. Ouais, mais les Américains, les euthanasiens, je devrais dire, parce que ce n'est pas le peuple américain, c'est bien différent, les euthanasiens, États-Uniens, pardon. En tout cas, les dirigeants de Washington, ils ont le même groupe de leur côté. C'est utiliser les mêmes genres de. Rappelle-toi la guerre en Irak, là, à un moment donné, j'ai vu une photo qui était assis sur un gros paquet d'or. C'est tous des paramilitaires, ça. Non, il y a en effet, il y a des troupes paramilitaires privées qui étaient impliquées, mais la particularité de Wagner, vu que ce n'est pas des soldats russes officiellement, parce qu'ils ne font pas partie de l'armée régulière, ce qui fait que par la suite, s'il y en a qui se font tuer ou quoi que ce soit, ils ne font pas partie des statistiques. Parce que, tu sais, on va déclarer, par exemple, le nombre de soldats ukrainiens qui sont morts aux Russes. Mais dans les Russes, si on ne déclare pas ceux de Wagner, ben, les statistiques officielles, il y en a peut-être 30 000 qui sont morts avec Wagner, puis ils envoient dans des opérations plus difficiles aussi. Fait que, tu sais, ça paraît bien au niveau des statistiques, ce n'est pas des soldats qui sont morts. Ouais, mais ça, c'est leur règle, là, Ils n'ont t'sais, pas puis le d'un même côté, c'est les statut. règles du paramilitaire d'un bord comme de l'autre. Les paramilitaires américains, je pense pas qu'ils ont un dossier, je pense pas qu'on sait grand-chose d'eux autres non plus. Non, c'est ça. C'est ça va, Mais lui, c'est. il en tire profit de la guerre dans le sens que c'est une opportunité financière incroyable, dans le sens que des contrats avec le Kremlin pour aller attaquer l'Ukraine, puis c'est une très belle opportunité d'affaires pour lui. C'est des affaires de toute façon. Exactement. Mais moi, L'Ukraine, c'est un pays qui a été créé. Le pays le plus corrompu au monde. Corrompu par quoi, vous pensez? Par du monde qui ont du cash, là, puis qui font toutes sortes de cochonneries. Tu sais. Toujours une question de faire de l'argent. Ou, tu sais, ça, c'est de la propagande. Puis, de toute façon, quand on est en période de guerre comme on l'est, autant la Russie que les États-Unis que l'Ukraine, ils disent n'importe quoi. Fait que savoir ce qui se passe vraiment, on va le savoir dans 5 ans quand ça va être fini, là. 6 ans si ça sort. Mais présentement, on est dans une campagne. C'est très difficile d'avoir la. T'sais, on parle des morts, le nombre de morts. Ça se peut qu'il y ait 30. On dit 30 000 morts chez les Russes. Puis là, en Ukraine, ils disent qu'ils ont 100 000 morts. Ben là, il y en a d'autres qui vont dire non, ce sont 300 000 morts en Ukraine. Mais une chose est sûre, c'est qu'en Ukraine, tu n'as pas le droit de prendre de photos d'images des cimetières. C'est étrange, pareil. Ah, je n'étais pas au courant. TVA m'a pas parlé de ça, Bruno. Tu n'as pas le droit de prendre d'images des cimetières en Ukraine. T'as défaut de quoi, ils peuvent te tuer sur place, chérie. Ah, je n'étais pas au courant. Ben, c'est parce qu'il y a trop de morts. C'est pas dur à comprendre. J'avais vu sur réseauinternational.net, avant qu'ils censurent, qu'ils interdisent les images, on voyait des images des Ukrainiens qui enterraient leurs morts. Écoute, c'est des champs complets de tombes. Fait que là, quand ils ont vu ça, ça fait pas une bonne presse à la guerre de l'Ukraine. Ça a l'air qu'ils gagnent la guerre contre la Russie. Mais que ça va pas bien quand il y a rien que des morts que tu vois dans la photo. Fait qu'ils ont interdit photos, des images de tous les cimetières. Il y a une autre interdiction aussi, mais je sais plus c'est laquelle. Sinon, les Russes ont leurs interdictions aussi, dans le sens que si quelqu'un dit qu'ils font la guerre à l'Ukraine, à ce moment-là, la personne s'expose à plusieurs années de prison. Là, c'est le journaliste qui a dit ça, là. C'est ça que je dis. Là, on est en période de propagande des deux bords, Exact. puis des trois bords, là, parce que l'Ukraine, il y a les États-Unis. Mais aussitôt qu'on dit quelque chose qui déplaît à leur plan, quel qu'il soit, t'es way out, là. Si t'es pas descendu. Je sais pas combien qu'ils ont dit qu'il y avait de morts autour de Clinton, là, mais Madame Clinton, là, tu veux pas être amie avec, est-ce? Je pense que c'est autour de 200 quelques personnes qui sont mortes en 10 ans, là, autour d'elle, là. Ah, quand même, ils disparaissent. Ça donne comme ça. Ça fait peur. Mais c'est fou, là. Présentement, on est dans une période de très, très intense. Là, on rentre vraiment dans l'apocalypse qui veut dire révélation, pour moi. On verra. Non, exactement, mais Et cette vision que je vais me planter, je vous rirai de moi, je m'en fous. J'étais à peu près certaine que l'armée américaine va prendre le contrôle du gouvernement à l'automne au plus tard. Destitution de bidon. Donc, la prédiction, tu l'as fait pour l'automne de cette année, c'est-à-dire Dit 2023. Trump va revenir au pouvoir avant fin 2023. En passant, les amis, quand je dis ça, c'est pas que je veux avoir raison. J'expose ce qu'on me dit, ce que ça me dit, pour voir si eux me disent la vérité. Pas pareil. Mais ce que j'aurais comme info, c'est que Bidon, il va sortir complètement pour impeachment en anglais, c'est quoi? Destitué. Puis Destitué. il va aller s'asseoir sur À son part de, il bidet. n'y a pas l'élection de 2024 comme il parle. Ça va être la. Ils vont peut-être. Je ne sais pas comment ils vont le présenter, mais d'après moi, l'armée va prendre le contrôle pour refaire l'élection de 2020, où ils vont faire l'élection de 2024, puis ils vont la chapeauter pour être sûr qu'il n'y a pas de tricherie cette fois-ci. Moi, j'ai l'impression qu'il se passera rien. Mais on verra bien. On verra bien. Écoute. Et pour ceux qui pensent que Trump va aller en prison, on va se marrer tantôt. C'est un piège, en passant. Ce qui se passe, là, présentement, c'est un piège. C'est un Ben moi, c'est piège. sûr que je vois que derrière, tu sais, la façon que les choses sont présentées par les médias, on le présente comme étant, ben depuis le début, là, depuis qu'il a été mis au pouvoir, Trump, comme étant le méchant de service. Fait que moi, je trouve qu'il. 2016, à peu près. Moi, j'ai rien entendu de positif Non, sur cet moi homme-là. non plus, là, dans les médias de masse. Méchant truc, lui, toi. C'est ça. Par contre, je dois admettre, Alexis Cossette-Trudel, parce que je suis quand même capable de remettre à César ce qui lui appartient, qu'en effet, Donald Trump, ça a été un dirigeant de paix, parce que sous sa gouvernance, il n'y a pas eu de nouvelle guerre dans laquelle les États-Unis ont été impliqués. Ben, il veut plus faire ce qu'il dit. Moi, j'écoute ce qu'il dit depuis 2 ans. Je l'écoute en conférence quand il se présente, là. Il veut plus de guerre. C'est terminé, là. Pour lui, il n'y a plus de place à faire des guerres comme on a fait. C'est Exactement. Puis là, regarde qu'est-ce qui s'est passé. pas plate. La guerre entre la Russie puis l'Ukraine, puis le soutien massif de l'Ukraine là, par les États-Unis, c'est Joe Biden. Je ne sais pas si Trump aurait été au pouvoir, ça en aurait fait autant. Ben, il avait débarqué de l'OMS, puis il avait débarqué de l'ONU. Je pense pas qu'il aurait embarqué dans l'OTAN. Ben, ou soutenir J'aurais plus l'OTAN de gaz. puis dépenser des milliards là, pour l'Ukraine, là. Moi, je pense même que l'OTAN, l'ONU, puis tout ça, l'OMS vont toutes tomber d'ici 2, 3 ans. L'Union européenne aussi. C'est trop corrompu, ça va tout planter. Mais moi, ce qui me T'as-tu vu surprend, c'est. Oui, l'Union vas-y. européenne, il y a une femme, Faïla. En tout cas, les Français, en France, sûrement que les gens sauraient me dire le nom. C'est une femme qui a été surprise avec je ne sais plus combien de millions de dollars dans sa chambre d'hôtel. Finalement, elle est allée en prison, elle est arrêtée, faisait partie de l'Union européenne. C'est de la corruption, c'est de l'argent de corruption. Puis elle est allée en prison, puis elle revient à son poste à l'Union européenne. Comme si de rien n'était. Ah, oh, ça va bien aller. Oh, le show est bon, excusez-moi, moi je suis Mais moi, mauvais. ce que je comprends pas, mon âge, c'est qu'en dépit de la corruption qui a cours depuis plusieurs années, c'est que le système s'écroule pas. Comme récemment, au mois de juin. Ça s'en vient, il y a force de Ben non, faire mais des je te donne un exemple. Au mois de juin 2023, Ouais. il y avait le rehaussement de la plafond de la dette des États-Unis qui a été rehaussé de nouveau. Ça fait des années qu'ils s'endettent, puis là, ils sont obligés de demander là, au Congrès que la dette puisse être rehaussée pour avoir davantage d'argent emprunté. Mais moi, je me dis toujours, ils ne pourront pas tout le temps faire ça éternellement. Puis là, il y a des lanceurs d'alerte. Il y avait Amélie Paul là, avec son démission là, qui a cours, là, puis elle disait, ah, il va arriver quelque chose, il va y avoir une crise économique. Puis au moment où on se parle, on est présentement le 15 juin 2023, puis regarde, tout baigne comme dans Il n'y l'eau, a pas là, de la crise bourse est bonne aux économique, ça, États-Unis. là? Attends, t'en mets beaucoup de choses dans la même phrase, là. Vas-y. Tu trouves qu'il n'y a pas on n'est pas en crise économique. Vous n'avez pas remarqué que l'épicerie coûte 30 % de plus Ça, que c'est de l'année passée? l'inflation. Bien, ça commence de même, une inflation galopante. En tout cas, moi, d'après moi, ce qui nous attend, c'est pire que 1929. On verra bien, mais je veux dire, présentement, au niveau économique, si tu regardes des indices, comme par exemple le S&P 500, le Dow Jones, les indices sont quand même assez élevés, là, présentement. Ouais, mais ça, il y a une passe là-dedans. Là. J'ai entendu, moi je comprends rien de ce qu'il a dit, mais j'ai compris l'idée. C'est que les grosses corporations rachètent leurs propres actions présentement dans le marché pour pas faire baisser le marché, en tout cas. C'est compliqué de mettre la bourse pour moi. Il empêche le marché de s'effondrer pour l'instant. Mais je ne sais pas si l'effondrement économique est une solution non plus. Là, t'sais, je veux dire, ça va avoir des impacts tellement importants que ça peut être le chaos sur la planète. Là. Fait que je ne sais pas là-dessus si. Je sais qu'on rentre en récession puis qu'on va être en récession solide. Est-ce que ça sera pire que ça? Je ne sais pas. Mais si vous trouvez qu'on n'est pas dans une crise inflationniste Ben, solide, je me demande c'est quoi, là. non, je suis Tout d'accord est avec toi qu'on vit de l'inflation dans le sens des prix à consommation, notamment la nourriture. On l'a vu depuis les derniers mois que ça a augmenté là, très fortement. Ça, c'est clair. C'est 30 % de plus à la liste d'épicerie, moi, j'ai remarqué. J'achète des produits, un exemple, un petit produit que je payais 25 $ il y a pas si, avant, il y a 2 ans, qui est rendu à 45 $. La bouffe à chat, un petit sac de même, 62 $. Hey, je sais pas, là, y a personne qui. C'est pas vrai. C'est pas vrai que l'inflation est juste de 6 %. C'est ce qu'ils nous disent, mais c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Non, Les non, gens. c'est sûr que pour les autres vont dire ben 6 % c'est parce que c'est un amortissement en relation avec différentes choses, là, le vêtement, puis il y a des choses qui ont moins augmenté que la nourriture, faut mettre ça en contexte. Oui, mais tu sais, je ne sais pas comment ils calculent ça, mais ce que nous, on consomme le plus, c'est, mettons, le logement, la nourriture. Ça n'a aucun sens. Ici, l'appartement que j'ai, 2 500 $ par mois. Les salaires au Québec, ça n'a pas été, à part les fonctionnaires qui sont votés, les parlementaires, 30 000 $ de plus là, par année, c'est personne qui se tape ça à part les juges puis eux autres. Les salaires du moyen du Québec, on est la province la plus pauvre quasiment du Canada, avec des marges de. Je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre. Moi, je pense qu'il va y avoir un écrasement quelque part, Ben, c'est il y a sûr. beaucoup de gens qui vivent, ou devraient dire survivent, en fonction de prêts. Or, le taux d'intérêt pour les prêts personnels a augmenté. La Banque du Canada a augmenté la valeur du taux d'intérêt. Il est passé à 4,75 récemment après plusieurs hausses successives. Présentement, le prêt hypothécaire est à combien? 6 %? Ce que j'avais compris, c'était 6 ou 7 %. Puis il y avait des gens il y a quelques années qui avaient des prêts, par exemple, à 3 %, quasiment à la moitié. Puis là, 1 %. Tu vois, c'est encore 2 %. l'écart est encore plus grand, là. Il y a 6 ans. On est à 7 %. Les gens qui ont acheté il y a une hypothèque, mettons, à 2-3 % il y a 5 ans, là, puis qui vont devoir renouveler, là, t'es-tu combien? Ça fait un point de plus en argent par mois. Ça C'est doit faire énorme, plusieurs là. Si tu centaines de parles dollars, surtout de. si la maison a été achetée pendant qu'il y avait une période de bulle immobilière, puis que la maison vaut des montants astronomiques, là, comme 400 000 ou 500 000 dollars. Moi, j'avais calculé sur 300 000 de prêts hypothécaires, Oui. dans le temps que j'avais un prêt, là, hypothécaire de 300 000. Moi, je payais 2-3 %. Puis j'avais calculé que juste 2 % de plus, mon paiement était de 1 000. Combien je payais par mois? Je ne me rappelle déjà plus. Ça fait rien qu'un an, je ne paye plus. je crois que c'est 1 000. Non, c'était combien? 1 200 par mois, mettons, d'hypothèque. Un point de plus, c'était 300 piastres de plus par mois. Sur 300 000. Deux points de plus, c'est 600 piastres de plus par mois. Mais là, on a monté de 5 points, là. C'est peut-être 1 000, 1 500 piastres de plus par mois. Donc, il y a des gens qui n'ont pas la marge de manœuvre financière pour honorer le paiement. Donc, ils devraient avoir en lien avec ça, sans doute, des gens qui vont perdre leur maison, se la faire saisir. C'est commencé au Québec, ça. J'en entends beaucoup d'histoires comme ça, de reprises de des gens qui sont obligés de vendre leur maison, ne sont plus capables de payer. Mais je pense que ça va devenir encore plus aigu d'ici un an ou deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont closé des hypothèques de 5 ans en Ouais, et puis. 2019, 2019, 20. Et, mais moi, je vois les taux d'intérêt monter plus haut que ça, là, ça va monter encore. Vous allez voir. Ils ne connaissent pas d'autre façon que de monter les taux d'intérêt pour essayer de contrer une inflation. Ils ont toujours fait ça. Puis c'est la dernière chose à faire en principe, c'est parce qu'ils ne veulent pas contrer l'inflation, ils veulent récupérer de l'argent. Ils ont tellement imprimé d'argent qu'il faut qu'ils montent les intérêts pour récupérer. Ça fait partie de l'effet pervers du système, dans le sens que si pendant la pandémie, ils ont inondé le marché avec de l'argent, Ça. ben là, à ce moment-là, ça amène une dévaluation de l'argent parce qu'on a plus en circulation. C'est Et ça. c'est sûr qu'en lien avec la situation présente, étant donné que l'inflation n'est pas encore retournée sur les 2 %, parce que de ce que je comprends, ce qui est visé, c'est de maintenir une inflation approximative à 2 % par année par la Banque du Canada. Comme on n'est pas rendu à ce seuil-là, ben c'est sûr qu'il risque encore d'augmenter le taux d'intérêt tant aussi longtemps que ça ne sera pas revenu à du 2 % là, comme avant la pandémie, là. Oui, mais ça, en tout cas, ça, c'est dans la mesure où, pour les banques canadiennes, je sais que les chartes des banques canadiennes sont un peu différentes des banques américaines, mais si les banques américaines continuent à planter de la gueule comme il se passe, mais que personne parle, là, il y a beaucoup de banques qui ont des gros, gros problèmes aux États-Unis. Si ça plante trop, c'est sûr que ça va nous affecter aussi, ici aussi. Donc, Ah, ça, c'est clair, là. Il y a eu, entre autre, la fermeture de la banque de la Silicon Valley aux États-Unis qui a eu cours il y a quelques semaines. Il y a plusieurs, ceux qui ont planté, ouais. Mais il y en a Et eu d'autres après, David. oui, je sais, mais ça a Le été. Crédit Suisse aussi, le Crédit Suisse qui est planté avec une autre banque qui se sont associés. Quand même pas de la tarte, le Crédit Suisse. Non, Non, il y a un exactement. mouvement au niveau des banques là, qui est très inquiétant, à mon avis, mais ça, j'en connais pas le sujet assez. Je sais qu'il se passe des choses, mais je maîtrise pas le sujet. Moi non plus, mais ma curiosité, c'est de voir, parce que pour en revenir au renouvellement du plafond de la dette aux États-Unis, c'est que l'endettement continue, puis ça court depuis des décennies, puis de manière ponctuelle, il renouvelle le plafond de la dette, mais le système se maintient en dépit de tout ça. Tu sais, à un moment donné, tu regardes ça, puis ça n'a pas de bon sens, une dette de plusieurs de trilliards de. Je sais même pas le montant là, total, là, il est très, très, très élevé, mais c'est comme on dirait. Quelqu'un qui peut tout le temps éternellement emprunter sa carte de crédit puis n'aura jamais à rembourser. Ben, si le but c'était le grand reset, c'était pas un problème. C'est pour ça qu'ils sont mis à imprimer de l'argent, parce que l'objectif c'était de faire effondrer le système monétaire pour rentrer dans le numérique. Malheureusement, le projet peut pas se faire et c'est là le problème, c'est qu'ils sont fous avec leurs affaires. Le grand reset peut plus être possible. Ils peuvent plus le faire. C'est plus, c'est les, ça aurait dû, pour pouvoir se faire, il fallait que ce soit mondial. Puis là, comme tu peux voir, le BRICS s'est créé. Alors, il y a une opposition au dollar Ben américain, oui, mais parce que tu as des le dollar de pays, pétrole, là, qu'on parle, exactement les pétrodollars, donc si tu as c'est là. des pays qui achètent du baril de pétrole avec des euros et non plus l'argent américain, donc si l'argent américain n'est pas la devise utilisée uniquement à l'international, eux autres sont dans le pétrin avec leur projet, là. C'est ça. Puis, plus en plus, le BRICS prend de l'en... T'sais, on voit, pour l'instant, ça n'a pas tant d'impact encore sur le dollar pétrole, mais à force que le BRICS, ils ont commencé à échanger dans le yuan, le rouble. Ils reconnaissent les monnaies nationales de tous les pays qui se joignent au BRICS, alors ils vont échanger dans ces monnaies. Ça fait de l'argent en moins dans cette gang-là, là, de US dollar, là. Exactement. Tranquillement, plus le BRICS grossit, plus les autres s'effondrent. Ben, c'est ça, parce qu'il y a moins de monde pour les supporter, puis ça, comment dire, le dollar américain n'est plus la devise de, et de moins en moins, en fait, la devise de référence. Parlant, David, fais attention, on ne parle pas du dollar américain, de l'américain moyen, là, on parle vraiment du pétrodollar, qui est différent. Ce dollar-là est autre, d'échanges internationaux, c'est différent. C'est du moins ce que j'en ai compris, là. Bien, en fait, tu me corrigeras, mais moi, ce que j'avais compris, c'est qu'historiquement, des pays comme par exemple l'Arabie Saoudite, il était utilisé le dollar américain pour faire les transactions par rapport à l'achat de barils de pétrole. C'est Même ça. chose dans d'autres pays arabes. Puis là, vu que c'était l'unité de mesure de base, bien, ça créait une demande ou une valeur artificielle pour le dollar américain. Oui, ça a de l'allure. Mais quand je dis, en tout cas, c'est ça, il faudrait que je repasse dans des affaires pour comprendre mieux, là, mais ça va affecter tout le monde, l'économie de tous les pays qui sont encore liés au dollar dans les Non, échanges c'est ça, mais internationaux. le développement et la mise en puissance du BRICS, ce que je voulais dire, c'est que c'est en lien avec ça, c'est que ça crée un monde multipolaire. Oui, tout à fait. Et c'est très bienvenu. Je suis très contente que ça existe. Parce que c'est fini l'unipolaire, là. Ouais, Ça va plus. l'unipolarisme là, américain, là, avec Les le mots, comment dollar. l'appelle-t-on? Les mots, il y a un mot, émo, je. Non. Oh, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. C'est un émo, je. Non, le mot, ça ressemble à émo. L'hégémonie Hégémonie, voilà. américaine. Américaine. Excusez-moi, messieurs, dames. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est assez, là. T'sais, c'est ça, un nouveau monde, justement. T'sais, on parle de vivre avec différentes cultures. Le respect aussi entre les cultures, c'est pas les pays. Commencer par, avant de s'unifier tout le monde, on peut-tu juste commencer à pouvoir se respecter dans nos différences? Ben oui, cohabiter ensemble. Déjà économiquement, je trouve le BRICS plus Ben, intéressant à ce niveau-là. On ouais. verra si c'est ça qui applique de façon permanente. Là. Pour l'instant, l'idée est bonne, mais on se méfie tout le temps, un peu, quand même. C'est ça, mais ça va être de voir si le BRICS va pas prendre la relève sur les États-Unis comme étant comment dire, c'est pas une super puissance parce que c'est un assemblage de différents pays, le BRICS, là, tu sais, y a le Brésil puis d'autres pays aussi, là, mais est-ce que ça va devenir le pôle dominant, tiens, qui va supplanter le pôle américain qui avait pris, dans le fond, toute la place, là, depuis la chute de l'URSS? Pour moi, c'est clair qu'il n'y a plus d'avenir avec. C'est le BRICS, l'avenir, c'est clair pour moi. Il y a de plus en plus de pays qui se joignent à ça, mais il ne faut pas oublier que juste au point de départ, les 5 pays qui ont créé le BRICS, c'est le 2/3 de la planète mondiale. C'est quasiment le 2/3 de la population Ben là, mondiale. c'est sûr, si on compte la Chine, qui sont au-dessus d'un milliard. Ben, la Chine, l'Inde, Oui. la Russie, quand même un gros pays, mais juste la Chine puis l'Inde, c'est chacun 1 milliard et quelques, là. Exact. On est 7 point quelques milliards, mais on a déjà 2-3 milliards là. Là, tu ajoutes la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Venezuela, il y en a d'autres pays là qui se joignent, là. On commence à gratter la tête, là. C'est des consommateurs qui nourrissent ça, c'est des gens, c'est nous qui nourrissons ces gens, ces choses-là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est quasiment, c'est au moins la moitié de la planète déjà qui va consommer autre chose d'une autre façon, puis que nous autres, on va sécher pendant ce temps-là. Non, non, c'est ça. Mais quand on regarde ça, c'est que moi, la façon que je vois les choses, c'est qu'il y a trois blocs. Il y a le bloc des États-Unis, il y a le bloc de la Russie et également celui de la Chine en termes de superpuissance. OK. Donc là, le BRICS allie deux superpuissances, la Russie et la Chine. Puis de l'autre côté, tu as les États-Unis. Puis en parallèle avec ça, avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est que derrière l'Ukraine, t'as les États-Unis et ses alliés, les forces de l'OTAN. Puis de l'autre côté, par rapport à la Russie, t'as la Chine qui est comme, disons, est plutôt, de ce que je comprends, plutôt neutre, mais. Elle est neutre, mais elle a dit que s'il y avait besoin d'aide en Russie, il les aiderait. Mais l'armée russe, là, c'est la plus grande armée défensive au monde. Et je dis bien défensive et non offensive. Il n'y a pas grand-chose pour les battre. D'ailleurs, on le voit en Ukraine, ça doit faire 3 armées qui déciment, là. 3 armées otaniennes. Ben, la première, c'était ukrainienne, mais les 2 autres fournitures de stock, là, c'est l'OTAN qui le fournit. Puis Il n'arrive pas à rentrer dans le pays, mais il avance pas partout. Ben, c'est-à-dire la contre-offensive ukrainienne qui a commencé, qu'on nous dit là, dans les médias il y a quelques jours. La troisième, ouais. Là, ce que j'écoutais avant qu'on parle ensemble aujourd'hui, c'est un bulletin de nouvelles sur LCI qui expliquait que c'est que les forces ukrainiennes sont confrontées au fait que les Russes ont mis beaucoup de mines sur les terrains qu'ils ont conquis. Fait que là, la problématique, c'est que ça les retarde dans leur avancement, parce que c'est sûr que si les mines explosent, que ce soit des êtres humains ou des chars d'assaut, ben ça amène des pertes. Donc, les Russes ont été tactiques dans le sens qu'ils ont conquéri du terrain. Par la suite, ils ont miné le terrain, en grande quantité. Pourquoi ils ont fait ça? Vas-y. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont conquis un territoire dans les premiers mois, les Ukrainiens revenaient en arrière pour les reblaster. Aussitôt qu'ils quittaient la place libérée, des territoires qui se disent russophobes, à Russophone, chaque tu veux fois. dire? Russophone, oui, pardon. Parce que si on dit russophobe, ça veut dire qu'ils ont peur de la Russie. C'est la phobie. Je te l'ai dit, je l'ai dit avant l'entrevue à toi. J'ai dit, je sais pas, j'ai encore moins de mémoire qu'avant, fait que je Il y te a pas de dis. problème, Mono. Moi, je suis là pour t'accompagner, Merci de pour me corriger. ajuster les choses aux besoins, là. Russophone. Oui. Mais à chaque fois qu'ils libéraient un espace, l'armée continuait à progresser, puis normalement, les gens restaient, il y avait comme des petits groupes qui restaient pour aider à la reconstruction, puis aider les gens. Mais il était rechargé par l'Ukraine, par en arrière, par l'armée ukrainienne ou otanienne, vous appelez-les comme vous voulez. Mais à un moment donné, ils se sont tannés de ça, puis se sont mis à miner le terrain pour justement empêcher qu'ils reviennent. Tout simplement. Mais là, ça leur sert pour d'autres stratégies, ça peut être d'après ce que tu dis, mais Bien, ça empêche la contre-offensive c'est ça. de reconquérir des territoires, donc ça leur permet de se maintenir là, en contrôle des zones qu'ils ont enlevées à l'armée ukrainienne, là. Ouais. Mais ce que je veux dire quand je dis que l'armée russe, s'il avait voulu foutre le pays à terre, ça fait longtemps que ce serait fait. Dans le sens qu'ils ont pas, ils ont un armement que même les Américains, en passant, les Américains, c'est plus une puissance. Ils ont peut-être l'armement nucléaire, mais même là, les Russes sont plus puissants qu'eux autres dans l'armement nucléaire. Bien, en nombre de missiles, en effet, j'avais déjà vu de la documentation en termes de milliers de missiles que oui, les Russes, ils en ont plus. Puis Par contre, plus spécialisés, ils ont même plus rapide aussi. bien, ils ont les missiles hypersoniques Ouais, qu'ils ont développés, dont le Satan 2. c'est ça, le Satan 2, c'est leur dernier petit bébé. Ouais, puis ils ont choisi un nom pour créer de l'intimidation. C'est sûr que les catholiques fanatiques croyants, ils vont entendre parler de Satan, ils vont dire c'est l'œuvre du diable. Bon, c'est pas mal diabolique des C'est une deux bords. façon d'intimider, là. Mais bref, oui, ils ont un armement technologique très poussé, les Russes. Par contre, Exact. les Américains aussi, ils en ont pas mal, là. Ouais, mais je veux dire, tu lances une bombe, là, une bombe, c'est fini, là, tu sais, une bombe nucléaire, là, c'est plus la bombe d'Hiroshima. Non, il y a des bombes plus puissantes, sauf Là, qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les algorithmes, la façon que c'est fait, c'est que si, mettons, un pays envoie une arme nucléaire à un endroit, bon, ils peuvent essayer de l'intercepter en vol avec une batterie antimissile, mais ils peuvent simultanément enclencher un système qui va envoyer une riposte automatisée de missiles. C'est comme l'ordinateur fonctionne même si la personne n'est pas devant le radar, dans le sens que le gars qui s'occupe de surveiller pendant le 5 minutes de pause parce qu'il va aller chercher un café à la cafetière. Bon, mais si l'ordinateur fait une détection qu'il y a des projectiles dans l'air, etc., automatiquement, le système de défense peut entrer en fonction avec une riposte automatisée. Ouais. Mais Poutine a déclaré publiquement devant un immense groupe de gens que jamais ce serait lui qui déclencherait une guerre nucléaire, mais que si on l'attaquait, il répondrait. Oui, moi aussi j'ai entendu ça là, par rapport à Trump a Poutine. promis de jamais tuer Zelensky. Zelensky avait quitté le pays, avait peur d'être tué par Poutine. Ah, c'était drôle. Il y a quelques mois de ça, alors, il y a 6 mois à peu près, 6 à 7 mois, il était parti de l'Ukraine, puis Poutine a dû déclarer publiquement qu'il promettait de jamais essayer de descendre Zelensky. Fait Ah. qu'il est rentré au pays. Ben. Peut-être que dans le fond, à quelque part, Zelensky le sert dans le sens que s'il le laisse en vie, c'est parce que à quelque part c'est un idiot utile ou il n'est pas assez intelligent pour Assez être un ennemi de dangereux. taille pour lui. Ben, c'est un pion, tu sais, Zelensky. Et Colin, je ne sais pas si les gens ont pu voir les fois où ce qu'il était en entrevue dans certaines zones, là, il est coqué bien raide, ce gars-là. C'est fou, là. Ce gars-là, il est pas dans sa... Non, il est pas normal. Je prends beaucoup de cocaïne, moi. C'est sûr que c'est très possible, mais Zelensky, il a été, moi c'est ce que je trouve ça incroyable quand qu'on réalise, là, parce que j'ai écouté des vidéos sur Netflix où il interprète le rôle du président de l'Ukraine avant que je sois élu. Hein? C'est assez Comme par spécial. Oui. Ça s'appelait au service du peuple. Il interprétait le personnage du président de l'Ukraine. Puis au fil des épisodes, on le présentait comme étant un bon président pour qu'il ait l'amour du public. Puis quelques hasard. années plus tard, la fiction devient réalité, c'est-à-dire qu'il est élu par les électeurs comme étant le président de l'Ukraine, mais un peu comme Justin Trudeau, qui est notre président du Caca-Nada, qui est un acteur d'art dramatique, mais lui aussi a des compétences en matière théâtrale. Il a interprété le rôle du président avant de le devenir. Des bons orateurs, mais vraiment des connards. Ouais, mais en passant, ça me fait penser à quelque chose que... T'as-tu remarqué que tout ce qui vient du plan de l'agenda ou du deep state ou de ces gens-là, ils sont toujours obligés de nous l'annoncer? Ça, c'est une loi, hein? Occulte. Ils nous annoncent... Tu sais que l'agenda 2030, qui est tout écrit, il y a des gens, rien qu'à aller sur Ben Internet, ils oui, il vont... est affiché Ils sur ont un site tout... internet. Les Global Goals sont tous affichés en termes de justice, d'alimentation, de santé, etc. Ils nous donnent tout le blanc. Ils sont obligés. Ils sont obligés d'avertir les gens parce qu'ils ont besoin de notre consentement. C'est pour ça que je dis non, moi. Exactement. Moi, je dis non non plus à leur agenda mondialiste, sauf qu'ils ont des stratèges en ingénierie sociale pour créer la manufacture du consentement là, que parle Noam Chomsky, là, cet intellectuel gauchiste américain. Donc, ils créent le consentement social en hypnotisant les gens. Comme là, pendant la pandémie, les gens, il y avait le consentement du gouvernement là, en majorité pour les couvre-feux à 8 heures, fermeture des restaurants, les gens non adéquatement injectés, ils ne pouvaient pas aller au cinéma, ainsi de suite. Là, présentement, c'est le consentement que le Canada donne des missiles, des munitions, puis dépense à coût de milliards pour l'Ukraine. Donc, Tu comptes pas non. mais non. Fait qu'il continue. Mais c'est ça, faut vraiment apprendre à dire non, pas comprendre c'est quoi les enjeux, mais c'est ça va venir avec le temps. Les gens vont finir par. De toute façon, il n'y a rien qui change tant que tu n'as pas la face dans le cul. Hein, fait que... Ben moi, j'ai l'impression que si un jour il y a des attaques de drones russes au Canada, là, peut-être que. Ben, on ne sait pas. Je suis sûr que non. S'il y a une attaque de drone, ça va être sur Trudeau au Canada. C'est une Pas les Canadiens. possibilité, mais on a eu quand même des drones chinois il y a quelques mois qui ont passé au-dessus du Canada pour aller au-dessus des États-Unis. Et les États-Unis en ont battu en vol, là. Ben oui, après qu'il ait fait tout le tour au complet, bien sûr, d'avoir pris toutes les images nécessaires, on va l'abattre. Ça a pris je ne sais pas combien de temps, mais qu'il abatte ça. C'est n'importe quoi. Non, ils sont pas vite vite là, tu sais. Oh, pas C'est un petit peu ridicule et ça a relancé l'intérêt pour une partie du public pour l'ufologie parce que il y en a qui disaient que par rapport aux objets volants que ça pouvait être de source extraterrestre. oh boy, on fera un autre live, une autre entrevue. T'as pas, mais il en parle de plus en plus, t'as pas vu, là? Il y a même Tucker Carlson qui parle d'extraterrestres. Hey. Non, mais ça bouge présentement au niveau du Pentagone parce qu'il y a un rassemblement de gens qui, dans le fond, là, on ne dira pas que c'est un full disclosure, là, c'est pas une révélation publique totale, mais il y a quand même une reconnaissance des forces américaines de l'existence du phénomène extraterrestre, là, de plus en plus. Divertissement. C'est encore du divertissement, ça. Pourquoi que ça sort maintenant? À quoi ça nous sert de savoir qu'il y a des extraterrestres présentement? Le Pentagone. C'est pour Pendant qu'on se préparer le moment du premier connecte. contact entre l'homme de la Terre et l'homme du cosmos. Non, mais il y a un agenda, c'est-à-dire que la possibilité qu'il y ait un dévoilement progressif qui s'opère des prochaines années de la réalité extraterrestre qui se fait au compte-gouttes. Il y a quand même des vidéos qui ont été rendues publiques des autorités américaines, là, si on pense entre autres aux ovnis de type tic-tac, là, ils ressemblent à des tic-tac puis se déplacent à des vitesses folles qui ont été filmées par des pilotes d'avions américains, puis tout ça c'est authentifié. Oui, ça, je dis pas que ça n'existe pas, mais je te dis juste pourquoi ils sortent ça maintenant. C'est une très bonne question. C'est ça la question. Il n'y en a rien qu'une. Moi, la réponse que je te On est à donnerais. deux cheveux d'une guerre mondiale, puis de crever toute la gueule ouverte, puis ils nous sortent des affaires d'extraterrestres. Excusez-moi, on le sait que ça existe, les extraterrestres. Ça fait 100 ans qu'ils nous cachent la vérité, puis qu'on sait qu'il y a des vidéos de tout ça. C'est pas d'hier, mais d'un coup, ils nous sortent ça aujourd'hui, là. Moi, j'appelle ça du divertissement. C'est une façon encore de changer le focus des gens. Là, on regarde par là, puis là, on va encore se faire enculer quelque part. Ça peut servir à faire diversion. Moi, je trouve que ça fait diversion solide. Puis en passant, les extraterrestres, quand ils viennent ici, là, c'est pas si simple que ça. Là. Il y a des ouvertures précises. C'est pas n'importe quoi, mais n'importe quand, puis n'importe comment. Fait que, il y a des lois. En passant, on vit sur une planète tellement pleine de virus, il y en a plein qui crèvent. Ils peuvent pas venir comme ils veulent ici. C'est pas si simple que ça, Ben, là. s'ils ne sont pas vaccinés contre la Ah! COVID. T'as pas ton vaccin, t'es sûr que tu meurs. Ben, je fais des farces, là, mais imagine des petits gris qui vont kidnapper un être humain qui est atteint de la COVID. L'être humain est dans le vaisseau, il se met à tousser, puis toute la gang des petits gris meurt. Tombe à terre. Je fais des farces, Il là. y a un film. Tu parlais de film, mais il y a un film qui c'est ça, c'est des extraterrestres qui viennent, puis la seule façon de les tuer, finalement, c'est une grippe qui les tue. C'est avec Tom Cruise, t'as jamais vu ça? C'est possible que La je l'ai presse. vu, j'en ai vu plein, puis j'ai pas tout mémorisé les films que j'ai visionnés, mais c'est sûr qu'un petit peu, comme par exemple, quand que les Européens étaient venus en Amérique, il y a beaucoup de gens autochtones qui sont morts là, parce qu'ils ont tout simplement été en contact avec des virus qui provenaient des Européens pour lesquels ils n'avaient pas développé au préalable d'anticorps. C'est ça. Donc, une Mais situation analogue pourrait se produire entre des êtres humains et des extraterrestres. ouais, ben, ça a du sens, ça met de l'allure, le lien est intéressant, le parallèle est intéressant. Par contre, je voulais te retourner la question. Ah oui. Donc, à savoir pourquoi présentement il se passe des rencontres au Pentagone, on parle de vie extraterrestre. Ben, je dis vie extraterrestre, excuse-moi, c'est pas rigoureux, là, c'est l'existence des ovnis qu'on amène à amener ça sur la place de public comme étant quelque chose de réel. Pourquoi ils font ça? Oui. C'est ça que je te dis. Pour moi, c'est de la diversion. Moi, je vois ça comme de la préparation des Préparation. masses à un éventuel premier contact qui va se faire de manière ouverte. La préparation, ça, oui, ça me dit oui aussi. Mais c'est surtout dit. Mais c'est parce que comment ils préparent, mais en même temps, ça sert de diversion principalement, présentement. Nous Parce que ça. divertir de quoi? Pardon? Nous divertir de quoi? Ben, des vrais enjeux qui se passent ici, là. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'on est comme en train de se faire avoir solide, on perd nos libertés, on nous esclavage de plus en plus, on est moins intelligent. Imagine, le QI a diminué depuis 25 ans chez l'humain. Il n'en a pas augmenté, il baisse. Fait qu'on nous rend de plus en plus idiots pour nous maîtriser, nous contrôler. Tu trouves pas ça plus, non? Ben, Après, tu sais, les extraterrestres, là, Oui. franchement, quand ils en auront ou quand ils voudront nous dire bonjour, ils vont débarquer dans ta cour, Chris, là. J'ai pas besoin de courir après eux autres Non, pour non, savoir je qui. suis d'accord avec toi un petit peu comme le phénomène auquel comment dire, de mise en contact avec des gens que tu sais, tu as une mise en vibration, que tu n'as pas couru après. C'est sûr que l'attitude, à mon avis, pertinente à avoir, c'est de pas courir après eux autres, là. Mais ils ne peuvent pas préparer. Tu sais, si tu dis, ils veulent. Allons-y sur ils préparent. OK. Questionnons. Ils préparent. Puis là, moi, tu vois, je vois tout de suite Ben, il prépare. Premièrement, s'il y avait vraiment une apparition d'extraterrestres, mettons la semaine prochaine, d'un vaisseau extraterrestre, je veux dire, ça va être visible à travers tout le monde, là. Puis là, tu as à peu près, je sais pas, moi, 4 milliards de chrétiens, puis 2 milliards de 3 milliards de musulmans qui croyaient en Dieu. Et le choc que ça va créer, moi, si ces extraterrestres-là débarquent, que je décollisse, lui botter le cul, là. Parce que c'est créer un choc tellement grand que ça n'a aucun sens, pas intelligent. Ils peuvent pas faire ça, c'est ça que j'essaie de vous dire. C'est impossible Moi, je présentement. dirais pas nécessairement impossible. Moi, je vois ça comme une transition graduelle vers la reconnaissance de la réalité, dans le sens que les scientifiques actuellement reconnaissent avec la découverte d'exoplanètes similaires à la Terre, là, un peu partout dans le cosmos, en grande quantité au fil des ans, qu'à quelque part, statistiquement parlant, juste sur ce plan-là, il est très probable qu'il y ait de la vie intelligente ailleurs, là. Oui, je suis d'accord. Je comprends ton point. Je ne te dis pas qu'ils ne vont pas nous amener progressivement à faire voir aux gens que ça existe vraiment des extraterrestres, mais je te dis que c'est pas parce que présentement, ils servent de ça. Pour moi, c'est de la diversion. Mais de préparer les gens, il va falloir les préparer longtemps. C'est ça que je te dis. Ah, Il ben y a ça fait plein longtemps que c'est de facteurs. commencé avec les films hollywoodiens où ce qu'on voit des extraterrestres, là. Oui, mais David, mets-toi en contexte. Laisse faire Hollywood, là, puis mets-toi sur la planète Terre avec 8 milliards d'individus dont le deux tiers ont des croyances religieuses. Non, c'est sûr que ça va créer des problèmes, là, colossales de Sûr, choc de réalité si les gens qui sont pris avec des croyances sûr qu'ils ne peuvent pas religieuses. débarquer ici comme ça, c'est pas vrai. Sauf si il y aurait une situation qui pourrait mettre en péril la réalité. Prenons par exemple la possibilité d'utilisation de l'arme nucléaire dans le cadre d'un conflit qui s'en éviendrait possiblement entre l'Ukraine et la Russie. Ils l'ont déjà fait, ma David. Ils ont déjà bloqué des gens qui ont essayé de lancer du nucléaire. Exact. Puis on n'a pas besoin de les voir. Ils le font à distance. Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu des Les expérimentations centres avec nucléaires, le là, nucléaire qui se sont manifestés. Mais là, moi, je te parle de la possibilité qu'il y ait un conflit éventuellement mondial avec l'escalade, là, avec nos imbéciles, là, ben, façon de parler, là, mais tu sais, nos imbéciles heureux, là. ouais, c'est ça, nos idiots utiles du complexe militaro-industriel qui vont donner des armes à l'Ukraine, puis les chars d'assaut, puis là, ça va être les avions. Les Américains vont faire en sorte que l'Ukraine va avoir des. En tout cas, on va former des pilotes d'avions, puis tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, puis des missiles longue portée aussi, à un moment donné, ça risque de déclencher, possiblement, à force des petits pas de l'escalade, un conflit nucléaire. Oui, mais s'ils ont ils ont la capacité d'empêcher une tête nucléaire de partir, ils ont la possibilité d'empêcher que, mettons, quelqu'un paye sur le piton rouge, de Oui, l'arrêter. ça c'est clair. C'est ça, je veux dire. Ils n'ont pas besoin d'être présents à nous, qu'on les voit pour le faire. Oui, je te l'accorde, ils n'ont pas besoin de se manifester sur la place publique par rapport à ça. Ils peuvent bloquer ça à distance. C'est ça. Mais c'est vrai qu'ils peuvent être menacés par nos conneries, mais moi, je l'ai dit, il n'y en aura pas de guerre nucléaire. Fait que... Moi non plus, je pense pas qu'il y en ait. C'est pas intelligent, puis on rentre dans un monde où ce qui est supposé être la sixième race racine. Fait que je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire savoir, là, mais c'est sûrement pas après la démolition de la planète. Parce que nucléaire, qui dit nucléaire? Je ne sais pas, là, une bombe nucléaire lancée. Peu importe où, ici aux États-Unis, mettons aux États-Unis, mais le Canada il passe, puis bien d'autres pays, là, ça va. Ça Oh non, j'avais vu une peut être simulation. très. C'est Comment? ça que tu. Je te dirais, j'avais vu, dans le fond, il y avait une université qui avait fait une simulation de la possibilité que le conflit en Ukraine débouche sur. En fait, c'était entre la Russie puis les États-Unis, là, c'était pas nécessairement l'Ukraine, pour être plus rigoureux, sur des attaques nucléaires. Puis il y avait des villes qui étaient ciblées aux États-Unis, les grandes villes, même chose par rapport aux villes européennes par les puissances russes. Puis, ben, bonne nouvelle en passant, le Québec n'était pas ciblé. On est trop petit, 8 millions d'habitants, nous autres, on est correct, là. On est Mais, tellement docile, on n'est pas un problème. c'est ça, mais c'était pas tous les pays qui, dans le fond, qui étaient affectés. Puis ça, c'était même dans le scénario. Peuvent détruire juste une ville sans que ça affecte les autres environnements? Ben, c'est-à-dire qu'il va y avoir des vents, puis. Mais la destruction immédiate, instantanée, je ne parle pas des gens qui vont mourir là, des radiations là, après 20 ans, là, mais je veux dire la destruction immédiate par rapport à l'explosion, par exemple, d'une bombe, il y a un certain périmètre que ça va se faire. C'est sûr que les gens qui sont exposés au vent, puis ce qui est rejeté dans l'environnement, oui, ça va avoir un impact sur plusieurs années, dans le sens de cancer en plus grande quantité, et ainsi de suite. On verra, peut-être je suis optimiste, là, mais j'ai jamais eu, je me sens pas menacée. Je le sentirais si j'étais Ah menacée. non, non, moi non plus, mais j'évoque quand même la possibilité. C'est possible, c'est impossible. Parce Mais. que j'avais pris quand même au sérieux Bernard de Montréal qui disait qu'à la fin du cycle, si l'humanité serait menacée là, par une conflagration nucléaire, là, à ce moment-là, ça légitimerait l'intervention extraterrestre, dans le sens que si les êtres humains en viendraient à un stade de tout détruire, l'humanité puis la création terrestre, ben quelque part, les extraterrestres, dans leur instinct de survie, seraient légitimés d'intervenir parce que la destruction d'atomes va perturber l'équilibre cosmique. Tout à fait. Ça, oui, ça, je l'ai aussi comme perception. Mais je pense pas que ça soit nécessaire. En tout cas, à l'ultime, ils interviendront si nécessaire, mais je pense pas que ça va être nécessaire. Je pense pas qu'on s'en rende, on se rende là, mais Ils l'ont j'exclus fait aucune plus d'une nation. possibilité. Ouais, puis si on parle de guerre nucléaire, là, dans le sens d'utilisation de matériel nucléaire, l'Europe est très, très vulnérable. Bien plus que les États-Unis. Pourquoi? Les oligarches baltes, je ne sais pas, ça me dit ça, là, les Baltiques, il y a quelque chose là-dedans. L'Allemagne, je ne sais pas. Je sais pas, c'est juste comme ça que je le poigne. OK. L'Amérique du Nord est protégée. Par qui? Ben ça, c'est des forces occultes, les plans mentaux. Le plan mental, le plan systémique, le plan supramental. Protège. L'Amérique du Nord est protégée parce que l'avenir est ici. C'est l'avenir, c'est le nouveau monde qui se crée tranquillement. Puis c'est la Terre la plus jeune, l'Amérique du Nord. Fait que c'est dans ce sens-là qu'il y a une protection ici. On est protégé. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi on est protégé? Mais parce que c'est ça, tu viens de le dire, là. Un jeune continent. Qui est rempli de potentiel, mais qui peut être composé d'individus qui ont la naïveté d'un enfant. Oui, c'est pas mal l'américain, ça, oui. C'est comme des enfants. Mais je pense que les enfants se réveillent. Ah, ça, j'ai des doutes. Écoute, ils ont réélu, on l'a vu au Québec avec la politique il y a quelques mois à peine, là, dans le sens François Legault a repris le pouvoir, là, même si, il a mis les pires Était plus. mesures de contrôle social pendant la pandémie qu'on n'a jamais connues, là. Mais moi, je parlais des États-Unis, pas du Québec. Je t'ai dit, moi, le Québec, je trouve qu'il se passe rien. Ah, je vois même la division du Canada, en tout L'indépendance du Québec va se faire. L'Alberta puis le Québec. Oh! Tu me surprends. Je dis n'importe quoi, hein? Non, non, mais t'es pas n'importe qui. Ben, peu importe. On verra si c'est réel, là, mais le Canada sera plus le même bientôt. On En a tout cas, perdu. il va être encore plus endetté qu'il l'est présentement. Justin Trudeau qui dépasse son père dans ses performances d'endettement, peut-être qu'il va passer dans le record Guinness. En tout cas, il va sûrement avoir un record de quelconque de trou de cul, là, mais je sais pas lequel. Le pire gouvernement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, un gouvernement qui a fait pire que lui, là. Même plusieurs gouvernements ensemble, je suis pas sûre. Mais il n'y a aucune compétence, cet homme-là, à part être orateur. Là. Ben, Il il s'est y a mis la dans un taxi, mais compétence il était pas taxi. d'endetter Oh, rapidement les Canadiens, là. Tu sais, il est bon pour endetter les Canadiens. Hein? ben, il a les clés de l'argent du pays, là. Mais ce que je veux dire, c'est que cet homme-là, quand tu l'écoutes parler, quand il improvise, tu parles, je ne sais pas, mais surtout qu'il lit quelque chose, il est très, très intéressant. Non, exact. Il n'y a pas nécessairement une intelligence créative, spontanée, qui lui donnerait un verbe de pouvoir et d'improvisation. Ah, aucun, il est nul à chier. Non, non, exact. Il utilise souvent les mêmes mots-clés béquilles. Nous allons continuer ensemble. Ils répètent souvent le mot ensemble pour être inclusif. Donc, les Canadiens ensemble vont faire face à la crise, vont faire face à la menace. Un président glorieux. Ouf! Ouais, en tout cas, c'est. Mais moi, je trouve que le Canada, c'est les États-Unis, la frontière américaine-canadienne qui est la plus longue frontière terrestre au monde. Ah, j'aurais peut-être pas ce point-là parce que la frontière entre le Terrestre, Canada et la Russie est quand même très grande, là, dans le nord du ouais, mais Canada. la frontière américaine-canadienne terrestre, c'est la plus de connexion entre les deux pays, c'est la plus grande au monde. La Russie, deuxième après. Mais pourquoi je dis ça, c'est que si les États-Unis passent ce que je pense qu'il va se passer, c'est-à-dire qu'ils vont sortir le deep state de leur pays puis de la crasse, inévitablement le Canada va suivre. Parce qu'ils vont sortir la crasse du Canada. Parce qu'ils ne veulent pas d'un China-Canada à côté de leur frontière comme là. C'est exactement la même situation que la baie des cochons à Cuba quand il y a eu des têtes nucléaires qui se sont placées à Cuba. On est à deux cheveux d'une troisième guerre mondiale là aussi, en passant. Parce que les têtes nucléaires visaient qui? Les États-Unis. Il n'y a personne qui veut avoir. Je sais pas, je comprends pourquoi les Russes sont rentrés en guerre. Mais tu veux-tu avoir des hosties sur ta frontière qui veut te tuer? Non. Ils n'ont pas le choix de se défendre aussi à un moment donné. T'sais, ils étaient attaqués. Les Russes, que les gens ne savent pas, c'est que ça fait très longtemps qu'aux frontières ukrainiennes, ils lançaient toutes sortes de. Il y a des laboratoires, il y avait vraiment. C'est ça, c'était l'idée de Pourquoi ils disent qu'en Russie, c'est pas, on n'est pas en guerre? C'est qu'en fait, c'était la mission spéciale, c'était de défaire les laboratoires secrets dans lesquels ils cultivent des. La peste, il a Des armes reformé. bactériologiques potentielles. Ils testaient ça sur les Russes, sur les populations frontières. Je sais pas, ça te tente-tu de faire servir de cobaye, toi? À un moment donné, il y a des choses, il faut qu'on se rende compte que c'est pas Jojo, là. L'Ukraine, tu sais, Staline, c'est un esti de débile. Faut connaître l'histoire de l'ancienne URSS, le démantèlement, puis Staline, ce qu'il a fait. Parce que Staline, c'est un fou, fini. Bien, dans le temps de l'URSS, ce qui, parce qu'en Ukraine, il y avait des gens qui étaient indépendantistes, puis pour casser leur volonté, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des famines d'une manière intentionnelle, et des millions de personnes sont mortes de faim en Ukraine, de manière délibérée du régime, dans le fond, communiste, russe. Non, pas russe, stalinien, c'est pas pareil. Oui, mais en tout cas, bref, c'est le même. Ben aujourd'hui, c'est la Russie qui a pris le relais, là, mais c'était en effet sur Staline, là, ouais. Moi, mais Staline, c'était quelque chose, c'était un méchant dictateur, c'était quelque chose, il a divisé. C'est lui qui a créé toutes les divisions. Il y avait beaucoup de territoires qui ont été appropriés puis donnés à une autre partie de pays. La Pologne, la Pologne qui demande une partie de territoire parce qu'ils se sont fait voler. C'est tout Staline qui a fait ces cochonneries-là, qui a créé aussi l'Ukraine. L'Ukraine, c'était des Russes, puis c'était d'autres. C'était pas l'Ukraine, ça n'existait pas. T'sais, ils l'ont créé. Fait que c'est complexe, c'est ça que je dis, c'est complexe comme histoire, mais faut comprendre aussi qu'à un moment, c'est tout fini, l'URSS a été démantelée. Puis il y a eu un fuck dans le démantelage avec l'Allemagne aussi. Je me rappelle plus l'histoire, mais il y a quelque chose de bizarre là-dedans, là. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les gens, quand ils pensent Russie, ils pensent URSS, en fait. C'est plus la même chose du tout. La Russie est plus démocratique que nous-mêmes, le Canada. Tu sais. Il y J'irai a peut-être plus pas de jusque-là, là, quand même. ouais. En tout cas, comme parlementaire, il y a pas mal plus d'opposition que ce qu'on a là. Je pense qu'il y a 10 partis représentés, ou 8 ou 10 partis représentés dans le Parlement russe, puis nous autres, on en a 3 qui disent toutes la même chose. Tu sais. Quelle démocratie nous avons? Fait que c'est bien beau de dire la Russie, c'est ci, c'est ça, là, mais moi, je trouve qu'ils ont pas mal plus évolué que nous autres en 50, 60 ans que ce que nous, on a vu. Nous, on recule, eux autres, ils avancent. Je dirais pas ça, mon nom, parce qu'il y a un climat présentement, là, quand même de censure, là, par rapport aux journalistes. Les journalistes qui vont à l'encontre du narratif officiel russe, soit qui s'exposent à des peines de prison, des amendes, même chose pour les gens de la En population. guerre, Oui, mais en temps de guerre, c'est normal, ça. C'est la même chose aux États-Unis. Puis aussi, essaie de dire quelque chose, toi, Chris, contre l'Ukraine au Canada, ouais. Prends le micro, là, puis sors de ta cachette. Tu vois que tu resteras pas longtemps sur la tablette. Non, non, c'est sûr que dans les médias officiels, la personne va sans doute être blâmée, là. Ben, ils vont pas rien que te blâmer, ils vont te scraper ta réputation, ils Oui, ils vont vont te scraper la faire. réputation, mais je veux dire, elle ne sera pas emprisonnée pendant 5 ans ou 15 ans, là. Ben, t'es peut-être pas emprisonné, mais on t'enlève ta job, puis tu perds ta job, t'as plus de revenus, tu fais quoi? Tu sais, c'est quasiment mieux d'aller en prison. Moi, t'es logé nourri. Je sais Non, pas. exactement, mais je veux dire. C'est de l'oppression, peu importe Oui. la forme. Mais disons que c'est de l'oppression peut-être un peu plus douce ici. Ben, c'est juste plus vicieux. Oui. J'ai toujours dit, hein, quand j'étais plus jeune, je disais, je parlais avec des femmes excisées. OK? Il y en a dans la planète des femmes excisées. Puis moi, je riais pas, mais je disais, Chris, dans le fond, vous êtes excisé, mais moi, je trouve qu'on est excisé du cerveau à naissance. On est programmé autrement, mais on est programmé pareil. Ben, c'est une forme de castration psychique de l'individu qui est mise en place par les ingénieurs sociaux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de volonté propre et qu'il suit les dictats du système, sinon il va être dans le fond mis au ban de la société ou emprisonné pour des opinions politiques ou comment dire mis à la faillite, là. Mais on voit qu'est-ce qui se passe avec le docteur Provost, là, tu sais, lui, Ben on voit que l'Université Laval il l'empêche de travailler, puis il n'y a pas de recul en arrière, là. qu'on aime ou pas, mettons Stéphane Blais ou Dan Pilon, qui est deux comptables qui ont perdu leur licence sous prétexte qu'ils n'ont pas le droit de parler. C'est quoi le rapport? J'ai même dans le Convoy Canada, moi j'ai un ami Oui. qui est parti du con qui s'appelle Dan Robin. Dan Robin a été le lien entre les États-Unis et le Canada dans le temps du Convoi Canada, qui était assez près de Pat King puis Madame Lynch, là. Mais bref, tout ça pour dire que. C'est quoi, j'ai perdu le fil? Oh. Mais tu parlais d'un ami qui était proche, du convoi pour la liberté, là. Ah oui, la compagnie, lui, c'est un camionneur, évidemment. Lui-même faisait les États-Unis-Canada comme camionneur. Puis à un moment donné. Il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près quelques mois, il me dit, il dit j'ai perdu, il a perdu sa job. Sa compagnie a été fermée par le gouvernement canadien parce qu'ils ont participé à Convoy Canada. On n'entend pas parler aux nouvelles. Fait que la Russie, en quoi c'est pire? Calice, vous rendez-vous compte Ben, c'est pour parce qu'en quelqu'un Russie, c'est une faire des dictature comptes explicite, tandis que nous autres, c'est une oppression implicite. Pardon? J'ai dit en Russie, c'est une dictature qui est explicite, tandis que nous autres, c'est de l'oppression implicite. Ben, au moins, ça a l'avantage d'être clair. Tu connais les règles. Ferme ta gueule, c'est ça, puis le reste, tu peux parler ici. Si on pense qu'on est libre, puis aussitôt qu'on sort la tête du truc, on te coupe la tête. Puis on n'en parle surtout pas. Fermer une entreprise de camions sous prétexte d'avoir participé au Convoy Canada? Tabarnak. Moi, je suis tombé sur le cul. Excusez, là. Je dis, ben, voyons. Non, non, c'est sûr que quand tu regardes ça, tu dis, Canada Chris. est très mal perçu dans l'international, c'est la cause de GoFundMe. Le Canada a bloqué les fonds des gens, des individus comme toi puis moi, qui contribuaient à Convoy Canada. Qu'est-ce que vous croyez que ça a comme impact internationalement? Les entreprises ne veulent plus venir s'installer ici parce que n'importe quel Trudeau peut mettre fin à ses. N'importe qui couper les banques, dire ben, t'as plus accès à ton argent. Voyons donc. Mais on n'en parle pas. C'est pour ça que je dis on est juste plus vicieux puis hypocrite. Ça, c'est clair. Comme on est une population docile puis qui se questionne pas, ben, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Ben, c'est comme notre implication, en fait, sournoise dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, dans le sens qu'on va donner des munitions, on va acheter comment on appelle ça, des missiles, ensuite il y a des chars d'assaut qu'on fournit, mais non, non, on n'est pas officiellement en guerre contre la Russie. Ben non. Puis le plus triste de ça, c'est que de plus en plus des pays dénoncent de trouver des armements qui ont été vendus à l'Ukraine, qui sont ailleurs dans d'autres pays, en passant. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il va peut-être même pas là, ton hostie d'argent. Puis même l'armement. C'est détourné, là. Il y a beaucoup d'armements détournés ou d'armements qui se débarquent en Ukraine, que les corrompus prennent ça, puis s'envoient ça ailleurs, puis vendent ça ailleurs dans d'autres pays. Ça sort, là. Je ne sais plus dans quel pays on trouvait des armes qui avaient été envoyées supposément en Ukraine, qui sont vendues dans le marché noir, tu sais. Fait que nous, le Canada, là, on participe à ça. Puis on Merde, tu s'endette pour ça. sais. Ben oui, c'est ça. Puis on Mais va moi, endetter les Ukrainiens pour ça. Pendant ce temps-là, ben c'est sûr que ceux qui revendent des armes, ils tirent profit de la situation. Puis ils ont tout intérêt à ce que le conflit perdure le plus longtemps parce que ça va leur donner plus d'opportunités d'en vendre et d'en acheter. En passant, l'OTAN, la mission de l'OTAN, y a-tu du monde qui s'en souvient? C'était quoi la mission de l'OTAN quand ils l'ont créée? Vas-y. La paix dans le monde. Excusez-moi mon sarcasme. C'était ça le mandat de l'OTAN. Ben moi, décrissez-moi ça, là. Ça n'a rien à voir avec la mission que se sont donnée. Comme l'Organisation mondiale de la santé, supposée prendre soin de la santé des gens, ils nous tuent. Je sais pas. No fucking way, là, avec les hosties de vaccins qu'ils veulent généraliser, carnets internationaux, puis tout, si moi, ils vont se le mettre quelque part. Il n'y a pas un hostie qui va m'injecter quoi que ce soit que je veux pas. Mais on peut essayer de te faire chanter, puis peut-être que là, il va y avoir une autre pandémie encore plus grave dans les prochains mois. Ouais, le X-Machine. Je pense pas qu'il va se réessayer sur une pandémie parce qu'il y a trop de monde qui ont compris. Au Québec, on dort sa switch un peu, mais le monde ne tourne pas autour du Québec. Là, on est une souris dans une souricière. Mais non, je pense pas que ça pognerait encore. Je pense qu'ils vont essayer autre chose. Mais en Plutôt tout cas, nous autres. on a Mais là, eu François ils mettent Legault le qui feu des pays, là. Ils mettent le feu. a... Ouais, ben justement, j'avais une question pour toi, étant donné que tu résides toujours à Montréal. Oui. Bon, Je c'est suis capable que... de respirer, il y a trop de fumée. Ben, c'est là que j'allais en venir, c'est qu'on dit que dans le nord du Québec, entre autres la région de l'Abitibi, il y a des feux importants, puis ça s'est rendu à New York. Et la Ça c'est New particularité, York. c'est qu'à New York, on a vu des images spectaculaires, même sur le site de Radio-Canada, où on voyait de la fumée jaune. Jaune orange. Jaune-orange, exactement. Et Ouais. Des particules de quelque chose, c'est pas de la fumée, ben c'est ça. ça, Alex Cossette a fait une vidéo récemment, là, un web journal, qui disait que c'était un produit chimique d'engrais qui a été mis dans l'air sciemment. Mais la question que j'ai pour toi, parce que toi, tu es entre l'Abitibi puis New York. Je veux dire, tu es à Montréal, tu es entre les deux, là. Est-ce que tu as vu des nuages orangés circuler au-dessus de Montréal qui seraient rendus à New York? Pas du tout. Est-ce que tu as premièrement vu des nuages ou été incommodé par de la fumée? Non. OK. Est-ce que tu as connu des gens, parce que peut-être pas ton quartier spécifiquement, mais il y a d'autres quartiers à Montréal qui auraient pu être incommodés ou des gens qui se sont plaints de fumée dans les derniers jours, les dernières semaines, liés au À part feu. la personne que je génère moi-même, là, non. Puis Ben, non, autour de moi non plus. Puis je me promène dans la ville, j'ai jamais vu rien. il n'y a pas eu de nuages de fumée, là, comme les photos spectaculaires qu'on a vues à New York, là. Non, non, non. Puis il y a même une dame, une Américaine parlant de ça, là, parce qu'il parlait des vents, direction des vents, puis toutes les histoires de vents. C'est comme les vents dominants de l'époque de la pandémie. Ouais. Il y a une Américaine qui vit dans le Maine, mais près de New York. Elle est à 3 ou 4 heures de New York. Elle est directe dans le champ des vents dont il parlait, là. Elle a témoigné, elle a fait un témoignage public dans une vidéo qu'on voit très bien aux États-Unis qui a jamais vu rien d'orange passer au-dessus de sa tête. Ah, c'est pas à ça que ça s'est rendu à New Ben, York, en moi, tout cas. la chose que je comprends pas, c'est que j'ai vu des images sur Internet, de bulletins de nouvelles, médias alternatifs, où on voyait des feux au Québec, oui, mais la fumée était blanche. J'ai jamais Ben, c'est ça que vu. j'allais te dire, David. Moi, j'ai fait la recherche, hein, sur des images. J'ai tapé incendie majeur. Québec 2015. Il y en a eu des gros feux dans les années 2015 en passant. C'est drôle, la boucane est grise. Ben c'est Blanche, ça, elle est grise, blanche ou jaune. grise. Puis Mais moi, jaune-orange. mais c'est ça, ma curiosité, c'est quoi si la boucane franchit la frontière, mystérieusement, elle devient orange? Elle passe la frontière américaine, ça devient orange. C'est pas la frontière américaine, c'est New York qui est devenue orange, Non, pas. t'as raison. Tu comprends-tu? Ouais. On a vu New York. Puis il fait au Québec, puis là, il y a un lien. Mais c'est ça, je te dis. Ben, premièrement, moi, j'ai rien vu, puis bien d'autres. Puis la dame qui témoignait, là, elle est direct dans la lignée des vents qu'elle parlait. Elle n'a jamais vu ça non plus. Fait qu'un nuage qui apparaît à New York, jaune orange, puis il est faux Québec. Ils ont fait un amalgame, mais ça n'a pas rapport, d'après moi. Ben, ça a rapport qu'à faire peur au monde. Oui. Puis ils ont prêté à New York, ils disaient restez chez vous, fermez vos fenêtres. Ils ont reconfiné le monde d'une autre façon. C'est toujours pour amener ça, de plus en plus rendre les gens de plus en plus habitués à des appels. Avoir de le masque dans la face. Ben oui. Mais et là, leur nouvelle liberté, en contexte de la dictature orwellienne, là, avec un langage. 1984, c'est ça? Oui, c'est ça, de George Orwell, là, avec des inversions, là, dans le sens que c'est comme de dire la dictature, c'est la liberté, puis c'est des injections comme paradoxales, là, pour déconstruire. Ben, c'est tout inversé. Non, c'est ça. La liste des accusations, les 37 chefs d'accusation, vous devriez lire, c'est intéressant, pour ceux qui sont bilingues, là. Les 37 chefs d'accusation de Trump, là, c'est exactement ce que le Deep State fait. Ils font peut-être de la projection sur lui. Ben, ils n'ont pas projeté, ils ont inversé. Ce qu'ils font, ils ont l'accuse de ça, lui. Tu sais, admettons que Trump, il a fourré l'impôt pour 2 millions, 3 millions. Hey, c'est quoi à côté des génocides, puis des guerres qu'ils font, puis de ce qu'ils nous font? Excusez-moi quelqu'un, là, mais c'est comme comparer un voleur d'étalage avec un killer, là. Non, exactement. Mais en tout cas, pour ce qui est de la saga des fameux feux de forêt, puis le Québec brûle... En passant, ça a été mis le feu, je le dis, là, parce que je les ai vues, les images, là, c'est facile. Je l'avais dit, le jeudi où ça s'est déclenché, j'ai compris immédiatement ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait eu 16 feux qui ont parti instantanément. J'ai fait « pardon ». Mais l'explication qu'on a donnée, c'est qu'il y a eu de la foudre simultanément à plusieurs endroits au Québec... Ça, c'est faux. La météo a été vérifiée. Puis tout le ciel était bleu. Il n'y avait aucun nuage et aucun éclair. Puis en passant, là, le gouvernement du Canada, il y a un organisme de feu là, qui est responsable. La SOCFEU. La SOCFEU a déclaré que tous les feux sont de source humaine. Contredit Trudeau, carrément en public. Trudeau, il dit c'est la faute des changements climatiques. Les changements climatiques, là. Non, non, non. Puis. Je ne sais pas quoi d'autre. Là. Puis ce feu, là, oui, cet organisme. Que tous les feux puis sont sous enquête en Alberta. Et au Québec, on n'enquête pas, mais en Alberta, ils le font. Parce qu'eux autres, ils ont eu beaucoup de feux aussi, là, une vingtaine. Mais c'est la même chose. Québec et Alberta attaqués en même temps, en même jour, quasiment à même heure. Hey, je sais pas. Mais au Québec, les images satellites. C'est aux États-Unis, les États-Unis ont trouvé des images satellites qu'on a vues où tu vois le feu prendre instantanément au Québec des foyers de feu en même temps. Ben oui, donc déjà tu comprends, ça n'a pas d'allure. Là. À moins qu'il y ait eu une vague spontanément de foudre qui a tombé à plusieurs endroits en même temps, par rapport à des conditions météorologiques particulières qui auraient... Mais moi, je vous confirme que j'ai une cousine qui vit au lac Saint-Jean, parce qu'il y a des feux au lac Saint-Jean, puis elle, son chalet est dans le bois, puis il y a de la boucane, là. Mm-hmm. Puis j'y ai écrit, puis j'ai dit, Claudine, tu trouves pas ça étrange, des feux, début juin, quand il y avait encore de la neige au lac, il y a 2 semaines? Elle dit, mais non, que je trouve ça bizarre. Il y avait de la neige dans le bois. Ben oui, donc le terrain était humide, ce qui n'était pas propice au feu. C'était pas un terrain qui était sec. Ben les feux qui ont pris là, ça peut pas avoir été pris parce qu'il y a un petit gars qui a oublié sa cigarette dans le petit coin ou un feu de camp oublié. La terre est humide. Puis, je vous le dis, là, au lac Saint-Jean, il y a 3 semaines, il y avait encore de la neige dans le bois. Oups-là! Chapin, je devine qu'il y avait encore de la neige parce que c'est encore plus au nord que chez nous. Je sais pas. Arrêtez de prendre des vessies pour des lanternes, là, puis réveillez-vous. Mais moi, ma curiosité, ça serait de voir à ces endroits, est-ce que la fumée était blanche ou était orangée comme à New York? C'est impossible. Moi, à date, j'en ai pas vu de la fumée orangée au Québec. Fait que là, qu'on vient me dire que ça vient du Québec, je comprends pas, à moins qu'un phénomène atmosphérique, là, incroyable qui permet de la conversion de la fumée blanche en orange à un autre endroit. Là. Il y a peut-être en relation avec le smog ou je ne sais pas trop quoi qu'ils vont nous donner comme explication. Là. Peu importe ce qu'ils vont donner comme explication, je suis sûre qu'ils vont nous mentir. Fait que... Mais moi, j'y crois pas à leurs affaires, puis je suis pas mal sûre que c'est organisé. C'est... Premièrement, les feux, je pense que ça a été payé, des gens qui ont été payés, des écologistes extrémistes. D'ailleurs, en Alberta, madame la première ministre, Smith, la semaine passée, a déclaré qu'il y aurait une enquête indépendante parce que la RCMP canadienne a découvert. Il y a deux, trois personnes là, qui sont identifiées comme ayant mis le feu en Alberta, des pyromanes connus écologistes d'extrême gauche. Puis, je suis pas mal sûr qu'il n'y en aura pas d'enquête au Québec par rapport à ces feux Il n'en parle même multiples pas, mon petit vieux. Il n'en simultanément. parle même pas. Il n'en parle même pas d'enquête. Oublie ça. Mais elle va mettre le Québec dans le trouble parce que l'enquête, ce groupe-là, c'est le même groupe qui a mis le feu ici. Fait que ça va sortir. Qu'ils n'en fassent pas d'enquête au Québec, ça va sortir pareil. Le gros, mon gros tabarnak. Excusez, je l'ai dit. Je l'haïs tellement le goût, je le mangerai tout rond. François, le gros égo Le gros égo de de marde, l'ego. plaisant et arrogant. Quand je n'ai pas voté pour ça, je m'en voudrais. Non, ben, je te comprends très bien, mais moi, c'est sûr que ma curiosité, c'est de voir à quoi ça sert cette opération d'enfumage des citoyens. Faire peur. Faire peur, toujours faire peur. Les feux, ça fait peur. Faire peur, toujours faire peur. Il n'y a rien que ça comme objectif. Faire peur pour contrôler, faire peur pour contrôler. Puis pendant qu'on pense au feu, on pense pas qu'on est en train de se faire fourrer par Fitzgibbon puis ces conneries qui n'arrêtent pas de dilater notre argent sur du numérique qui fonctionne pas puis qui fourre le ch fuck le chien à sac. Ah, je te dis, ils ont l'art. Ils savent comment nous divertir, ça, pour dire, ils sont bons. Exactement. Et c'est sûr Et que... brûler le Québec, je pense que Bertol avait parlé de ça, j'ai vu la même chose. Les points de feu de Québec, c'est relié à une carte de mines. C'est bizarre. Des mines qui sont. Des futures mines, des mines existantes. Des mines, les mêmes petits points de feu, les mêmes petits points de mine. Étrange. Est-ce de simples coïncidences? Ouais, hein? On croit à ça, nous, les coïncidences. Mais peut-être qu'il y a des gens qui à un moment donné, vont s'allumer par rapport à tout Les cet Autochtones vont allumer ça, enfumage. ils sont menacés solides. Il y a beaucoup d'Autochtones dans les régions qu'on parle. Ouais. Dans quelle mesure c'est pas une attaque contre eux aussi en même temps, tu sais? C'est une... Après ça, on a encore les méchants blancs, mais on va vraiment nos petits Autochtones, là. Mais c'est toujours les mêmes trous de cul qui foutent la merde. Puis comme dit François Chartrand, nous sommes tous des Autochtones au Québec. Il a bien raison. Dans le sens que tout le monde a un peu de sang autochtone. Ben, ils nous ont divisés. Ils nous ont divisés, les Canadiens anglais, les Canadiens français, les Autochtones. Mais en réalité, la construction de notre pays est sur une base d'Autochtones et de Blancs. Ils se sont métissés. Ils n'ont pas eu le choix. Les premiers arrivants au Canada, là, tu penses toujours un pas qu'à moins 25, avec les petites chaudières, les petites camisoles, ils ont été obligés de s'intégrer à la communauté amérindienne qui survivait très bien. Ils vivaient très bien dans notre territoire. Fait qu'il y a eu énormément de métissage bien avant que les Français et les Anglais s'en mêlent. Alors, on est tous d'origine autochtone. On pourrait créer le Canada autochtone. Moi, je m'en fous. Bien d'accord, j'aime ça, les Autochtones. Pas de problème. Ils les trouvent super fins, en général. Ils sont très intéressants, les Autochtones. J'en connais quelques-uns. Vraiment intéressants. Mais ceci dit, c'est toujours pour diviser. Ils nous ont toujours dit le Canada français, le Canada anglais, les Autochtones. Nourrir les guerres. Combien ils ont nourri la division entre les Canadiens français et anglais. C'est Là, incroyable. les gens sont On divisés. s'accepte pas en juge. T'sais. C'est ça, mais ils sont de plus en plus divisés avec la multiplication des identités de genre et orientation sexuelle, dans le sens que autrefois il y avait des hommes puis des femmes. Là, aujourd'hui, on est rendu avec des gens non binaires. Puis on est Voilà, c'est rendu tout avec des gens fluides qui peuvent être momentanément un homme, une femme, puis devenir non binaire, puis ah, revenir un homme. ça. Hey, c'est assez dément. Hein? Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a énormément de souffrance. Les gens sont mêlés, là, mais il reste que XX puis XY, ça va rester. Fait que mâle, femelle, ça va rester. Quand même, j'ai eu une discussion avec un transgenre. J'ai à rouler à terre, là, ça a mal fini parce que un homme qui est devenu femme. Qui essaie de me faire croire qu'il est une femme. Puis un moment donné, ça a fini que j'ai dit, tu sais, c'est pas parce que t'as un trou en plastique puis deux boules en plastique que t'es une femme, je suis désolée. Quand tu auras vécu tous les changements hormonaux que je parle, puis que d'avoir un plexus de bonne femme, puis tout le corps émotionnel, on se reparlera. Entre-temps, tu vis ce que tu veux, je m'en fous. Mais parle pas à la place des femmes. Ferme ta gueule, parce que tu sais pas c'est quoi être une femme. C'est ce que je pense des trans... pas des transgenres, mais des transgenres qui essaient de parler pour nous, hommes venant de femmes, là. Je m'excuse, là, mais tu demeures un homme. Pas parce qu'on t'a coupé le zizi, ou qu'on t'a mis ailleurs, ou qu'on t'a rajouté un vagin, je m'en tape, tu seras jamais une femme. Mais la personne va te Quand tu dire, ben, te... le concept d'identité, c'est subjectif, c'est comment que je me sens, je me représente. Donc, Ben tu... oui, je sais. Ben, tu peux te sentir comme tu veux, mais il restera toujours qu'au fondamental, il y a mâle et femelle, puis que tu seras jamais une femelle. Tu peux jouer le te sentir femme tant que tu veux, mais tu sais pas c'est quoi sentir une femme parce que t'as pas les hormones qui viennent avec, ni le plexus Quoique solaire, les ni. hormones, aujourd'hui, avec la technologie et les développements scientifiques, la personne peut se faire injecter d'estrogène, non? Mais on n'est pas rien que de l'estrogène, les femmes. Non, non, je sais, mais je veux dire, la science s'est tellement développée qu'à un moment donné, comment dire... Ben, tout ce que ça fait des hommes émasculés. D'ailleurs, j'étais en train de me demander si dans notre eau, on ne boit pas tellement d'estrogène qu'on n'a plus d'hommes sur la planète. Hostie. Il te dit, ça va prendre des grèves de testicules. Ben, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de courage, que ce soit homme ou femme, là. Ben, moi, je trouve que les femmes sont plus peureuses que les hommes, mais là, rendu comme je vois là, je trouve que les gars sont plus peureux que les femmes ici. Ben, Doc Mayou, il dit que le Québec, c'est un lieu de matriarcat, où les femmes sont au pouvoir implicitement, contrôlent, puis que les hommes sont castrés, puis sont féminisés par le système éducatif qui est majoritairement féminin. Suis d'accord avec lui. Il y a un gros problème au Québec avec les hommes. On les a vraiment massacrés. Donc lui, c'est sûr que Peut-être un cours de karma. c'est une possibilité, en effet. Hey, tu sais, le mouvement de balancier, si l'homme, le petit H, là, a abusé beaucoup des femmes, simplement les femmes vont te sacrer une claque sa gueule en t'abusant. C'est ce qui s'est passé puis ce qui se passe. Moi, je pense qu'on va trouver notre centre à un moment donné, puis on va comprendre l'intelligence de trouver notre centre, parce que ça n'a pas de sens, là. Je trouve que les hommes sont tout mêlés. D'ailleurs, on parlait de ça au congrès de la Fondation, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en colère, qui sont écœurés de se faire traiter de toutes sortes de conneries, là. Puis cette Les situation ne alphas. doit sans doute pas être étrangère au fait que le Québec, c'est un lieu où il y a beaucoup de suicides de jeunes hommes. Ouais. C'est le plus élevé au monde. On a des beaux records, nous autres. On a le record le plus élevé de suicides chez les jeunes garçons dans le monde. Bravo. On ne se questionne surtout pas. Ça, c'est une affaire qu'il ne faut jamais toucher. Il ne faut surtout pas parler de ça aux parents. Parce que tout de suite, ils se sentent coupables. Le mur arrive. On ne peut plus rien dire aux parents aujourd'hui. On ne peut même pas le questionner un parent. L'autre fois, j'ai vu questionner quelqu'un. Il me dit, ben là, me sens coupable, mais je dis pas ça la question, si. Moi, je dis, arrête, on va Ben, on est arrêter dans l'ère du ça. politique correct à un point tel qu'en société, il y avait eu Radio-Canada qui avait eu un blâme parce qu'il avait utilisé le mot qui commence par N, le mot nègre, en Ouais. disant le titre Le nègre blanc d'Amérique pour faire référence à un livre. Donc, juste nommer le titre d'un livre sans pour autant tenir un propos raciste. Ils ont été blâmés là, par rapport au CRTC qui régit les communications ici, là. Ouais, c'est ridicule. Exactement. Si tu peux plus dire le nom d'un livre, t'as une crise de Ben là, problème. ça veut dire que le livre de l'Haïtien, là, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? Oui. Bonne soirée. Faut pas le dire non plus. C'est lui qui l'a écrit, puis c'est un noir, puis il a écrit ce titre-là, mais il n'a pas le droit de dire ça. Ben voyons. Voyons. En tout cas, on comprend que c'est ridicule, là, mais c'est ça. C'est ça, moi, de l'infiltration. Un organisme comme l'UNESCO ou ça, là, ce que tu viens de dire. C'est de l'infiltration d'idiots dans nos structures. Ben, c'est la mise en puissance de l'idéologie woke qui vise à faire la cancellation de la culture qui va à son encontre. Donc là, eux autres, ils ont comme dogme toute l'utilisation du mot qui commence par un N, qu'il ne faut plus le dire. Donc, la personne qui est professeure d'université, qui dans un cours d'histoire va dire, ben autrefois, il y a des gens qui se faisaient appeler nègres, même dans un contexte historique qui est présenté d'une manière éducative, ça sera pas, c'est plus acceptable socialement. Bon, de toute façon, là, mettons qu'on va dire noir maintenant, puis dans 2 ans, ils vont nous dire que noir, c'est pas bien non plus. Tu sais, à un moment donné, un blanc, c'est un blanc, un noir, c'est un noir, puis un jaune, c'est un jaune, tu sais, puis un rouge, C'est puis des ça, mais races. on crée des tabous pour bloquer l'expression de l'énergie, pour castrer les gens, puis à quelque part mettre de l'avant un agenda qu'on dit inclusif, mais qui est très dogmatique, puis qui exclut toute idée de divergence qui va pas dans son sens. Oui, c'est ça, c'est très inclusif. Ben c'est ça, c'est que tu Oh, crées non. un dogmatisme un peu similaire aux religieux qui faisaient la chasse aux sorcières. Là, c'est la chasse aux gens qui utilisent le mot qui commence par N. Mais c'est le même principe. Tu sais, c'est une façon de comment dire, de dominer les gens au nom Censurer. d'un agenda. Hein? C'est une façon de censurer la parole des gens, parce que là, les gens ne savent plus quoi dire. Ben, le mot nègre a toujours une charge un peu lourde parce que, Péjorative. ben, dans le dictionnaire, nègre, ça veut dire la race nègre. Ça, c'est dans le dictionnaire, pas Larousse, parce que c'est pas le référent, là, mais le petit Robert. Mais ça a été utilisé beaucoup d'autres choses, surtout pas dans le négro d'Amérique, l'esclavage du temps des Noirs esclavagés aux États-Unis, le négro, c'était vu comme. C'est pour ça que le mot nègre passe mal. Il y a quelques 25-30 ans, j'étais allée à New York, j'étais avec des Noirs américains, puis j'avais dit le mot nègre, puis ils m'avaient dit, déjà c'était là, ah, ça me sonne les oreilles, j'aime pas ça entendre ça, on dit pas ça, t'as pas le droit de dire ça, nous on peut le dire, mais pas toi. Bon, je dis, c'est correct, c'est comme vous voulez, mais je trouvais ça, je comprenais leur point. Entre eux, ils peuvent se dire nègre, mais pas nous, nous on peut pas dire ça. Donc, un double standard. Ça, mais c'est toujours ça. Ils ont toujours des doubles standards, ces gens-là, woke, l'agenda woke que tu parles. C'est, tu penses comme moi, sinon je t'exclus. Fait que il y a double standard. D'ailleurs, on va le voir avec l'exercice de Trump, là, qu'on accuse de ci puis de ça, mais pendant ce temps-là, Bidon fait toutes sortes de niaiseries, puis toute sa gang Clinton ou Obama. Bon, on passe ça en dessous de la couverture, c'est pas grave. Fait que c'est deux poids, deux mesures, tout le temps. C'est ça que je dis qui prend fin. C'est terminé. Là, on voit la fin de ça. Les woke, là, ça ne durera pas longtemps, tu vas voir. Ça va sortir vite. Pas bien long en disant, t'en auras plus parler de ça. Mais On verra c'est bien parce que moi j'ai l'impression que ça va devenir un peu comme la religion catholique qui s'est institutionnalisée au fil du temps, là. C'est que c'est la relève de ça. C'est la religion 2.0 avec ses tabous, son dogmatisme. Moi je vois un parallèle entre les deux, là. Mais encore une fois, je te mets en contexte mondial. Sais, quand même que nous, mettons le Canada, on est des woke finis. On est quoi le Canada, sa planète, là? 30 millions sur 8 milliards. On s'en calisse de ce qu'il prend. Bien, On s'en sur le plan calisse. quantitatif, on est peu. Par contre, sur le plan d'une, comme tu disais tantôt, le Canada avec le Québec est protégé, puis on représente le monde nouveau. Donc, on représente le foyer de nouvelles idées qui peuvent amener une transformation puis un rayonnement à l'international éventuellement, là. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que l'agenda woke, pour moi, va tomber. De toute façon, ça peut pas. Là-dessus, je rejoins Alexis Cossette, pas sur les woke, qui analysait ça sur une autre situation, mais moi, je vois ça pour les woke aussi. Je m'excuse de dire ça, là, mais les gens qui poussent ce genre d'agenda-là publiquement, là, je ne parle pas de gens qui vivent d'un transgenre, je parle pas d'individus, mais les gens qui ont un certain pouvoir. En fait, ils sont tellement incompétents qu'ils vont se tuer eux-mêmes. Dans le sens que défendre l'indéfendable, les gens intelligents sortir, mané, ça n'a pas de sens. Même les gays ne veulent plus être associés aux autres tellement qu'ils se font chier avec LGBTI, LGBTQ plus, woke. ça, oui, il y a eu beaucoup d'excès, ouais. Ben, il y a tellement d'excès de ces gens-là que j'ai des amis homosexuels qui m'ont dit très clairement. Qui sont des séminaristes d'ailleurs, vont dire, moi, je suis plus capable, hostie. Je me suis jamais fait autant chier au Québec depuis que je suis gay, depuis qu'ils me parlent de cet hostie d'agenda de marde. Ils se font encore plus agresser que jamais, là. Fait qu'ils veulent plus avoir affaire avec eux autres parce qu'ils disent que ça nuit à notre tranquillité personnelle, là. Ils étaient très bien, les gays, ici au Québec, Mais jusqu'à là, il c'est n'y a parce pas qu'ils si longtemps. sont harcelés. Ils sont harcelés. OK. Ils se font traiter de tapettes, ça recommence, là, comme il y a... Quand je dis qu'on recule, c'est ça que je veux dire. Autrement dit, le mouvement LGBTQ plus crée un effet de polarisation Oui. par rapport au fait qu'ils sont. L'intolérance des gens. Les gens deviennent. Les gens réagissent par intolérance. Puis dans le parc La Fontaine, ils se font insulter souvent par des gens qui parlent. Généralement pas des Québécois, pour pas être Ben, c'est vulgaire. là que je l'ai amené. Ben oui, mais c'est ça que je te disais, l'immigration massive de gens qui ont de la misère juste avec l'homosexualité. Imagine le reste. Ben, c'est ça, le LGBTQ+, oublie ça, là, ils l'intégreront pas, ils sont en décalage, ils sont dans l'autre polarité, ceux qui sont homophobes, et tu sais, s'ils viennent de pays, tu sais, si on regarde, mettons, l'Arabie Saoudite, où l'homosexualité, si je me trompe pas, était un crime punissable de coup de fouet, où, tu sais, il y avait des châtiments, là, qui étaient quand même assez graves, là, pour les gens qui adoptaient pas les comportements promus, là, par la dictature, là. Mais moi, j'ai pas de problème avec les gens qui veulent se changer de sexe puis les transformations. J'ai pas de problème avec ça. Moi, la question que je pose, c'est à quel âge qu'on peut commencer ça? Très bonne question. Ça, c'est très important parce que là, on est en train de faire des affaires à des enfants de transformation, c'est très jeune. Puis c'est 50%, puis ça, c'est un transgenre qui en parle, là, c'est pas moi. 50% des gens transgenres se suicident autour de 30 ans. Allô, la Terre? Donc, il y a un âge où, non, moi, là, les lois, là, qu'il faut permettre aux enfants de se faire Non, transformer non, un enfant de 14 ans, là, moi, à mon avis, il n'a pas la maturité. de juger ça, pas du tout. Exactement. Pour moi, c'est prématuré. Il est en développement. Il y a des changements hormonaux. Puis si on part du principe que le néocortex, d'un être humain n'est pas pleinement développé avant l'âge de 24 ans, C'est ça. pour moi, c'est clair que c'est une aberration de permettre des enfants qui aient des thérapies hormonales, des changements corporels irréversibles. Le jeune Et garçon qui se fait enlever le pénis pour devenir une femme, Chris, il reviendra pas en arrière avec le pénis qu'il avait. ben, c'est ça, un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'il y en a beaucoup qui voudraient revenir en arrière une fois qu'ils sont fait transformer trop jeune. Mais j'en connais un transgenre qui, lui, c'est l'histoire de sa vie, c'est la meilleure chose qui a pu y arriver d'être transgenre, il souffre moins. Il faut quand même penser que c'est des gens qui souffrent, là. Moi, je suis consciente que d'être fucking même dans la tête pour ce qui est de ton orientation sexuelle, te sentir une femme dans un corps d'homme, je peux comprendre, c'est fucking et très souffrant. Mais un instant avant de passer à l'acte, là, Ben, c'est il y a ça. Il doit être fait, il doit avoir une démarche de bien établie, de s'assurer que la personne sait ce qu'elle fait, puis quelles sont les conséquences. C'est pas à 14 ans que tu sais ça, là. Puis en passant, je suis sûr que de plein de nos auditeurs, bon, en tout cas, je peux parler de moi, mais plus jeune, je me suis posé la question moi-même, je savais pas si j'étais un gars ou une fille à un moment donné, là. Ben, j'avais un corps de femme, Oui. mais en même temps, je vivais comme un gars dans ma tête. Des fois, je me demandais si même je fantasmais dessus. Je savais plus. Je suis lesbienne. Je suis venue un moment donné que je me suis questionnée. Mais ça fait partie, c'est ça, là, en bas de la vingtaine, là, avant 23, 24 ans, Ça, il peut j'avais. avoir une phase d'ambivalence chez le jeune dans son rapport à l'identité sexuelle, une phase aussi d'exploration. Tout à fait. Puis c'est Et correct. On oui. peut la vivre, mais de te transformer, c'est une autre histoire. Ben, Mais surtout par rapport aux c'est là conséquences qui que sont c'est. radicales et irréversibles, là, en lien avec ça. Les hormones qu'ils donnent à ces jeunes-là, là, oublie pas que ça a des impacts sur leur personnalité aussi, puis leurs humeurs, parce que moi, je me rends compte, ben, des fois, j'écoute les transgenres parler, là, des jeunes transgenres, ça s'excite vite, puis c'est excité vite, puis c'est hystérique solide, là. On se calme, on peut-tu juste parler? Ça acquérit. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Il y avait un journaliste qui avait interviewé une transgenre sur une manifestation pour les transgenres, puis un journaliste qui a essayé de l'interviewer. Je peux pas vous limiter, je vais vous casser les oreilles, là. Tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est à hurler. Ah! À crier comme une malade. Oui, pauvre petite, elle est folle, raide. Ça n'a pas d'allure. Non, mais ils peuvent Il subir y a un déséquilibre hormonal qui perturbe leur personnalité parce que tout est interrelié. perturbé solide, ça, là. Puis essayer de voir aussi l'impact des hormones par rapport au développement de certains problèmes de santé. Moi, je serais curieux de voir les gens qui ont une thérapie hormonale sur plusieurs années, l'incidence du nombre de cancers au sein de cette population dans le cadre d'études longitudinales. C'est toujours mortifère, les solutions, ces pourris-là. Fait que d'après moi, c'est Mais une... ça sert l'industrie pharmaceutique parce que là, s'ils vendent des hormones à des gens, bien, c'est un nouveau marché qui se développe. Il y a des opportunités. Ben, comme la ménopause, là, c'est rendu que surtout que tu t'approches de la ménopause, il faudrait qu'on te crise des hormones. On me l'a proposé, moi, je refuse. Il n'y a pas question, je vais vivre, je vais vieillir comme une vraie femme, ben, avec le sale caractère que j'aurai. Je vais manger de la marde. Voyons donc, il y a plein de femmes qui prennent des hormones pour pas vieillir, parce que ça, c'est vrai que ça conserve un peu mieux la peau. Il y a plein de... Mais les impacts des hormones sur... Pourquoi je voudrais garder ma jeunesse éternelle? L'autre fois, je disais, je revendique le droit de crever, câlisse. Moi, patience. Bien, il y a un culte de l'éternelle jeunesse qui Oui. est véhiculé en société avec les gens qui font faire de la chirurgie plastique, injecter du Botox. Ben, il y avait une comédienne qui parlait, celle qui jouait là, pour les Français qui ne la connaissent pas, mais Guillaume Lepage en duo là, qui faisait l'émission. Oui, avec Sylvie Léonard. Sylvie Léonard, Oui. qui a mon âge, moi j'ai 62 ans, elle a à peu près mon âge d'après moi, parce que je me souviens qu'on a peut-être 2-3 ans de jeu. Là. Puis là, tu la vois à la télévision en train de faire lifter puis tout, là. Elle n'a pas une ride d'en face. Puis là, elle parle. Oh, moi, je trouvais ça tordant, là. Là, elle dit, mais moi, je comprends pas. De quoi ça a l'air une femme de 60 ans? Pourquoi? De quoi a l'air une femme de 60 ans? J'ai failli répondre, ça n'a pas l'air de toi, certain, en tout cas, lifter 3 fois. Tu sais, à un moment donné, là, venir faire. C'est comme si elle envoyait comme message, on peut avoir l'air jeune même à 60 ans. Ben oui, mais ce que tu dis pas, c'est que tu as payé 35 000 piastres de chirurgie esthétique. Ah, ta gueule! Ta gueule! Vis ta chirurgie, puis ça que nous... Mais non, là, elle veut nous faire croire qu'on peut vieillir sans rides, en beauté, sans rien. N'importe quoi. N'importe quoi. Puis là, les gens écoutent ça, là, tout le monde en parle. Là. En tout cas, c'est ça, c'est une forme d'ingénierie sociale, là, préparer les gens, toutes sortes de niaiseries. Mais moi, je revendique mes rides et de vieillir. Bon, sacrément patience. Puis je veux pas rester ici plus longtemps qu'il faut, fait que sacrez-moi patience aussi. Mais tu ne veux pas rester ici moins longtemps qu'il faut non plus. Ben, c'est écrit dans notre cellule, c'est programmé la mort, hein, fait que je vais mourir quand ça va être le temps. Ben, c'est-à-dire le corps biologique est programmé pour avoir une durée de vie limitée, sauf que à quelque part, ce qui peut moduler ça, c'est entre autres ce qu'on va appeler l'épigénétique. Donc, ben oui, ben les capacités par notre conscience, parce que tout est interrelié, d'avoir un impact sur la nature de nos cellules. Moi, je ne suis pas pressée de découvrir ça, moi, franchement. Dans cette Ben. période-ci, non, mais en contexte actuel, là, sur les 15, moi, tu sais, j'ai 62 ans, mettons 20 ans, alors 80 quelque, là. Je pense pas que ça va avoir changé tant que ça en 20 ans sur la planète, avoir des petites modifications. Oui, c'est exponentiel, d'accord. Mais non, regarde, je ne suis pas pressée. Je reviendrai dans 3000 ans, là, puis là, peut-être jouerai sur ma cellule pour vivre 300 ans. Mais je n'ai aucun intérêt. J'ai plutôt hâte de crisser mon camp d'ici pour vivre autre chose. Parce qu'il y a autre chose, puis je le sais maintenant. Mais j'ai pas hâte dans le sens que je vais provoquer ma mort. Non, C'est mais ça. c'est là que j'allais en venir non plus. Tu ne veux pas devancer le temps non plus, là. Ouais. Mais non, je suis de bonne humeur. Vous voyez bien, je suis en forme. Ben oui. C'est pas être suicidaire que d'aborder la mort. C'est que la mort, c'est pas une mort. Je le sais maintenant. Je le sais que ça existe, le plan mental. Je l'ai vu. Je sais où je m'en vais. Je suis bien contente, mais je suis pas pressée de partir, mais je chercherai pas à me retenir ici non plus. Là, t'sais. Ouais. Non, c'est pas, puis je vais mourir comme tout le monde un jour, puis c'est bien correct. Mourir physiquement, parce qu'on meurt pas. On ne meurt pas. Ben, c'est-à-dire que si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, la conscience qui anime le corps est à quelque part en relation, là c'est sûr c'est délicat, là, mais quand même avec des forces qui sont au-delà du corps physique, parce que ça n'origine pas du corps physique strictement, la conscience. Je ne suis pas sûre que j'ai suivi. C'est Le pas concept grave. ne relève pas du corps, non. Je suis d'accord. Ça même que ça fatigue le corps un grand, si tu veux mon avis. La conscience, l'esprit ou l'énergie qu'on parle, c'est intense sur le corps humain, ça, là. Oui, l'énergie vibratoire, là. Ouais, puis quand ça rentre, là, et que l'énergie rentre vraiment, là, à un moment donné, vous avez peut-être vécu ça, mon cher David. C'est tough sur le corps, ça, là. Il faut avoir une christine bonne génétique. Il y a un âge pour faire rentrer ça, parce que rendu à 70 ans, ça commence à être vieux, là, Ben, c'est faire parce des que choses. ça prend un corps qui est en bonne santé pour encaisser le choc, d'où le fait, entre autres, que Bernard de Montréal disait que la fusion, normalement, c'est vers 30 ans, où ce que la personne est en fleur de l'âge. C'est clair que, de ma compréhension au fil des ans, si la personne a à vivre la fusion, si ça se fait pas à 30 ans, ça sera pas à 80 ans, là. Ben non, c'est ça, c'est trop tough sur le corps. Puis même à 30 ans, il faut que tu aies le bon corps, parce que c'est tough. C'est tough, tough, Ben, c'est une tension énergétique, tu sais. La personne, faut qu'elle ait une capacité de résilience. Ben, c'est sûr que si la personne, elle se ramasse avec des os en porcelaine à 80 ans, oublie ça, là. Expose-la pas à quelque chose d'aussi abrasif, là. Ouais. Mais tu sais, brûler tout le ce qu'on appelle le périsprit, quand l'énergie rentre vraiment, puis que ça brûle toutes tes Ben croyances, moi, je tes... dirais pas que ça brûle d'une manière instantanée, là. En fait, Bernard, il est peut-être un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique, là. Je veux dire, les gens, en tout cas, de ce que j'ai vu, ils vivent pas un processus analogue dans le sens que toutes les croyances ou les éléments qui rattachent la personne à une coque astrale sont pas toutes détruits simultanément pour quelqu'un, là. Non, quand je dis, c'est pas simultané, c'est sur plusieurs années, mais ça use pareil. Ben, en tout cas, moi, Ben, j'ai ça vécu ça use, mais paradoxalement, ça revitalise l'individu. plus tard, mais pas sur le coup. Sur le coup, Ben, ça peut entraîner des fatigues énergétiques. des problèmes. Maintenant, j'étais allé voir un cardiologue, j'étais sûre que j'allais faire une crise de cœur. Tellement le cœur me partait dans toutes les directions. À un moment donné, j'avais quelque chose ici qui me pesait sur la tête comme si j'avais 3 tonnes sur le dessus du crâne. Ça lâche pas, ça pèse. Maintenant, on va finir. Ben, c'est Mais quoi? C'est qu'ils ont branché le chakra coronal au-dessus de ta tête, sur comment on dit, le gros câble, là, avec plein d'énergie. ah oui, mais non. Comme Mané, je me souviens, il y a eu un temps où on s'est mis à parler plein là, avec des gens qui étaient un peu dans le même processus en même temps. On pouvait parler 8, 10, 15 heures en ligne. C'était épuisant. Le Mais. lendemain, t'es knocké, mais Non, non, c'était. je sais, mais en lien avec ça, ce qui est intéressant, c'est de C'est ça voir que j'appelle brûler, David, moi. comment? C'est ça que j'appelle brûler la mémoire. Pour moi, c'est brûler des mémoires, là, dans le sens qu'ils s'éliminent, mais c'est pas du feu, là, comme Bernard l'a vécu, c'est pas la même chose. Je sais même pas ce qu'il a vécu, j'étais pas là. Non, moi non plus, mais je veux dire, quand que la personne est en contact avec la conscience, elle peut vivre un état de transe. Ou elle peut perdre la notion du temps et de l'espace. Comme Ça là, peut par être ça. exemple, ça fait au-dessus de 3, presque 3 h 45 là, qu'on fait l'enregistrement. Tu me niaises? Non, non, je suis sérieux. Ben là, excusez-moi, je suis sous le choc moi-même, t'as raison, le temps, Ben, voilà. moi, je me suis rendu à un moment donné jusqu'à près de 6 heures de temps avec Bertha, un peu plus que 6 heures, non-stop, où. La perception de. Parce que normalement, je vais souvent aux toilettes, peut-être, tu sais, aux 2 heures, ou boire une fois de temps en temps un verre d'eau. Je perds des sensations corporelles lorsque je parle avec une certaine vibration avec des gens un peu comme toi ou Berthold. Et je perds la notion, là, carrément du temps et de l'espace. C'est vrai, j'ai perdu moi aussi le Byron. Ben, c'est ça, oui. Mais. C'est ça, mais au début, quand la parole, ben là, vous avez eu peut-être un échange différent dans le contexte où tu le parles. Mais moi, je me souviens que le début du développement de ma parole, écoute, j'étais avec Martine, une amie, là, on a passé des étés dans le chalet à blablabla, des heures de temps. On se disait, si, ça va-tu finir? C'est épuisant! Ben, c'est épuisant, mais sur le coup, ça peut être vitalisant ou stimulant dans le sens qu'on peut expérimenter ce qu'on appelle l'état de flow. Donc, Ouais. connaître un état de fluidité qui est par-delà la réflexion, qui va vitaliser l'individu en lui donnant à vivre ce qu'on appelle, moi j'appelle ça un état de transe, un peu comme, par exemple, autrefois, il y avait les chamans qui utilisaient le tambour avec un rythme régulier pour induire un état de transe, mais on peut vivre aussi le phénomène de la transe cognitive. Parce que je me suis intéressé entre autres aux travaux de Corinne Sombrun, qui expliquait, parce qu'elle a été étudiée en Mongolie, là, des chamans qui pratiquent la transe, puis elle a dit, bien, si on enlève toutes les croyances, le contexte religieux, puis on épure ça au maximum, là, donc au lieu de parler de transe chamanique, on va parler à présent de transe cognitive, où la personne a un état altéré sur le plan psychique ou est en contact avec l'intuition, elle délaisse le côté rationnel, puis là, il va émerger à travers ça une espèce d'état, ben c'est sûr, qu'à part la notion du temps et de l'espace, comme je l'explique depuis tantôt. T'appelles ça trans, comment? Cognitive. Trans cognitive. C'est intéressant, ouais. Ouais. Tu sens. Mais là, vu que ça fait 3 h 30 que tu me dis qu'on parle, je pense qu'on va s'arrêter. Je me rendais pas compte, mais là, je me rends compte que demain, j'ai une journée à faire, maintenant. Non, je peux très bien comprendre, là. Excuse-moi, j'ajoute, parce que les auditeurs, peut-être qu'ils savent, là, mais là, on vient de parler 3 h, 3 h 30. On n'est pas couché, là. Parce Exact. que ça nous énergise, ça, là. Fait que moi, le temps que je retrouve mon niveau normal de vie, ça va me prendre une couple d'heures, 1 h ou 2, là, des fois. Même chose pareillement de mon côté. Des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une douche. Ou une marche. Oui, ça peut être une marche pour, dans le fond, le surplus énergétique soit dilué dans l'environnement. Ah, bon, d'accord, j'allais diluer mon Ben, énergie. c'est que l'environnement absorbe le surplus d'énergie qui émane par rapport à toi, la tension énergétique que tu peux vivre en relation avec un contact spontané de l'esprit maintenu pendant une certaine période de temps. Intéressant. Tu mets des mots sur ce que je me dis. Ça, je me rends compte. Des fois, je n'ai pas de mots, mais Ben, il n'y a aucun souci. C'est sûr que l'une de mes fonctions, c'est d'être capable de verbaliser de la manière la plus précise possible certains phénomènes psychiques subtils. a bien de l'allure. T'es pas obligé d'être en accord tout le temps, là. Non, mais tu le sais, je te dirais pas, je suis d'accord avec toi si je n'étais pas d'accord. Je ne suis pas Non, non, mais hypocrite. c'est bien correct. Non, je sais que t'es pas hypocrite, t'es quand même une personne assez spontanée et directe, là. Transparente aussi, même dans l'ego ou pas dans l'ego, ça passe comme ça passe. Puis si je fais une gaffe, je m'excuse. Sans me prendre. Même quand je dis des excuses, je sais que je m'excuse pas pour ça. Je suis pas l'ego, ça c'est intégré, mais je peux voir que je peux créer une tension, un choc ou un travers de ma personnalité, dirait Bertolt. Ben, on n'est pas parfait, mais je suis capable de le voir maintenant quand je suis à côté ou si je blesse quelqu'un. Ça sort des fois, on n'a pas le contrôle tout le temps de tout ce qu'on dit. Je ne cherche pas à contrôler ce que je dis, moi, de toute façon. Fait que c'est les autres qui m'ajustent des fois quand je déborde. T'sais. Ça m'est arrivé. Puis, vous avez raison. Je m'excuse. J'ai dit vraiment une niaiserie. Non, non, Mais mais c'est pas sûr. comme ça, je ne me sens pas coupable, pas en tout, là. C'est Ben, juste c'est pour parce que l'autre. la culpabilité, c'est un poison pour l'âme. Terrible. Donc, Terrible. c'est sûr que quelqu'un peut s'ajuster en mettant la phase, bon, qu'est-ce qui doit être fait sur le moment présent, sans vivre en fonction d'un passé que la personne ne peut pas changer. Oui, mais je le fais quand je m'excuse, c'est parce que je vis dans un collectif qui a besoin de l'entendre. Moi, très facile de me mouler aux gens parce que je suis capable, c'est ça, je dis, je ne suis pas mon ego, moi. Je m'adapte. Si je vois que ça heurte, les gens me le disent, ça paraît, là, tu sais, il y a une face, il y a quelque chose. Je vais m'excuser, mais c'est jamais une excuse comme les gens qui se sentent, oh, je m'excuse, je me sens mal d'avoir fait ça. Je me sens pas mal, mais je le fais pour défaire le choc que ça a pu créer chez l'autre. Non, non, Quand mais je je comprends que c'est dans la perspective de faire un ajustement vibratoire et non pas en aujourd'hui. réaction à un état de culpabilité. Exactement. La nuance est importante à faire. Donc, oui, en effet, on peut compléter l'enregistrement. C'est sûr qu'on peut rappeler aux gens qui nous écoutent que si vous avez envie de faire du yoga ou du pilates thérapeutique ou même connaître une consultation, que je vais mettre tes coordonnées là, en bas de l'enregistrement par rapport à ça. si les gens qui apprécient les enregistrements que je fais avec toi ou avec Bertol, qui peuvent durer plusieurs heures, eh bien, vous êtes toujours les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. Donc, si vous aimez entendre ce que vous avez entendu là, depuis tantôt, c'est sûr que moi, je suis très content de l'enregistrement qu'on a fait ensemble ce soir parce qu'on a pu parler librement. Ben oui. Donc, non, mais c'est important parce que les espaces de liberté dans notre civilisation occidentale formatée, médiatiquement parlant, vous les aurez pas dans les médias de masse avec le discours unique puis le narratif officiel. Non, effectivement. Mais pour moi, être libre, c'est entre les deux oreilles. Exactement. Et moi, la même chose que toi, là. Et c'est sûr que, bon, si vous appréciez l'enregistrement, vous pouvez faire parvenir une contribution financière. Vous allez avoir les coordonnées en bas à ce sujet là, sur comment procéder avec PayPal ou également, là, il y a aussi Interact là, pour les gens qui sont au Canada. Et puis, si vous aimez les enregistrements que je fais avec Mona, sachez qu'il y en a encore pendant plusieurs heures sur ma chaîne de YouTube parce que depuis plusieurs années, avant qu'il y ait la pandémie de COVID, on faisait des enregistrements. Pendant le cœur de la pandémie, les mesures de répression sociale jamais vues au Québec, on a fait des enregistrements. Là, on dit que la pandémie est finie et on continue pareil. On lâche pas le combat. On a encore quelques années à faire. Ben, pour ce qui est du collectif, ça risque d'être, à mon avis, très long. Là. Bernard de Montréal parlait de 2500 ans. Ah, boy! Le combat va être long. Ah, oui, le combat contre l'astral, là, planétaire mondial, là. En fait, ça, c'est quelque chose de longue haleine, là. Ouais, 2500 ans, ça, fin de la sixième race racine. Ouais. Pour entrer dans un nouveau cycle, la septième race racine, avec une conscience humaine davantage éthérisée. On aura du fun dans ce temps-là. On se retrouvera là. Pourquoi pas? Je vous souhaite une belle soirée, M. David, et tout le monde qui se plaise à nous écouter. C'est un plaisir de le faire, en tout cas. Bien, c'est un plaisir partagé. Donc, écoute, on garde contact et on va se dire à bientôt. Passez une belle soirée. Merci. Toi, pareillement.